Est, hein, principalement dans le nord et en Méditerranée, quelques averses possibles tout de même cet après-midi sur les Vosges, le Jura, les Alpes et la Corse. Les températures de 12 à 16 degrés dans le nord-ouest ce matin et entre 14 et 19 sur le pourtour méditerranéen. Au meilleur de la journée, il fera entre 20 et 28. Et puis la pollution, c'est plutôt bon, les indices compris entre 2 et 4, ça monte à 5 sur Marseille, Nice et Bastia. Échange musclé, débats électriques, duel de candidats à la présidentielle américaine à 6 semaines du scrutin. Hillary Clinton et Donald Trump ont débattu pendant 1h30 sur NBC. La démocrate et le républicain se sont affrontés sur les questions économiques et de sécurité. Donald Trump ne s'est pas énervé, mais il a parfois manqué de répondants selon les observateurs. Hillary Clinton, de son côté, s'est montrée ferme et claire dans ses explications. Elle a demandé à son rival de rendre publique sa feuille d'impôt et elle le soupçonne d'utiliser tous les moyens pour en payer le moins possible. L'ex-secrétaire d'État estime que Trump est un menteur, qu'il n'est pas en phase avec la réalité. Place désormais au sondage très attendu qui diront si les deux candidats, très serrés dans l'opinion jusqu'à maintenant, arrivent à se départager. Le chef de la guérilla des FARC qui demande pardon aux victimes. Jour historique en Colombie. L'accord de paix a été signé après un conflit qui a duré un demi-siècle, plus de 50 ans. L'Union européenne va suspendre les FARC de sa liste des organisations terroristes. L'image restera dans l'histoire. Le président colombien, le chef de la guérilla, habillé en blanc, main dans la main. Une hausse importante à laquelle le gouvernement ne s'attendait pas du tout. Douche froide hier soir à l'annonce des chiffres du chômage. Plus 1,4% en août, soit 50 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. C'est tout simplement la troisième plus importante augmentation du quinquennat de François Hollande. La tant voulue inversion de la courbe s'éloigne donc en cette fin de mandat. Le gouvernement reconnaît que le chiffre n'est vraiment pas bon. Conséquence, selon le ministère du Travail, des attentats qui ont créé un trou d'air dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs. Les salariés d'Alstom Belfort à Saint-Ouen en région parisienne aujourd'hui, entre 1000 et 1500 personnes sont attendues devant le siège du groupe. Un TGV a été spécialement affrété pour l'occasion. Les employés ont rencontré la direction hier, qui n'a donné aucune réponse concernant leur avenir. Le groupe a annoncé il y a 3 semaines l'arrêt de la production faute de commandes. Des discussions sont encore en cours avec le gouvernement. 400 postes sont concernés. Les images ont fait le tour du monde. Rappelez-vous du DRH d'Air France dont la chemise avait été déchirée et arrachée en marge d'un comité d'entreprise. C'était en octobre 2015. Eh bien, 15 personnes sont jugées aujourd'hui à Bobigny. L'intersyndicale d'Air France appelle à une grève pour se montrer solidaire des prévenus. 2 ans de prison ferme, condamnation prononcée hier par le tribunal de Paris à l'encontre de Serge Aurier. Le défenseur ivoirien du Paris Saint-Germain a été jugé pour violence commise sur un policier. C'est un contrôle qui aurait mal tourné en mai dernier après une soirée en boîte. Il n'a pas été incarcéré car ses avocats ont fait appel. Il reste donc disponible pour le club de la capitale. Et d'ailleurs, Unai Emery l'a appelé pour le match de demain soir en Ligue des Champions contre Ludogorets. Ce sera sans Hatem Ben Arfa. Son retour était pressenti mais la recrue parisienne souffre d'une inflammation du tibia. La Ligue des Champions avec le début ce soir de la 2e journée. Monaco reçoit le Bayer Leverkusen. Les Monégasques n'ont jamais perdu contre la formation allemande. Lyon se déplace à Séville. L'ancien club d'Unai Emery est triple vainqueur de la Ligue Europa. Ce sera sans la Casette qui est encore à l'infirmerie. Une grosse soirée foot donc à suivre sur Skyrock avec toute l'équipe de la Radio Libre à partir de 21h. Et oui, ça sera pour nous ce soir sur Skyrock. Ouais. Merci Rémi pour les infos. On t'en trouve dans une demi-heure et tout au long de la matinée. Et ouais. Alors tu m'as annoncé que tu voterais Trump après le premier débat parce qu'il a regardé le débat cette nuit, Rémi. Ouais. Ah ouais. Il a trouvé Trump trop sexy. Non, pas du tout. Ah bon. Non. Ah, tu votes pour. Je suis pas pour. Ah, tu votes pas, oui, mais c'est vrai que c'est dans ta slate. Il vote, il se prend pour un américain. C'est ça, mais les américains, ils s'en foutent de rien. Non, j'ai la green card. La green card. Green card, nigga. Ok, green card, nigga. Voilà. Ce sera les derniers mots de Rémi. Je crois que tu as fait carotter, c'est ça. Avant 6h30. À tout à l'heure, Rémi. Ciao. Il est 6h01 sur Skyrock, 6h02 bientôt. Allez, c'est parti pour le morning, on y va. Le petit déj de l'équipe. Difool, jus d'orange, café, protéines, Red Bull, vitamines, coca. Cédric, kebab, beurre de cacahuète, beurre, chips, frites, Nutella, fromage, hamburger. Cariole, thé, salade de fruits, fromage blanc 0%. Menteuse. Romano, rien, ça coûte trop cher le petit déj. 6h-9h. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Il faut déjeuner, Romano, le matin. C'est important de prendre là, des forces. Je prends un café, hein, il est pas cher. Ah oui, c'est vrai, c'est gratuit ici. Eh, gratuit, pas cher un café. Et c'est pour ça peut-être que tu viens tous les matins là. C'est ça, bah, je viens juste pour prendre un café. D'ailleurs, je vais me rebarrer après. Tu vas en prendre d'autres. Hein. Reste là, vas-y. Bon, bah, bon café, bon petit déj, bon réveil, bonne céréale, bon ce que vous voulez. Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. On est mardi. Il est déjà 6h02 sur Skyrock. Et bah voilà, ça y est, le débat américain était l'événement de la nuit. Il y en a peut-être qui sont restés réveillés pour regarder le débat américain. Cariole, toi, t'es resté réveillé, mais dans ton lit. Dans ouais, dans mon lit, ouais. J'ai pas regardé. Non, moi non plus. Non. Mais on va tout savoir avec Rémi. Rémi va tout nous dire. Donald Rémy est un ami de Donald Trump. Hello. Hello, il te dit bonjour. C'est Donald, vous entendez sa voix? Il a une voix magnifique, on en parlait hier matin en plus. I love qui? I'm really rich. Oui, tu t'aimes, oui, il s'aime bien. Tu, oui. Tu aimes qui? Donald Trump is sexy. Le mec parle de lui à la troisième personne. C'est comme si tu disais Romano. Romano est sexy. Ouais. C'est comme si moi je disais Difool est magnifique. Difool est un génie, tiens. Trump is a genius. Ah bah il l'a dit en plus, Trump is a genius. Ouais, bah, on avait Alain Delon en France hein, qui parle de lui à la troisième personne aussi. Et lui n'a jamais été président. Non, malheureusement d'ailleurs, c'est bon. Bon, Donald Trump qui s'est fait tricard cette nuit parce qu'il n'arrête pas de renifler. Prendrait-il de la cocaïne, ce Donald Trump? Parce que moi je cherche pourquoi il est comme ça. A little bit as to numbers and amounts and what we're going to do, but perhaps we'll be talking about that later. Le mec a pas arrêté. Pendant tout le pendant tout le truc. Ah, en effet, Cariole. Is that okay? Good. Ah, écoutez, hein. Hasn't she made the agreements better? Ou alors il est malade, il est enrhumé peut-être. Ouais, peut-être, peut-être. Ouais, c'est Donald Trump. Voilà. Ah, il s'appelle Trump. C'est son nez, une Trump. Voilà, c'est ça, ça doit être ça, ouais. Bon, c'était l'événement aux States. L'événement en France, eh bien, on en reparlera, ça sera peut-être pour vous, tiens, tout à l'heure, dans une demi-heure, avec 1500 euros à gagner. 1500 euros toutes les demi-heures, quand on vous appelle, vous répondez Skyrock, c'est 1500 euros dans la poche. On salue ceux qui se réveillent. Oula, mais il y a plein de messages. Bonjour, Benzbula, à tes souhaits, Romano. Merci. Bonjour à Rafik. Bonjour à Thibaut, qui se réveille aussi avec nous. On te salue, Thibaut. Il y a Blue qui est là. Cac du 33, ça aurait pu être CAC du 40, mais non. Salut à CAC, salut à toi Yadzo, Sofiane, Stay qui vient de se réveiller aussi. Bon, vous allez pouvoir faire les cons avec nous et dans un instant, à tes soirées, Romano. Ah là là, je suis en crise d'allergie donc. Ah bah, tu fais une allergie à quoi? À Karim qui est là ce matin, non? Ah, je sais pas, bah, peut-être, ouais. Hier, ça allait bien, tu n'avais pas éternué. Non, mais je l'ai senti en venant, mais. Et hier, il n'était pas là, donc peut-être c'est ça, hein. Ah, c'est peut-être ça, gros. Ouais, peut-être, ouais. Bon, bon réveil à vous et dans un instant, notre réveil de star à retrouver, comme tous les matins à 6h10, une star réveille la France. Fine star, vous n'êtes pas exagéré. C'est ce matin Mathieu Delormeau qui va réveiller les Français. Mathieu Delormeau, ne touche pas à mon poste. Hey, salut les gars. Salut Mathieu. Salut Mathieu Delormeau. Bon, allez, tu vas faire le réveil de star, Mathieu. Mais j'hallucine de ma vie. Eh ben oui, tu hallucines de ta vie, Mathieu Delormeau. Oh là là là là. Allez, il arrive. Juste après, le premier son de la matinée. Pour se réveiller, avant de voir comment les Français vont se réveiller avec nous, c'est DJ Snake et Justin Bieber. Ah, on va faire une petite matinée américaine, là, en tout cas pour la première demi-heure, puisqu'on aura aussi du Jason Derulo, du Drake, et puis on fera quand même un tour en France avec le Ghetto Phénomène et Jul. Et notre invité mystère aussi, mais on en reparle tout de suite. Ne bougez pas, restez sur Sky. C'est parti pour le morning en direct. Bonne journée à vous, et il est 6h05. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. To believe we were burning on the edge of something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away, never let you go. Justin Bieber sur Skyrock avec Let Me Love You et DJ Snake. Je disais en file aux États-Unis, mais il y en a un, il est français, c'est DJ Snake. Et l'autre, il est canadien, c'est Justin Bieber. Donc j'étais en plein dedans. Ouais. Enfin, si tu fais une moyenne entre les deux, France, Canada, elle est au milieu, et les États-Unis. Hein, voilà. À peu près. Bon, on a parlé de Donald Trump rapidement avec le débat. On en parlera dans les infos avec, avec Rémi. On va aller. Tiens, Romano, il y en a qui ont fait un diagnostic. Tu sais que tu as eu. Commencé à. Parce que si vous venez de vous réveiller, il a eu une crise d'éternuement. Il y a quelques instants, une crise d'allergie, et t'as commencé à avoir ta crise d'allergie dès que j'ai dit 1500 euros. Ça doit être ça. Je crois que c'est l'argent qui doit t'exciter. Ah, c'est ça peut-être. Ouais. Mais non, c'est mais ça, j'ai le nez qui me gratte, putain. T'as le nez qui te gratte. À l'intérieur. Mieux que le cul. Ouais. Bon, écoute. Bon, ouais, c'est différent. Bon courage à toi. Oui, ça dépend, oui. Bon courage à toi. Et les allergies au mois de septembre, faut y aller. Hein. Ouais, ouais, bah écoute, il y en a. Eh ben, il y en a. Heureusement, il arrive et il va te faire plaisir. C'est une de tes idoles, puisque c'est l'idole de l'ensemble des Français, Romano. Mais je sais bien. Faut lui dire, il en est persuadé en plus, hein. C'est Mathieu Delormeau. Ah bah lui, il se prend pour une star. Lui. Alors explique à ceux qui ne savent pas qui est Mathieu Delormeau. Mathieu Delormeau, déjà, pour faire un petit peu son CV professionnel, mm-hmm. Il a quand même débuté avec Jean-Marc Morandini, donc je pense que là, on, déjà, on tape très haut. Ça, c'est la classe. C'est le top du journalisme. Après, il a quand même continué sa carrière en évoluant pendant quelques années sur Énergie 12. Wow, wow. Oh putain, c'est du lourd. Et là, en gros, c'est la victime de Cyril Hanouna. Et voilà. C'est son jouet, quoi. C'est également le créateur de... De la Delormeau Dance. Oui. C'est ça. Donc, c'est une danse de merde et il est en comment ça s'appelle les en trucs en petit collant, là. Ouais, un petit collant rose. Ah. Juste au corps. Ah, juste, voilà, juste au corps. La Delormeau Dance. Et lui, il se prend pour une star, mais de ouf. Hein. Et il explique aux gens comment danser. Ouais, c'est ça, il fait des tutos. Bon, là, il le fait moins, mais il est perdu, il faisait des tutos danse, quoi. Et tutos dance. Ouais, ouais, ouais. Très bien, c'est Mathieu Delormeau, donc, qui va réveiller les familles de France ce matin. Quel CV, n'est-ce ouais, pas? Quel CV. C'est impressionnant. Et donc, il est dans Touche pas à mon poste, Mathieu Delormeau. Hey, salut les gars. Salut Mathieu. Salut, salut. Allez, le réveil de star à 6h11. C'est lui qui réveille les Français. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de star sur Skyrock. Attends, j'ai un jingle spécial Mathieu Delormeau. Ah. Vous le voulez? Bah ouais. Les stars réveillent la France. Tout à l'heure pour vous, j'aurai un scoop. C'est le réveil de star sur Skyrock. Il a un scoop parce qu'il a des scoops, lui. Je sais la réalité, pas. Ouais. Ah mais de ouf. Ouais. Ouais. Les stars réveillent la France. C'est le meilleur moment de ma journée. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Bon, alors, c'est le meilleur moment de sa journée, on va voir ça. Parce que là tu parles trop vite Mathieu Delormeau. On sait jamais ce qui va se passer. Le réveil de la famille de Franck. Il en a de la chance. Franck. Ah bah attends, l'immense star Mathieu Delormeau l'appelle. Peut-être qu'il va lui faire faire la Delormeau Dance dès le Peut-être. Réveil. Comme dans Touche pas à mon poste. On va voir ça tout de suite. Mathieu Delormeau et le réveil de Franck ce matin. Hey, salut les gars. Oui, bonjour, ça va? Ah, beaucoup. T'es qui? Mais j'hallucine de ma vie. C'est quoi? C'est Mathieu Delormeau. Mathieu Delormeau? Ouais, je suis beau. Bah, carrément même. Je vous propose, ce soir, petit plateau télé à la maison. Ah, super. Devant un petit film cool, un peu, genre L'étudiante ou La Boum. Ouais, c'est super. Ça. Avec Sophie Marceau. Ouais, bah, va te soulager dans les toilettes, ça te fera du bien, toi. J'aime bien les gens qui me résistent un petit peu. Allô? Coucou les boys and girls. Coucou les boys and girls. Waouh. T'es gentille la connasse au bout, t'es mignonne. Quand on voudra ton avis sur la couleur de cheveux d'Evangélie ou pour parler de musculation, on t'appellera. Alors c'est quoi? Où t'as eu notre numéro? Qui tu es? C'est Mathieu Delormeau. D'accord, et comment ça se fait que Mathieu Delormeau nous appelle s'il te plaît? Aujourd'hui je vous apprendrai à danser la Delormeau Dance. On accueille les danseurs. Super. Dance, la Delormeau Dance. Bah dis donc moi. T'en as sous le cerveau. J'ai deux passions. La Canterbro et la Chronombourg. Quoi? La Canterbro et la Chronombourg. J'ai deux passions. La Canterbro et la Chronombourg. Mon chéri, viens, on y va. En v'là une idée qu'elle est bonne. Et ma main dans ta gueule, ça ferait... Ouais, une jolie barrette. Non, ça c'est mon pied dans ton nez, ça ferait une jolie barrette. Bon, bah je crois que ça y est les amis. Hein. Je suis parti de la grande famille. Mais carrément, mais viens, tu sais quoi, toi, tout ce que tu veux, vas-y, la porte est ouverte. Les amis, quelqu'un peut m'ouvrir? Attends, il y a quelqu'un qui sonne chez moi. Mais c'est Mathieu. Oh, bah oui. Allez, ciao. Ciao. Oh, je vais me barrer. Eh ben Mathieu Delormeau est arrivé chez les. Eh ouais, bravo chez les Mathieu. La femme de Franck qui connaît très bien la Delormeau Dance. Ah ouais. Ah ouais, connais ouais. Puis la chanson de la Cronenbourg, la Canterbourg, la Cronenbourg, pas mal. Ah, ouais. Bon, c'est une chanson d'alcoolique, ça. On remercie la famille de Franck, la femme de Franck et Mathieu Delormeau. Sera de retour peut-être tout à l'heure. Alors. Ouais, on espère. Allez, on espère avec J'espère qu'il nous fera cet honneur. Exactement, ah bah ouais. Ce serait une si grande star. Une courbette pour Mathieu Delormeau. Ça va, les Boys and Girls. Ça va bien, ouais. Eh ben, c'est bien. Allez, retour aux States maintenant avec Jason Derulo et dans un instant, l'invité mystère à découvrir. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Jason. Jason Derulo. Get jazzy on. I'm that flight that you get on. International. First class seat on my lap, girl. Riding comfortable. Cause I know what that girl them need. New York to Haiti. Got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. You talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Jazzy on them. You know the words of my songs. No habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Met a friend in Rio. She was all on me. We can make now say three. Oh, yeah. Those cadenas close to genius. Sold out arenas, you can suck my b- Gilbert Arenas, guns on deck. Chest to chest, tongue on neck. International oral sex. Every picture I take, I pose a threat. Bone and jet, what you expect? Her so good, I bought her a pet. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on a big booty. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on a big booty. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. You do. Talk dirty to me. Yeah, yeah. Talk dirty to me. Talk to me. Talk dirty to me. Get jazzy on. What? I don't understand. I don't understand. Elle comprend toujours pas après des années là. C'est un gros souvenir qu'on vient d'en trouver. Jason Derulo et Talk Dory sur Skyrock à 6h17. On va vous offrir plein de cadeaux ce matin. Bon, je vous ai parlé des 1500 euros. Si vous voulez vous inscrire, c'est le 7-20-20. Vous envoyez 1500 au 7-20-20 et vous serez peut-être tiré au sort dans la matinée à 6h30. Premier rendez-vous avec vos 1500 euros. Les 1500 euros, c'est toutes les demi-heures. On continue toutes les demi-heures. Hommage qu'à la fin du mois de septembre. Dépêchez-vous parce qu'on est le 27 septembre. Ah ouais. Oui, c'est bientôt la fin. Et ouais. Oui, bientôt la fin du mois de septembre. Au moins jusqu'à la fin du mois de septembre, 1500 euros toutes les demi-heures pour vous. On vous appelle, vous répondez Skyrock. Et donc, vous pouvez vous inscrire pour augmenter vos chances de gagner. C'est possible. Parlant cadeau, on aura l'iPhone 7 à vous filer tout à l'heure, le tout nouveau. Et on a la nouvelle PlayStation. Avant la PlayStation Pro de novembre, on vous offre. La Slim. La Slim. Elle est toute mince. Ouais. C'est la Slim. C'est à gagner sur le, bah, sur le 41759, sur l'appli Skyrock. Ce matin et même maintenant puisqu'il est 6h18. Allez, premier grand jeu de la matinée, c'est parti. Bonne chance à vous. Écoutez bien, c'est l'invité mystère. L'invité mystère, l'invité mystère. What? Notre invité mystère ce matin à découvrir, ben, je vais vous faire écouter sa voix. Écoutez bien, c'est qui? Qui est l'invité mystère? C'est une fiotte. Ah non, ça y est, c'est reparti. Ah non, mais l'invité mystère, c'est pas une fiotte, c'est pas bien de dire ça. C'est une fiotte. Mais non. Mais non. Mais non, c'est pas une fiotte. Bon, il y a eu quelques soucis hier, à la suite d'une altercation avec la police, mais qui est notre invité mystère? On va y revenir dans un instant, on va reparler de cette histoire. Mais d'abord, vous nous dites, mais qui c'est? Qui dit c'est une fiotte? C'est qui l'invité mystère? 41-759, appelez Skyrock pour vos réponses. Vous y allez dès maintenant, hein. Dès que vous avez reconnu sa voix, vous nous envoyez vos messages. Vous nous laissez bien vos numéros de téléphone. Et puis dans un instant, on se retrouve en direct sur Skyrock dans le morning. Ouais. Pour se réveiller ensemble et surtout vous, pour partir avec un gros cadeau. L'invité mystère à découvrir. C'est une fiotte. Mais non, ah, il est têtu, hein, quand même. Ah hein. Ouais, ouais. Allez, on le retrouve tout de suite. Bougez pas, il est 6h19 sur Skyrock. Et aussi le ghetto phénomène qui arrive avec Jules sur Sky. Skyrock débarque sur Deezer. Skyrock. Il t'offre ton abonnement premium plus d'un an. À Deezer. À toi, la musique gratuite et illimitée en haute qualité audio sur ton mobile, ta tablette et ton ordinateur. Sans publicité. Avec la possibilité de télécharger toute ta musique préférée pour l'écouter hors connexion. Écoute Skyrock à tout moment et gagne toi aussi ton abonnement Deezer Premium Plus. Merci beaucoup. Deezer, la musique que vous voulez, partout, tout le temps. Skyrock. Retrouve aussi Skyrock en HD sur l'appli radio Skyrock et Skyrock.fm ou à la radio dans ta ville. Quand on aime, on ne compte pas. Mais avec Miniservice, quand on aime, on compte. On compte sur le savoir-faire des experts, on compte sur la qualité des pièces et grâce à des prix bas, on compte les économies réalisées. Et ça, ça compte, non? Ceux qui aiment leur mini, choisissent Miniservice. Jusqu'au 25 novembre 2016, pour l'entretien et la révision, bénéficiez d'un tarif préférentiel sur une sélection de prestations d'entretien. Valable auprès de nos concessionnaires et réparateurs agréés mini participant à l'opération. Liste disponible sur mini.fr. Mini. The morning show. Fais pas les tonner. La maman maille, ouais, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. On connaît, connaît, connaît. Fais pas les tonner. La maman maille, ouais, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. On connaît, connaît, connaît. Je reste fidèle au pari. Je peux pas dire, t'inquiète pas, toi tu verras pire. Je sais même plus ce que je dois faire, mais je sais que tant demain je peux partir. Je sortais de la songe, cabré dans la zone toute la journée. Je voyais les clients taper sur la vitre, le visage nouné. Je connais la galère, frapper des templates tout le temps pour ti. Espèce d'abruti, prends pas mal de la bouche, on va sortir l'outil. J'ai mon survêt du Dortmund, j'ai fait le pain, j'ai pas mis du Gucci. J'ai mon survêt du Dortmund, j'ai fait le pain, j'ai pas mis du Gucci. Fais pas les données. Ouais, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. Oh, on connaît, connaît, connaît. Fais pas l'étonner. Oh, la maman maille, ouais, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. Oh, on connaît, connaît, connaît. Je reste fidèle au pari. Un banquier dans un parking. Mais tu sais que la retour, pour nous c'est la routine. Un aller sans retour, sur le 47 à Poutine. Et je patine, et je patine. Du mal à vivre à 200. Et je taquine, et je taquine. Tu finiras par prendre ma leçon. Comme Joule, on est fait d'or et platine. Innocent, coupable, mes frères, on a marre des gants. Fais pas les données. La maman maille, ouais, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. C'est le morning de Default sur Skyrock. Et oui, le morning qui nous réveille tous les matins. On se réveille ensemble, il est 6h23. On va parler d'un truc important tout à l'heure dans les conseils pas chers. Tu vas nous parler peut-être de la fin du monde. Oh. Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais vous rigolez. Oh merde. Vous allez moins rigoler tout à l'heure à 6h40 quand je vais vous annoncer la triste nouvelle de ce qui va peut-être nous tomber sur la gueule. Un truc qui va nous tomber dessus, vous allez voir. Eh ouais, ouais, ouais. On en reparle à 6h40 tout à l'heure. C'est alerte maximale. Alerte maximale, tu nous donnes toutes les infos tout à l'heure, Romano. Mais heureusement, j'aurai l'objet qu'il vous faut pour vous protéger, bien sûr. Ah, bien sûr, bah avant de. Bah, j'ai sauvé des vies. Hein. Avant bah, de ouais. Google tout à l'heure, là. 6h40, les conseils pas chers. À 6h30, vaut 1 500 €. Et là, on est avec notre invité mystère ce matin. Qui est avec nous. Bonjour, l'invité mystère. C'est une fiotte. Mais non, arrête pas de dire que c'est pas vrai. Mais non, l'invité mystère. Faut pas te mettre mal comme ça, l'invité mystère. Bah, j'ai fait une grosse bêtise et quelque chose d'impardonnable. Impardonnable. Bon, il a quelques soucis. Vous l'avez reconnu, vous êtes plein à avoir trouvé la bonne réponse. Ouais. Bravo à vous. Et surtout, bravo à Juju qui est dans le 94 avec nous. Bonjour Julien. Salut, ça va l'équipe ? Salut à toi. Salut. Bienvenue Julien. Salut. Grosse voix et bien claire le matin. C'est bien, t'es bien réveillé toi. Ouais, bah ça bosse déjà. Ah, t'es déjà en train de travailler. Et voilà, il y en a qui travaillent déjà à 6h24. Julien, alors, qui est l'invité mystère ? Serge Aurier. C'est Serge Aurier, mais oui. Mais oui, ce bon vieux Sergio. Et bah ouais. C'est une fiotte. Mais non. C'était ça en tout cas. Serge Aurier avec pour toi la PS4 Slim. Allez, premier cadeau de la matinée. Cool. Et pour lui, 2 mois de prison avec sursis. Et ouais, le cadeau de Serge Aurier hier, 2 mois de prison avec sursis. Non, 2 mois de prison. Ah non, ferme, pardon. Il a fait appel, on en parlait dans les appels. Ouais. Rémi va encore tout nous dire d'ici quelques instants. Serge Aurier, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de Serge Aurier ? Ah bah, il a fait le con. Ah ouais, c'est con, ouais. Il l'a dit, t'as vu, hein, j'assume, hein, il a dit. Oui, bah, de toute façon, il n'a pas le choix. Je vais pas dire, le mec, il dirait, ouais, je m'en bats les couilles, ça serait un peu chaud. C'est vrai. Je vais quand même le rassurer, Serge Aurier. Il a pris moins que Messi. C'était quoi, Messi, le contrôle fiscal, là? Ouais, 21 mois, il a pris, Messi. Ouais, ouais. Messi, c'était l'arnaque à grande échelle, quoi. 21 mois de prison pour fraude fiscale, c'est bien ça. Hein. Ouais, c'est ça, lui, il avait planqué du pognon, il avait oublié d'en déclarer un gros bout. Un bout, hein. C'est ça, c'est un radin, ce Messi, hein. Avec son père, ouais. Ouais, il a de la chance parce que les peines de 2 ans en Espagne, elles sont rarement exécutées, donc il n'est pas en prison. Mais il a été condamné. Bon, Aurier sera pareil, hein. Voilà, donc, Serge, ne t'inquiète pas, Messi, ballon d'or, hein, de l'année dernière. Lui aussi a été condamné. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses de cette histoire, Juju, toi? Tu l'aimes bien, Serge Aurier? Ouais, moi ça va, j'ai rien de spécial contre lui. Après, moi non plus. Qu'il joue bien au foot. Hein. Ah, t'es parisien, toi, Juju? Ouais, exact. Demain soir, le match, hein. Match ouais. de la Champions League demain soir dans l'émission. On est là. Bon, on sera là, nous aussi, on suivra ça demain soir dans la Radio Libre. Et ce soir, on aura Monaco et Lyon à suivre. Champions League. Et la Champions League est sur Skyrock. Notre champion ce matin, c'est Juju. Bravo Juju. Bravo Julien. Merci encore. Félicitations. Une PS4 qu'on va t'envoyer à la maison tout de suite. Tous les matins, vous la gagnez. Dans une heure, on vous offrira l'iPhone 7. Tiens, je vous dis. Salut Julien, bonne journée à toi. Bosse bien. Bonne journée à vous. Merci. Salut à toi. Bonne journée à vous aussi. À vos messages au 41759 et sur l'appli. La fin du monde, est-ce que ça vous inquiète? Romano nous en parle. Eh oui, peut-être qu'on va tous y passer. Peut-être. Mais vous inquiétez pas. Tu es là. J'ai les protections adéquates. Moi, je suis tout de suite rassuré quand tu nous dis ça. Voilà, bah tu vois, tu m'en achèteras un. Un quoi, une protection? Bah une protection, oui. Bon, on en reparle pour les conseils pas chers. Il est 6h26. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your stuff. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. where do you wanna go? 'Cause if you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Drake sur Skyrock avec One Dance pour se réveiller ce matin à 6h29. C'est l'heure des infos, on va retrouver Rémi et dans un instant c'est l'heure des 1500 euros. 1500 euros à gagner, c'est tombé deux fois hier matin. Ouais. Une fois à Saint-Etienne chez Brian et une fois chez Eva à Brest. Bravo la Bretagne, bravo Saint-Etienne. Félicitations à vous et puis dans un instant ce sera peut-être votre tour. Toutes les demi-heures, 1500 euros à gagner si vous répondez Skyrock. C'est pour se faire du bien porte-monnaie, s'offrir des cadeaux, se faire plaisir ou boucher les trous. Hein. Il y en a beaucoup qui bouchent les trous avec les 1500 euros. Eh bien, il faut répondre Skyrock pour gagner 1500 euros. C'est peut-être ce qui va se passer juste après le point sur l'actu avec Rémi l'Américain ce matin. Ouais. Avant d'aller faire un tour aux États-Unis, de revenir au débat Trump et Hillary Clinton. Eh bien, faisons un point sur la météo de ce mardi 27 septembre. Eh ben, temps partagé aujourd'hui, c'est gris principalement à l'ouest de la Bretagne, au pays de la Loire, en passant par la Normandie. Ciel relativement dégagé à l'est, hein, principalement autour de la Méditerranée. Quelques averses possibles tout de même cet après-midi sur les Vosges, le Jura, les Alpes et la Corse. Les températures de 12 à 16 degrés dans le nord-ouest ce matin, entre 14 et 19 sur le pourtour méditerranéen. Au meilleur de la journée, il fera entre 20 et 28. Et puis la pollution, c'est plutôt bien, hein. Les indices compris entre 2 et 4, ça monte à 5 sur Marseille, Nice. Sébastien. Et le point sur l'actu tout de suite sur Sky, l'actu et le sport. Un débat présidentiel très suivi, à 6 semaines de connaître le nom de celui qui remplacera Barack Obama à la Maison Blanche. Hillary Clinton et Donald Trump ont débattu pendant 1h30 sur NBC cette nuit. Le démocrate et le républicain se sont affrontés sur les questions économiques et de sécurité. Donald Trump ne s'est pas énervé, mais il a parfois manqué de répondant selon les observateurs. Hillary Clinton de son côté s'est montrée ferme et claire dans ses explications. Elle a demandé à son rival de rendre public par exemple sa feuille d'impôt. Elle le soupçonne d'utiliser tous les moyens pour en payer le moins possible. L'ex-secrétaire d'État estime que Trump est un menteur, qu'il n'est pas en phase avec la réalité. Place désormais au sondage très attendu et qui diront si les deux candidats très serrés dans l'opinion arrivent à se départager. Les premières tendances arrivent là et apparemment c'est Clinton qui commencerait à remonter. Une hausse importante à laquelle le gouvernement ne s'attendait pas du tout. Douche froide hier soir à l'annonce des chiffres du chômage. Plus 1,4% en août, soit plus de 50 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. C'est tout simplement la troisième plus importante augmentation du quinquennat de François Hollande. La tant voulue inversion de la courbe s'éloigne donc en cette fin de mandat. Le gouvernement reconnaît que le chiffre n'est vraiment pas bon. Conséquence, selon le ministère du Travail, des attentats qui ont créé un trou d'air dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie ou encore des loisirs. Deux ex-grands flics en garde à vue, Bernard Squarcini est entendu par ses anciens collègues depuis hier. L'ancien boss du renseignement intérieur est un proche de Nicolas Sarkozy. Même scénario pour Christian Flèche, l'ex-patron de la PJ parisienne, et pour Michel Godin, ancien préfet de police de Paris. Tout ce petit monde serait impliqué dans un trafic d'influence lié notamment à une affaire d'écoute téléphonique. 2 mois de prison ferme, condamnation prononcée hier par le tribunal de Paris à l'encontre de Serge Aurier. Le défenseur ivoirien du Paris Saint-Germain était jugé pour violence commise sur un policier. C'est un contrôle qui aurait mal tourné en mai dernier après une soirée en boîte. Il n'a pas été incarcéré, ses avocats ont fait appel. Il reste donc disponible pour le club de la capitale et a d'ailleurs été appelé par Unai Emery pour le match de demain soir en Ligue des Champions contre Ludogorets. Ce sera d'ailleurs sans Atem Ben Arfa. Son retour était pressenti, mais la recrue parisienne souffre d'une inflammation du tibia. Il n'y a pas de chance, ça, Ben Arfa, c'est ouf. Il n'a pas de chance, ouais. C'est dingue, hein. C'est une fiotte. Non, mais dis donc, Serge Aurier, attention. Hein. On parle pas comme ça de ses collègues de travail, là. Merci, Rémi, pour les infos. Ouais, on peut parler aussi de ce soir, Monaco, si tu veux. Ah, bah oui, le Bayer Leverkusen. Les Monégasques qui n'ont jamais perdu contre la formation allemande. Lyon se déplace à Séville. L'ancien club d'Unai Emery est triple vainqueur de la Ligue Europa. Ce sera sans la Cazette, qui est encore à l'infirmerie. Coup d'envoi à 20h45 et on suivra tout ça ensemble avec l'équipe de la Radio Libre. Eh ben avec nous, oui. On sera là ce soir, ouais, 21h. Professionnel du football. Oui, toujours là. Merci Rémi. Toujours là aussi. On te retrouve dans une demi-heure. Yep. À tout à l'heure. Il est 6h33 sur Sky. Le seul morning en direct dans l'appart. Le morning de Difool. 6h, 9h sur Skyrock. Ils ont signé le bail. Hein. Ah, si, ils ont signé le bail. Oui, le studio. Oui, quoi, c'est pas moi qui paye. Ah, moi non plus, hein. C'est qui paye? Carriole, tu payes. Carriole était dans la cuisine, tranquille. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un appart. Ouais, c'est bien, ouais. On peut jouer à cache-cache avec l'équipe. Où est Carriole? Oh, la cuisine. Où est Rémi? Oh, bah, dans les toilettes. Où est Karim? Je suis là, man. Ah, bah, t'es en face, toi. Ouais, je suis là. T'es en train de petit déjeuner. Ouais, je mange des Mikado. Bon, bah, bon petit déjeuner, des Mikado dès le réveil, mais surtout vos conseils pas chers. Vous les attendez. Attention, des conseils pas chers vitaux aujourd'hui. On va parler d'un truc qui risque de nous tomber sur la tête. Aïe. Eh, ouais, ah oui, bah, là, tu te casses de dire. Aïe, parce que vu la taille du truc, si tu te le prends sur la gueule, c'est terminé. Est-ce que ça peut être la fin du monde, Romano? C'est possible. Oh, ah bah, ouais, là, on en reparle. Donc, tout de suite. Ne bougez pas, les conseils pas chers, c'est dans 5 minutes. On aura notre sondage du morning ce mardi. Le sondage du morning, il est tout frais, il est sorti hier. Hein. Concerne les insultes. Les insultes préférées des Français. On va reparler avant 7h, c'est promis. Et puis de l'amour aussi dans le morning, c'est normal. Mmh. Avec votre horoscope de l'amour. Lui, il arrive d'ici 10 minutes, un quart d'heure aussi. Un horoscope de l'amour pour voir comment sera notre journée. Qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête? Tu vas nous dire, Romano, hein? Suspense. Qu'est-ce qui va vous tomber sur la tête? J'espère que ce sera 1 500 €. J'ai l'enveloppe entre les mains, là. 1 500 €, c'est là. Allez, on y va? Vous entendez l'enveloppe? Oui, ouais, on l'entend. Ouais. Eh ben, c'est à gagner tout de suite sur Skyrock, on y va. Comment gagner 1 500 € en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning Show! Oui, le morning, avec toutes les demi-heures, 1 500 € à gagner. Et la première enveloppe de ce mardi, je l'ouvre en direct sous vos yeux ébahis. Alors, ébahis là. Comme on dit. Et alors, man. Ce matin, on va dans le 69. Bah, tiens, les Lyonnais jouent ce soir. Et les Lyonnais, bah, jouent ce matin aussi. Ce soir, c'est du foot. Ce matin, c'est les 1 500 €. On appelle Franck Engel. J'espère qu'il ne veut pas nous. Zengueuler. Si vous pouvez éviter de nous zengueuler le matin. Faut juste répondre Skyrock pour gagner 1 500 €. 1 500 €. Il y a Sophia Défi qui nous dit, mais on va se prendre une météorite sur la gueule encore. Pire que ça. Pire, ah ouais, que ça. Allô, pire que ça. Bonjour, madame Engel. Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? C'est qui? C'est la radio, madame Engel. On vous a tiré, ouais, au sort, c'est... on vous appelle pour vous offrir des sous ce matin. Oui. Je vous assure que c'est vrai, on est en direct. La France entière vous écoute, madame Engel, et on vous appelle pour vous offrir 1 500 €. Il faut répondre à une question. C'est comment votre prénom d'abord? C'est pas ça la question, hein, mais c'est juste pour savoir. Ouais, c'est Laurent. Laurent. Alors, Laura, j'ai bien compris. C'est Laurent. Il faut me dire, Laura, quelle est ta radio préférée? Si t'as la bonne, tu gagnes. Elle consulte la famille. Vous l'entendez consulter, oui, l'ensemble de la famille derrière elle. Alors, elle est en train de consulter, mais toute la famille. Ah ouais, tout là, monde, ouais. Moi, même si elle consulte pas l'immeuble. Elle est en train de réveiller l'immeuble, Romano, peut-être, mais pour 1 500 €. Tout est possible. Attention, attention. Alors, Laurent? Laura est à Décines, dans le 69. Et. Ah. Ah, Laura a changé de voix. Ah, Laura a changé de voix, dis donc. Laura, une paire de couilles qui a poussé. Non, c'est. C'est peut-être Franck. Salut, Franck. Alors, Francky? Ah non, ils se consultent toujours. Ouais, ça consulte. Ça consulte. Ça consulte trop longtemps, peut-être. Hein. Peut-être. Ouais, parce que là, s'ils sont partis dans une réunion d'une heure, nous, on pourra pas attendre. Ouais, il faut une Moi non plus, je pourrais pas attendre parce qu'il est quand même 6h du matin, s'il vous plaît. Non, 6h36, monsieur. Il y a un problème sur. Il y en a qui dorment. Ah bah non, tu es réveillé. Là, vous dormez plus, là, du coup. Ah bah non, là, c'est sûr. Ah bah voilà. Bon, tu es fou. Il y en a qui travaillent la nuit. Ah bah, il y en a qui travaillent le jour aussi. Enfin, ouais, mais... ça, c'est dommage. Ah bah, chacun son truc, hein, tu sais, chacun sa tare, comme on dit dans la vie. Bon. Francky, tu lui dis ta radio préférée, qui doit pas être la nôtre, j'espère en tout cas. Oh. Bah, ouais, bon, vu l'humeur, c'est quoi? La Scoop. Ah, la Scoop. La Scoop. Eh ben non, c'est pas la Scoop, malheureusement. La Scoop quoi? C'était Skyrock. La Scoop volante. Ah, c'est Sky. Bah ouais, Franck, c'était Sky, dis donc. On a une chance sur deux. Hein. Ah bah oui, bah bon. Ah, tu écoutes ou Radio Scoop, nos collègues lyonnais, hein, c'est une radio de Lyon, Radio Scoop. Ou alors Skyrock. Bon. Ouais. Alors, Francky, t'as chié dans la colle. Et la prochaine fois, on peut pas tout, hein. On fait ce qu'on peut, on est pas les bœufs. Non, mais on fait ce qu'on peut. On est quand même pas les bœufs. T'as bien raison, mon Francky. Bon, bah, tu nous as fait une fois sur deux. Donc aujourd'hui, c'était Radio Scoop. Et la prochaine fois, ce sera Skyrock. Allez. Allez, on fait comme ça. Bonne journée à toi, à ta femme, à toute ta famille. Merci, vous aussi. Salut, Francky. Salut, Francky. Et ben voilà, après la consultation de la famille, on va pouvoir remettre les 1 500 € en jeu dans une demi-heure. Et je vais vous apprendre la mauvaise nouvelle dans quelques minutes. Qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête? La Terre est en danger. Terre est en danger, oui. Et je vais la sauver. Romano va la sauver, bien sûr. Bah, ouais. Tout simplement. Contre quelques dizaines d'euros, voire quelques centaines. Oh, bah, c'est pas cher en plus pour sauver la Terre. Peut-être milliers, on va le voir. Temps de se réveiller avec Rihanna, Calvin Harris. Tiens, on écoutera aussi le nouveau Maître Gims avec Nick. Niska, le nouveau Niska, nouveau Maître Gims. Elle avait le son de Joe. Elle avait le son de Joe, ce sera avant 7h. Et puis le son de Travis Scott aussi. De la nouveauté, des sons qui déchirent, des sons US, des sons français. Et Riri pour se réveiller ce matin sur Sky. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait. Tes réveils. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at Calvin Harris, This is what you came for, à 6h42. Conseil pas cher, attention, alerte sur la Terre. Alerte, alerte générale. Alerte générale. Attention. Il y a un truc qui va nous tomber dessus. Ah ouais, ça va nous tomber sur la gueule, mais violent. Mais c'est quoi, ils ont... parce qu'il y en a plein qui nous disent météorite, tout ça. Non. C'est pas une météorite ? Il y a pire. Pire, c'est une météorite. Pire. Mais c'est quoi ? 10 balles et je te le dis. Ah, t'as déjà commencé tes conseils pas chers. Allez, c'est parti, conseils pas chers. Rihanna gagne 200 000 euros par jour. Waouh. Romano fera-t-il plus fort ce matin? C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Et ouais, elle est riche cette Rihanna, mais Romano aussi il est riche. À force de gagner de l'argent tous les matins sur Skyrock, il en gagne des sous. Rien de mieux que de sauver la Terre. Wow. Sauvons la Terre. Alors qu'est-ce qui nous tombera sur la tête bientôt? Alors peut-être là bientôt. Une station spatiale chinoise. C'est prévu pour quand? Bon, ils savent pas trop. En 2017. Ah, en 2017. Et ça va tomber où? Ah ben ils savent pas non plus, et c'est un peu ça le problème. Ah, donc il y a une station C'est mais... Tiang Kong Wan. C'est quoi ça? C'est le nom de la station. Ah, la station spatiale chinoise Tiang Kong Wan, ouais, va nous tomber sur la tête en 2017 et on sait pas où. Ouais, bon, elle est en orbite depuis 2011. Le problème c'est que là elle est complètement hors de contrôle. Elle est en train de tomber, quoi. Elle tourne, elle va tomber à un moment en 2017, ils sont incapables de dire où, ouais, ni comment. Bon, alors c'est pas rassurant parce que si tu te balades dans la rue tranquille, tu vas au boulot, tu vas au bahut, tu vas faire des courses, hein. Et puis tout à coup t'as une espèce de machin qui... Qu'est-ce que c'est? Eh ben c'était la station spatiale. Bon, alors d'après certains spécialistes, elle va se désintégrer, donc il y aurait pas de boue, et certains ça c'est les Chinois qui disent ça. Et certains autres spécialistes disent qu'il y aura forcément des boues et que ça peut poser des problèmes. Ah, aïe. Surtout si ça tombe dessus, aïe comme tu dis. Aïe aïe aïe. Bah, pour se protéger, quoi de mieux qu'un casque de chantier. Ah, c'est ça que t'as inventé pour trouver ça, pour sauver le monde, mais quelle trouvaille. Bah, c'est une idée à la con qui change le monde. Mais bien sûr, une idée à la con. Tu proposes qu'en 2017, comment c'est pas quand elle va tomber quelque part en 2017, on sait pas où. Tous en casque. Le monde entier se balade en casque de chantier. Attention, attention, mettez votre casque de sécurité. Allez, le casque de chantier, le casque de sécurité. Bon, de toute façon, pas de problème. Il y avait des travaux vers chez moi, des casques de chantier, je les ai piqués. Ah bah t'es pas le seul. Et je les revends aux familles. Regarde, il y a Renaud là qui a plein de casques de chantier. Il file sur le chantier ce matin. Romano, je peux t'en ramener, nous dit. Ah bah vas-y, pas de problème, je récupère. C'est gentil, Renaud. Nous, on file les vendre, les casques de chantier. C'est parti. Allez, ouais, c'est chez Denis. Chez Denis. Attention, attention. La station spatiale chinoise, c'est... Elle est en train de se casser la gueule. Oui, elle est en train de se casser la gueule. Allô? Allô? Oui. Denis? Oui, bonjour, oui. C'est Denis? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je travaille pour la NASA, monsieur Lapin, à l'appareil. Allô? Tu dis quoi, là? Je travaille pour la NASA et je t'annonce la station spatiale chinoise Tiang Kong Wan. Elle va se casser la gueule. Et pour éviter qu'elle tombe sur toi, je vais t'amener un casque de chantier pour te protéger. T'avais raison. Voilà. Vous êtes combien dans la famille? Oh, on est au moins 20. 20? 20? 20? Bah, ça va faire 20 casques de chantier, ça. Comptons 100 euros l'unité, bah, ça fait 2000. Quel beau calcul mental. 2000 euros. T'es content? Pour 20, non, c'est 4000, Romano. 20, ah oui, 4000. Il y a dans l'équipe, mais personne. Non, 20 fois 100 euros. Ah non, 100 euros, je crois que c'était 200 euros. Mais fais-la, 200. C'est ouais, pour sauver la vie. Ouais, mais je vais vous mettre une combinaison fluorescente également, on sait jamais. Comme ça, si la station, elle voit qu'elle se casse la gueule, elle va se décaler. Bon, j'arrive dans 5-10 minutes, mon machin. Comment il s'appelle, lui, déjà? C'est Denis. Denis, j'arrive dans 5 minutes. Ouais, c'est qui, là? Eh ben, c'est Monsieur Lapince de la NASA. Non, mec, c'est qui? Ah ben, sérieux, écoute. Il y a des navettes spatiales qui passent autour de moi, là. Voilà. Ah, je t'assure, ça va se chasser la gueule. La station spatiale, elle tombe en 2017. On sait pas où ni quand, peut-être sur chez toi. T'aurais été prévenu, ils en ont parlé sur Skyrock en plus ce matin. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah je t'embrasse, Denis, puis j'arrive avec mes casques. À tout à l'heure, tu me paieras le café, tiens. C'est gentil, Denis. Peut-être avant de mourir. Ah. Mais non, il aura son casque. Ah bah, aucun souci. Salut, Denis. À tout à l'heure, salut. Denis. Salut, Denis. Bisous, Denis. Ciao. Non, mais il faut faire attention avec ces trucs. Parce que des stations, il y en a plein. Vous savez que autour de la Terre, c'est une vraie poubelle. T'as plein de stations, de satellites, des trucs qui sont là, mais qui vont tomber un jour. Attention, attention, ça va tomber. En 2017, hein, pour la station chinoise. Pourquoi tu rappelles? Tu veux un autre? Allô? Allô? Allô, Laurent? Oui. Oui, bonjour, excuse-moi de te déranger, monsieur Lapince de la NASA. La NASA? La NASA. Il a flippé. Ouais, il a flippé, ça c'est. Il a flippé. C'est impressionnant, même le matin, attends, comme ça, NASA. Bon, écoute, avec ta combinaison, avec le machin, tu l'as fait à 200 E, tu te fais 4000 balles, c'est pas mal pour ouais, des. Ouais, ça va, c'est pas mal, un bon bilan déjà. Ah, ouais, c'est pas ouais, cher, 4000 euros, on va pas se plaindre. 4000 euros à 6h47, la journée démarre bien. En tout cas pour toi, hein. Ouais, ouais, c'est bien. Dans un quart d'heure, 1500 euros pour vous, si vous répondez Skyrock. Dans une minute, l'horoscope de l'amour qu'on va retrouver et on va parler des insultes. C'est notre sondage du morning. Ce matin, les insultes des Français au volant. Alors, c'est sorti hier. Alors, j'ai vu ça à la télé, mais ils osent pas dire les insultes, les gens. Ils disent la première insulte dans les journaux. Alors oui, le classement est sorti, alors on vous donne la première insulte, on vous donne pas les autres. Ah. Eh ben nous, on va tout vous dire. Le classement en entier. Dites-nous d'ailleurs quelle est votre insulte préférée au volant. Si vous êtes du genre un petit peu vénère au volant, on a besoin de vos réactions. C'est au 41-759 et sur l'appli Skyrock, le sondage du jour arrive tout de suite. Dans une minute, comme promis. L'horoscope et Travis Scott, gros son US qu'on va écouter, Pick Up The Phone. Radio libre, tous les soirs sur Skyrock. On prend les numéros que vous nous laissez tous les soirs, on les met en contact, on prend n'importe qui, on mélange n'importe qui, nous. Hein. Allô? 21h minuit. Parce que moi, mon téléphone, il sonne et en fait, je réponds. C'est pour ça que je dis allô. Ah bah oui, alors moi, je disais allô aussi parce qu'on me téléphonait. Oh, mais c'est quoi ce cinéma, là? Ah bah ça, j'en sais rien. Écoutez, on est à 150 sur la ligne. Tous les soirs, Diffoul Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. En ce moment, chez Carglass, pour toute intervention vitrage, on vous offre vos balais d'essuie-glace avant. Et en plus, c'est des Bosch. Une offre comme ça, faut pas la rater. Alors, prenez rendez-vous maintenant. Carglass répare, Carglass remplace. Offre valable jusqu'au 29 octobre dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur carglass.fr. Et l'horoscope de l'amour sur Skyrock en ce mardi, c'est parti, 6h48. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et vos puissances amoureuses dès le réveil sur Skyrock. Puissance amoureuse calculée entre 0 et 5. 0 pour les béliers et les cancers aujourd'hui. Vous aurez l'impression que vous recevrez moins que ce que vous donnez. Gardez confiance qu'un jour la roue va tourner. C'est pour les béliers et les cancers. 1 sur 5 les gémeaux et les balances. Vous aurez quelques petites sautes d'humeur aujourd'hui. Bon, restez calme, cool. Gérez vos émotions pour ne pas faire du mal à quelqu'un que vous appréciez ou que vous aimez. 2 sur 5 les sagittaires et les poissons. Vous aurez envie de dépenser aujourd'hui. Faites-vous plaisir, mais rappelez-vous que l'amour ne s'achète pas. Ah oui, dépensez, mais pour vous plus. 3 sur 5, les capricornes et les verseaux. Ah bah on est ensemble, Romano, ce matin. Bon, vous êtes de bonne humeur, vous avez envie de vous marrer aujourd'hui, ça plaira aux autres, votre bonne humeur sera communicative. Parfait. Tant mieux, hein. 4 sur 5, les lions et les vierges, c'est votre intelligence et votre charme qui seront mis en valeur aujourd'hui, qui ne passeront pas inaperçus. Et 5 sur 5, les scorpions et les taureaux. Si vous êtes solo, c'est le meilleur jour de la semaine pour faire preuve d'audace. Donc jetez-vous si vous avez quelqu'un en vue. Et si vous êtes en couple, déjà en couple, eh bien vous plairez tellement que votre partenaire vous surveillera. Ah, vous plairez même aux autres. Vous surveillera. Oh, c'est mignon. C'est les scorpions et les taureaux les meilleurs aujourd'hui. 5 sur 5. Et dans un instant, notre sondage du jour, le sondage du morning, sur les insultes des Français au volant. Qu'est-ce que vous dites quand vous avez quelqu'un qui vous énerve au volant? Allez, vos messages, comme je vous l'ai dit, au 41759 et sur l'appli. On mate tout ça et on vous donne tous les résultats du sondage après Travis Scott sur Sky. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Yeah! Oh yeah! Travis Scott, Tucker, baby. Yeah. I'm on four. I call you a whore. Just to fucking show. I just went got my door. Pull it off and I'm gone. Then I go up before. Then I roll up, then roll up. Then I'm calling your whore. Hitting a block and I'm bleeding. Throwing that rollie on you. I like the way it be freezing. Pick up the phone, baby. I know you're home, baby. It's lit, I'm in the zone, baby. Straight up. I just put up a fall, baby. Yeah, I'm a part of that event. Lean like my motherfucking vanity. Super Bowl ring with me, body bend. I stacked it up, now I'm just better living. Got screws in my mouth, I'm just prepping it. I'm fucking this cash, I'm a celibate. I need all like a reverend. I need all this cash. I got hella keys. I'ma play dumb and get left in the middle. Bad the fuck up, you too little. Hit him with three like a miller. I don't talk to no man in the middle. I don't talk to no man. I'm just kidding. But I did pay my sister tuition. I feel lucky. I should play the lottery. Walking out with it like signing list. Mama told me I'm her brightest star. Mama told me don't hate on the law. Because everybody got a job. Because everybody won't be a star. Real shit. Please believe every motherfucker around here won't be a part. She gon' do anything. Pick up the phone, baby. I know you're home, baby. It's lit, I'm in the zone, baby. Straight up, I just put up a fall, baby. Yeah, yeah. Never will I cheat on you. Never will I keep it greasy. Blowing a bag on you. Do all of that for no reason. I'ma pull up in Mer 2. Hitting the block and I'm bleeding. Throwing that rollie on you. I like the way it be freezing. I'm in the zone. frères, mes bien chères sœurs. Oui. Nous venons d'écouter Travis Scott sur Skyrock. Il déchire ce morceau. Ouais, il est grave. Travis Scott qu'on vient d'écouter juste à l'instant, c'est Pick Up the Phone, nouveauté Skyrock. Encore avant 7h du matin, on écoute Niska et Maître Gims, le nouveau qui s'appelle Elle avait son Joe. Elle avait son Joe. Sur Sky, évidemment. C'est le son qui arrive tout de suite, mais d'abord, notre grand sondage sur les insultes et les messages que vous nous avez laissés. Pouvez-vous défouler si vous avez eu des galères en voiture. Il y a Hardcore Gamer qui vient de nous laisser un message et qui nous dit, il y a un connard qui m'a coupé la route, pas de priorité à droite, il connaît rien, le mec, heureusement que je faisais attention. Ah, mais tu nous as pas dit comment tu l'avais insulté. Par contre, les autres, ils se sont pas privés. Hein. Bonjour à Néné, tiens, une fille, 26 ans dans le 31, son insulte de préférée, voilà, c'est connard. Benz Buena, lui, aux femmes, parce qu'il a des insultes pour les femmes et pour les hommes. Aux femmes, c'est mal baisé. Et pour les autres, c'est quoi? C'est connard. Caro, son insulte préférée, c'est vas-y, dégage, connard. Connard revient souvent. Et vous allez voir que connard est une des insultes préférées. Connard, connasse. Préférée des Français. Espèce de pute. Ouais, moi c'est. Moi je dis les miennes. Hein. Moi les miennes aussi, c'est un peu ça. Moi c'est sale pute pour les hommes et pour les femmes. Hein. Ça marche pour tout le monde. Je vois une voiture, elle me coupe la route. Sale pute. Ouais, non, mais c'est clair. Ouais. Ou connasse, dis foule, toi, tu dis. Connasse aussi, je dis, oui. Même, je regarde quand même, parce que j'ai déjà fait me faire péter la gueule. Donc maintenant, franchement, je l'avoue, c'est pas bien, mais j'insulte que les femmes et les vieux. Ou ceux qui sont plus petits que lui. Non, parce qu'une fois, je me souviens, j'étais à scooter, et je sais plus, le mec, je sais plus ce que je lui avais fait, et le mec, il commence à gueuler, je lui fais des gros doigts. Et là, le mec, en fait, moi, j'ai tracé mon scooter, mais le truc, c'est que le mec, en bagnole, il m'a poursuivi. Et depuis, il y a aussi eu sur l'autoroute, aussi, où le mec, où j'ai fait des doigts, et le mec est hystérique, et se met devant moi, mais ralentit comme un Porsche, mais à côté, il me fait des signes, genre, je l'ai perdu. Ouais, je me rappelle. Et il y avait sa femme qui était là, je sais pas, mettons le mec, Gérard, calme-toi. Et le mec me faisait signe, il faisait la circulation, mets-toi sur le côté, je vais te défoncer la gueule. Bon, évidemment, je ne me suis jamais mis sur le côté. Pourquoi? Mais le mec, il était hystérique et je voyais sa femme, calme-toi. Heureusement que les femmes sont là. Ah oui. Ah non, mais le mec, non, mais il était à Gérard, je pense que je m'arrêtais, mais il me démolissait la gueule. Il pétait la gueule. Retiens-moi, chérie, je lui pète la gueule. Ah non, mais le mec, c'était à ouf sur l'autoroute, c'est-à-dire que le mec, il faisait des zigzags. Pour se mettre à côté de moi et pour me montrer son poids dans ma gueule. Sa femme devait être terrorisée juste à côté. Ah non, mais on la voyait à sa gueule, elle carrément l'a regardée, mais la meuf, elle est en train de hurler dans la bagnole. Genre là-bas sur le bras du. Calme-toi, je t'en supplie. Bon, les insultes préférées des Français au volant, les insultes préférées des hommes et les insultes préférées des femmes. Voici le sondage du morning. Le sondage du morning de Diffoul sur Skyrock. Oui, on va commencer par vous, les filles. Ah. Abruti, bâtard, sa mère, j'insulte tout le monde toute la journée. Ciara sur le 41-75. 9 qui nous laisse un message. Alors, l'insulte numéro 10 pour les femmes, idiot. Numéro 9, ah, c'est mignon. Blaireau. Là, c'est moi, idiot. Tu vois, ça s'améliore. Numéro 8, bâtard. Ouais, bâtard. Ah, j'ai eu beaucoup de bâtards dans les messages que vous avez laissés. Numéro 7, salope ou salaud. Bien. Numéro 6, abruti. Numéro 5, fils de pute. Ah, quand même, là, on monte en gamme. Ah oui. Numéro 4, un tout simple petit merde. Oh merde. Numéro 3, enculé. Ah, le célèbre, le fameux. 49% des femmes, il y avait des multi-réponses, hein, vous allez voir. 49% des femmes disent enculé. Numéro 2, putain. 51%. Et numéro 1, le connard, connasse, qui arrive largement en tête. Number 1. Avec 73% des femmes interrogées qui ont déjà déclaré avoir sorti un petit connard, connasse à quelqu'un sur la rue. Ouais. Voici. À quelqu'un sur la rue, sur la route. Sur la route. Voici maintenant les insultes préférées des hommes. Alors, nous avons un petit pauvre con qui ressort à la 10e place. Oh. Ouais, pauvre con. Ouais, il n'était pas chez les femmes, celui-ci. Le blaireau, le blaireau numéro 9. Un petit merde numéro 8. Un abruti à la place numéro 7. Salaud salope numéro 6. Bâtard numéro 5. Fils de numéro 4. Ouais. Et après les trois premiers, putain. Ouais. Numéro 3. Enculé. Ah, l'enculé est un peu plus fort chez les hommes que chez les femmes. À 56%, ils disent enculé, les hommes. Mmh. Et l'insulte préférée des hommes, bah, les hommes et les femmes, on est tous d'accord, c'est connard, connasse. Connard, connasse. Voilà, classique. Donc, si vous êtes en voiture, vous avez donc une liste d'insultes. Quelqu'un vous emmerde ce matin sur la route, vous lui dites connard, connasse, enculé, putain, fils de pute, bâtard. Et ça ira. Et puis ça sera déjà pas mal. Ah, hein. Si c'est un vieux enfant, il va dire, avec ton permis, tu l'as eu dans un paquet de lessive. Une bonne petite. petite blague du troisième âge. Bien sûr. Que l'on salue. Salut, vieux, j'ai bien eu un paquet de lessives. Le troisième âge qui est à l'écoute, on vous salue, vous avez eu donc. Big up à vous. Votre paquet de lessives. Big up, t'es pas big up. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Allez, 6h58, on écoute Niska et Maître Gims tout de suite sur Skyrock, c'est super ça. Elle avait son Joe. Elle avait son Joe. Oui, c'est nouveau, c'est sur Skyrock. Et 1500 euros, c'est dans un instant sur Sky, c'est pour vous aussi. Elle voulait juste les papiers. Tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle avait son Joe. Et tu lui as tout donné. Tu payais même le loyer. Elle avait son Joe. Elle voulait juste les papiers. Tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle avait son Joe. Elle a quitté le foyer. Et tu la cherchais, mais elle avait son Joe. Inutile de le nier. Elle a volé ton cœur. Sans même dire un mot. Tu ne peux plus l'oublier, ça y est. Elle connaît toutes tes peurs et tous tes défauts. Fini de jeter l'argent par la fenêtre. Sinon le diable va devenir ton proxénète. L'amour en t'aveugle va t'acheter des lunettes. Tu t'es perdu, mais tu veux te marier. C'est triste à dire, il voulait l'épouser. C'est triste à dire, elle voulait le papier. Elle voulait juste le papier. Tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle avait son job. Tu lui as tout donné. Tu payais même le loyer. Elle avait son job. Elle voulait juste le papier. Tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle avait son job. Elle a quitté le foyer. Tu la cherchais, mais elle avait son job. Elle t'a rendu mou, on t'a conseillé, mais t'as fait le sourd. Maintenant à cause d'elle, endetté jusqu'au cou. Endetté jusqu'au cou. Endetté jusqu'au cou. Elle voulait juste le papier. Tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle avait son job. Tu lui as tout donné. Tu payais même le loyer. Elle avait son job. Elle voulait juste le papier. Tu pensais qu'elle t'aimait, mais elle avait son job. Joe sur Skyrock, vous avez reconnu Maître Gims et Niska. Elle avait son Joe à 7h01, c'est le tout nouveau. Un extrait de l'album de Niska. Elle avait son Joe sur Skyrock, 7h01. Bonne journée, bon réveil et bonne chance. 1500 euros à gagner dans un instant. C'est pour vous, comme toutes les demi-heures, tous les matins. Dans le morning sur Skyrock, on vous offre des sous, de l'argent, plein. Ouais. Hier, c'est tombé deux fois. On salue Eva, la belle Eva, qui a gagné à Brest. Et puis Brian, le beau Brian, qui a gagné à Saint-Etienne. C'est peut-être votre tour. Juste après les infos de Rémi, on fait le point sur l'actu. On aura le réveil de star ce matin avec une des grandes, grandes stars. Mais je crois que la plus grande qu'on ait jamais eue. D'une, on peut le dire, Romano, d'une grande, grande chaîne. Là, je ne sais pas comment on va faire les autres jours après avoir eu cette star-là. Quand on est monté aussi haut que ça, ouais. Ah c'est ben lui, la star. Mathieu Delormeau. En personne. Oui, le pote lui-même. De Cyril Hanouna, n'en touche pas à mon poste. Mathieu Delormeau, l'homme le plus modeste du monde. Oh là là. Ah, lui, comment il se la raconte. Ah, il se prend pour le plus beau gosse du monde, le meilleur animateur de la Terre. Eh bien, il sera là pour vous ce matin sur Skyrock et seulement sur Skyrock pour réveiller les familles de France. On va voir comment il est accueilli. Réveil de star, c'est à 7h10. À 7h20, on jouera à Info Mytho. Et puis, bon, bah, tout le reste, les conseils pas chers qui arriveront à 7h40. Ouais. Et puis, du gros son pour se réveiller. On aura du PNL à écouter tout à l'heure. Et puis, bah, juste après les infos, Ken Jones et Kanye West aussi. Gros souvenir de Kanye West. On écoutera Stronger. Mais avant ça, les infos. Et Rémi, la météo pour démarrer. Ouais, un temps partagé aujourd'hui, hein. C'est assez gris à l'ouest de la Bretagne au Pays de la Loire, en passant par la Normandie. C'est plus dégagé à l'est, mais surtout si vous êtes autour de la Méditerranée. Attention, on attend des averses cet après-midi sur les Vosges, le Jura, les Alpes et la Corse. Les températures entre 12 et 16 ce matin dans le nord-ouest, entre 14 et 19 sur le pourtour méditerranéen. Au meilleur de la journée, il fera entre 20 et 28. Et puis la pollution, c'est plutôt bien. Les indices compris entre 2 et 4, ça monte à 5 sur Marseille, Nice et Bastia. Faites des heureux dans un instant avec vos 1 500 euros, mais tout de suite on fait le tour de l'actu. C'est parti à 7h03. Avantage Clinton à l'issue du premier débat pour la présidentielle américaine. Les observateurs sont formels. La candidate démocrate a marqué les esprits, s'est clairement positionnée en présidente. Clinton et Trump se sont rendus coup pour coup pendant une heure et demie cette nuit. Le républicain a bien tenté de rejeter la faute à sa rivale concernant Daesh, mais sans réellement y parvenir. De l'autre côté, l'ex-secrétaire d'État a dit qu'il n'était pas en phase avec la réalité et qu'un homme qui peut être provoqué par un tweet ne devrait pas s'approcher des codes nucléaires. À des petites phrases qui marquent, même si on peut attendre une réponse de Trump dans les deux prochains débats. François Hollande qui, comme promis, a répondu à la lettre de Rihanna. Le Parisien s'est procuré cette fameuse réponse. La chanteuse l'a interpellée pour défendre sa cause. Elle est engagée auprès de l'UNICEF pour offrir un avenir éducatif à tous les enfants et surtout à ceux qui vivent dans les pays en guerre. François Hollande la remercie pour son engagement. Tout d'abord, il estime que si nous ne faisons rien, eh bien nous verrons grandir sous nos yeux une génération sacrifiée. Le chef de l'État indique que la France a augmenté de 100 millions d'euros sa contribution à l'ONU et à l'UNICEF. Les salariés d'Alstom Belfort à Saint-Ouen en région parisienne aujourd'hui, entre 1000 et 1500 personnes attendues devant le siège du groupe. Un TGV a spécialement été affrété pour l'occasion. Les employés ont rencontré la direction hier qui n'a donné aucune réponse concernant leur avenir. Le groupe a annoncé, vous le savez, il y a 3 semaines, l'arrêt de sa production faute de commandes. Des discussions sont encore en cours avec le gouvernement. 400 postes sont en jeu. La maire de Calais, pleine d'espoir après la visite de François Hollande hier. Le président s'est montré rassurant. Il affirme que la jungle sera démantelé d'ici la fin de l'année. Le chef de l'État lui aurait également assuré que le dispositif policier sur le Calaisis restera en place. Plus de 2000 hommes sont mobilisés depuis plusieurs mois. Du sport et du foot avec la deuxième journée de la Champions League. Monaco reçoit le Bayer Leverkusen. Les Monégasques n'ont jamais perdu contre la formation allemande. Lyon se déplace à Séville. L'ancien club d'Unai Emery est triple vainqueur de la Ligue Europa. Ce sera sans la Lacazette qui est encore à l'infirmerie. Une grosse soirée foot à suivre sur Skyrock avec toute l'équipe de la Radio Libre. Ce sera à partir de 21h. Demain, Paris se déplacera sur la pelouse du Ludogorets. Serge Aurier sera de la partie malgré sa condamnation d'hier, alors que Ben Arfa, blessé au tibia, restera à la maison. Et puis l'épilogue hier soir de la 9e journée de Ligue 2. Brest s'impose 2-1 contre Reims. Belle victoire des Bretons qui sont en tête du classement de Vian devant Amiens et les Rémois. Eh bien, merci Rémi pour les infos. On te retrouve dans une demi-heure pour la suite. Il est 7h05 sur Skyrock. Salle de bain de l'appart, 5h37, Difool. Sous ma douche, Romano. C'est les conseils pas chers. Cariole. Libéré, délivré. Cédric. Ah bah non, lui, il prend pas de douche. Le morning de Difool sur Skyrock. Tu peux couper l'eau, s'il te plaît? Merci. Voilà, le morning en direct. Bon courage si vous êtes dans votre salle de bain, il y a du travail le matin. Ah bah oui, faut se laver, faut se laver les dents. Faut se préparer, enfin c'est les trucs qu'on fait le matin, mais il faut aussi répondre Skyrock quand on vous appelle. Dès qu'on vous parle radio, téléphone, vous répondez Skyrock, c'est ce qui va se passer dans quelques secondes. Je vois que Romano, tu as l'enveloppe et tes mains tremblent déjà. Oh là, j'en suis tout ému. Oui, à l'idée d'avoir tant d'argent dans la main comme ça, 1500 euros. Ouais. Ben c'est pas pour toi, hein. C'est pour celui qui a été tiré au sort. Ouais. Ou celle qui a été tirée au sort, qu'on retrouve tout de suite sur Sky. On va parler jeux vidéo aussi tout à l'heure dans les conseils pas chers à 7h40. Ouais. Tu gagnes de l'argent avec les jeux vidéo, c'est la sortie officiel de FIFA 17. FIFA 17, ça y est. Eh bien, on en reparle tout à l'heure à 7h40. On vous l'offre d'ailleurs tous les soirs. Aussi le matin, hein, vous pouvez le gagner, le FIFA 17. Hein. Tous les soirs, tous les matins sur Skyrock, FIFA 17 à choper, évidemment. Bon, il sort le 29. Hein. Et conseils pas chers concernant FIFA 17. Avant ça, le réveil de Star, vous en avez entendu parler, hein, c'est Mathieu Delormeau. Coucou, ça va? Non, toi, tu es Homer Simpson. Ça va, Homer? Putain, mais il n'y a que de Star dans cette émission. C'est fou, hein? Vous aimez bien Homer Simpson? Ouais. Oh non, mais dis calme, Serge Aurier. Oh. Bon, Mathieu Delormeau arrive pour sa célèbre Delormeau Dance et pour le réveil de Star. On en a de la chance. Ah ouais, on est gâté. Mais bon, avant ça, allez, les 1500 euros à choper et Ken Jones qui se prépare pour Don't Mind.

Eh ben, les stars s'enchaînent, hein. Kanye West, grand star international. Et Mathieu Delormeau, star interplanétaire, tout de suite. Le mec est persuadé. Bah, ils sont un peu le même melon, hein, Kanye West et Mathieu Delormeau. Bah, hein. Delormeau, il est persuadé que le monde entier le connaît, hein. Ah, mais il est dégoûté, quoi. Il y en a, parce que à tous les invités qui viennent, il leur demande, ouais, vous me connaissez. Et bon, les trois quarts du temps, ils le connaissent pas. Faut qu'il arrête de demander parce qu'il se prend des vents tout le temps, hein. Bah, mais tu vois, il fait la gueule après, hein. Il a dit que Mathieu Delormeau était synonyme de perfection. Ouais. Wow. Bah, putain, bah, je préfère pas être parfait, alors. Moi non plus. Allez, Mathieu Delormeau qui arrive. Oui, oui, Mathieu, qu'est-ce qu'il y a? Kikou les boys and girls. Kikou, Mathieu. Ah, kikou. Ah, kikou les boys and girls. Hey, salut les gars. Hey, salut Mathieu. Ah, c'est quoi, il va danser là? Je lui ai dit, il va danser. Tu es très content d'être avec nous, hein? Ah, beaucoup. Ah, beaucoup, ah. Très bien. Il va danser, tu crois? Oh, bah, tu vois, je t'avais dit, quand il fait kikou les boys and girls, c'est qu'il va danser. Très bien. Ah, je l'ai vu danser, moi, mais c'est horrible, ça. Non, mais danse. C'est des chorégraphies de merde, ouais. Bon, c'est lui qui va réveiller les Français ce matin, le réveil de star. Il arrive tout de suite sur Skyrock. Le réveil de star. Une star, une star, un appel. On écoute. Oui, bah, on écoute. Allez, c'est parti, le réveil de star, tout de suite. Allez, vas-y, notre star. Il réveille la famille de Christian ce matin. Fais-nous rêver. Christian, Mathieu Delormeau, le contact sera bon. Il y a une heure, il s'est fait inviter. Hein. Ouais, bah ouais. Ouais, il s'est fait inviter. Ouais. Il le connaissait, les gens. Kikou, bah, oui, allô. Salut les potos. Salut qui? Mathieu Delormeau. Eh bien alors, si vous appelez Mathieu, d'accord, eh bien. Je vous propose, ce soir, petit plateau télé à la maison. Mmh. Eh bien sûr. Voir un petit film cool, un peu, genre l'étudiant ou la boum. Ah, ah ben c'est bien ça. Avec Sophie Marceau. Ah bon, d'accord. En plus, une journée où je suis malade. Ah, t'es malade? Ouais, je suis un petit peu fatigué, j'ai une petite grippe. Eh, il faut prendre les médicaments alors. Hein. Ouais. Le meilleur des antibiotiques, c'est d'être près de vous. Oh. Ah. Ah. Oh. Mon chéri, viens, on y va. Ben viens, je vais t'attendre au portail avec un calibre 12. Ah ouais. Ah ouais. Ah merci. Ah ben un bon calibre. J'aime bien les gens qui me résistent un petit peu. Ah ben c'est bien ça. J'ai parlé des gens ce week-end. Ah ben oui. Tous m'ont dit que vous n'aviez jamais été aussi beau. Ah bon. Eh ben rajeuni, hein, je rajeunis. Franchement, il a un corps hyper correct. Ah parce que tu le connais mon corps. Ouh là là, il est beau. Il est beau. Le problème, c'est que là, tu parles beaucoup, là. C'est pas vrai. Ça enregistre, là. Bon, bah, je crois que ça y est, les amis, hein. Je suis parti de la grande famille. Mm-hmm. Eh, voilà, oui. Waouh, c'est con, mais je suis ému, hein. Ça fait quelque chose. Ah oui, bien sûr, hein. Je plais beaucoup aux hommes, moi. Hein. Ouais, je suis beau. Ah, ben oui, je l'imagine, hein. Aujourd'hui, je vous apprendrai à danser la Delormeau Dance. Ah, on accueille les danseurs. Non, mais écoute, à ce moment, je peux pas. Allez. Allez. Allez. Allez, Christian. Allez, Christian. Delormeau. Christian. Ah non, putain, c'est pour nous. Il a loupé la Delormeau Dance. Le problème, c'est que c'est nous qui la récupérons. Ah, ouais. Mathieu Delormeau ne touche pas à mon poste. Ce matin, pour le réveil de star. Une immense star. Une immense star. Mais oui, Mathieu. Kikou les boys and girls. Oui, kikou, boys tout seul. Kikou les boys and girls. Bon, Mathieu Delormeau, bah, le retour. Très vite, hein, je crois qu'on le retrouve dans une heure. Ah, cool. Ah ouais, putain. Avec une nouvelle famille qui arrive et dans un instant, vous gagnez sur Skyrock. Eh ben, vous en avez de la chance. La Delormeau Dance. Non, vous gagnez pas la Delormeau Dance. Vous gagnez votre iPhone 7, on joue à Info ou Mytho, ça arrive. Les stars réveillent la France. Les amis, quelqu'un peut m'ouvrir? C'est Mathieu Delormeau. C'est le réveil de star sur Skyrock. Fermez la porte. Oui, ouais. Double le tour. Vous allez me faire chier toute la matinée. Fermez la porte. Fermez la porte. Can only make me stronger. I need you to hurry up, man. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night, man. That's how long I've been on ya. I need you right now. Right. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a f- what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask this, I'm not sure. Do anybody make real anymore? Bow in the presence of greatness. Cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness. That I would even show up to this place. So go ahead, go nuts, go ace. Especially in my past. On my page. Act like you can't care who made this new gospel, homie. Take six and take this, haters. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up, man, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night, man. That's That's how long I've been on ya. I need you right now. I need you right now. I don't know if you got a man or not. If you made plans or not. If God put me in your plans or not. I'm tripping, this drink got me saying a lot. But I know that God put you in front of me. So how the hell could you front on me? It's a thousand yous, it's only one of me. I'm tripping, I'm caught up in a moment, right? Cause it's Louis Vuitton dine night. So we gon' do everything the kind like. Heard they do anything for a Klondike. Well, I'll do anything for a blunt. And she'll do anything for the limelight. And we'll do anything when the time's right. Baby, you're making it better, faster, stronger. Don't act like I never told ya. Don't act like I never told ya. Don't act like I never told ya. Don't act like I never told ya. Baby, you're making it better, faster, stronger. That don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up now. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night, man. That's how long I've been on ya. You know how long I've been on ya. See, Christians don't act for long ya. Since OJ had isotoners. Don't act like I never told ya. You know how long I've been on ya. Since Christians don't act for long ya. Since OJ had isotoners. Don't act like I never told ya. Stronger sur Skyrock, Kanye West à 7h18. Ah, super son de Kanye West, ça fait du bien pour se réveiller le matin. Les PNL arrivent sur Skyrock. PNL avec Je suis QLF, je suis que la famille, ça arrive avant 7h30. Et puis là, tout de suite, votre téléphone à gagner, l'iPhone 7, il est là, il est pour vous. Vous allez le récupérer, il suffit de jouer avec nous maintenant à Info Mytho. Je vous pose la question de sélection. On va parler d'amour dans Info Mytho ce matin. Tu nous parleras de quoi, Romano, toi? Je ne sais pas encore. Tu ne sais pas encore. J'ai l'impression que tu vas nous parler d'argent. C'est possible, on va voir. Le connaissant un peu, mais c'est comme ça que ça se passe. Romano n'a pas changé, c'est toujours le même. Bon, moi je vous parle d'amour. Je n'ai pas changé non plus. L'amour. Et une meuf anglaise qui s'appelle Lily, qui a 18 ans et qui fait le buzz en Angleterre. Tout le monde en parle en Angleterre. Parce qu'elle a eu une super idée. Elle est étudiante aux Beaux-Arts. Donc si vous êtes étudiant, étudiante, écoutez bien. Étudiante aux Beaux-Arts. Et pour se rappeler de ses conquêtes sexuelles, donc des hommes avec lesquels elle couche, elle a décidé de réaliser des répliques de leur pénis en céramique. Donc en fait, tu vas coucher avec elle. D'abord, elle te met dans un moule. Elle prépare son petit truc. Et juste après, elle fait une petite réplique. Elle en a plein chez elle. Ah ouais, alors lui, il était sacrément bien membré là, parce qu'on a des photos. Ah ouais. Elle était gâtée. Une photo d'une petite statuette d'un pénis, magnifique, très décoratif. Peut le dire, une sacrée belle bite. Donc, est-ce que c'est vrai? Pour se rappeler de ses conquêtes sexuelles, une étudiante des Beaux-Arts réalise des répliques de pénis de ses ex en céramique. Waouh. Et elle fait le buzz en Angleterre. Info ou mytho? C'est la classe. Moi, il y a une meuf qui me demande ça le premier soir. Oui, vas-y, je vais faire un moule de ton sexe. Bah déjà, t'arrives chez elle, je sais pas, sur un meuble, il y a une collection de ce gag. Bon. Ah oui, c'est vrai qu'il y a tous les autres avant. Ouais. Regardez, magnifique collection. J'avais pas pensé à ça, dis donc. Donc, Lily, l'anglaise, est-ce que c'est une info ou un mytho? Vous envoyez vos messages dès maintenant, puisque je vous donne mon top officiel. On prend les messages à partir de maintenant. Le premier ou la première se retrouve en direct avec nous et tentera de gagner l'iPhone 7. Dans un instant, ouais. Info ou mytho pour vous? Allez, vos réponses très vite. N'oubliez pas votre numéro de téléphone. Si vous envoyez des messages, on vous retrouve tout de suite sur Skyrock. Il est 7h20. Skyrock débarque sur Deezer. Sky. Il t'offre ton abonnement premium plus d'un an. À 10h. À toi la musique gratuite et illimitée en haute qualité audio sur ton mobile, ta tablette et ton ordinateur. Sans publicité. Avec la possibilité de télécharger toute ta musique préférée pour l'écouter hors connexion. Écoute Skyrock à tout moment et gagne toi aussi ton abonnement Deezer Premium Plus. Merci beaucoup. Deezer, la musique que vous voulez. Partout, tout le temps. Skyrock. Retrouve aussi Skyrock en HD sur l'appli radio Skyrock et Skyrock.fm ou à la radio dans ta ville. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, là c'est pas bon. Ah pour Lidl? Ah non, pour nous. Ils lancent une gamme de produits bio. Des œufs, de l'huile d'olive, du lait. Mais du coup, les prix c'est plein pot. Ah bah non, ça vaut vraiment le coup, hein. Dès demain par exemple, les yaourts bio saveur vanille sont à 99 centimes les 4 pots de 125 grammes. Moins d'un euro les 4. Ah oui, 99 centimes les 4 yaourts bio saveur vanille. Pas de pot, hein, c'est le vrai prix. Ah on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 1,98€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au mardi 4 octobre. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. W9 présente OVNI, l'info retournée. Bertrand Chameroy fait sa grande rentrée sur W9 ce soir en direct à 22h45 avec avec sa toute nouvelle émission. Retrouvez-le entouré de sa team pour des happenings, des tournements, micro-trottoirs et parodies avec des invités pour s'amuser en s'inspirant de l'actualité. OVNI, l'info retournée, ce soir en direct à 22h45 sur W9. En ce moment, chez Carglass, pour toute intervention vitrage, on vous offre vos balais d'essuie-glace avant. Et en plus, c'est des Bosch. Une offre comme ça, faut pas la rater. Alors, prenez rendez-vous maintenant. Carglass répare, Carglass remplace. Offre valable jusqu'au 29 octobre dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur carglass.fr. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. C'est parti! C'est les 4 semaines les moins chères de France chez Intermarché. Tentez de gagner votre voyage de rêve d'une valeur de 10 000 euros à composer vous-même et des milliers d'autres cadeaux. Pour jouer, gagnez des jetons à chaque passage en caisse. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse deux fois la différence. Modalités complètes, règlements et magasins participants sur intermarché.com jusqu'au 23 octobre. Oh, c'est qui cette nana là? La blonde là? C'est la nouvelle copine de Pierre. Canon hein? Carrément? Et comment ils se sont rencontrés tous les deux? Sur l'appli Smax pendant les vacances. Et ça a l'air d'être du sérieux en plus. Comme quoi les applis de rencontre, ça marche. Smax. S-M-A-X. Smax, l'appli qu'il te faut pour dire stop au célibat. Leclerc. En ce moment chez Leclerc avec les super pouvoirs d'achat, un paquet de farine de blé et blé acheté, un paquet de farine de blé et blé offert. C'est de la super farine ça. Bah évidemment, pour la cuisine, les gâteaux. Ah, les gâteaux. Gourmand. Ah bah à ce prix-là, je veux. Du 27 septembre au 1er octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Pour l'achat d'un paquet de farine de blé et blé, cœur de blé d'un kilo, le deuxième est offert. Voir conditions dans les magasins participants. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Allez, bon réveil, bon petit déj, il est 7h23, c'est l'heure de gagner votre iPhone 7, on joue à Info ou Mytho. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et on parlera tout à l'heure dans les conseils pas chers de FIFA 17 qui sort cette semaine et qu'on vous file depuis un petit moment sur Skyrock. On vous le file, on continue de vous le filer d'ailleurs, on a même offert hier soir dans la radio libre. Oui, oui. Et toi tu as une info pour gagner des sous grâce à FIFA 17. Ouais, c'est ça, comment gagner de l'argent sur FIFA 17, c'est alors, possible. On s'en occupe, mais d'abord on offre l'iPhone 7 et ça c'est pour toi Thibaut le plus rapide d'avoir laissé la bonne réponse. Ouais Thibaut. Salut Thibaut. Salut Thibaut. Salut. Comment ça va Thibaut? Ah ça va la forme, tranquille. Ah bah, bienvenue à toi, t'as 18 ans, t'es dans 59, tu fais quoi dans la vie Thibaut? Je suis agent de police. Oula, agent de police, 18 ans, planquez tout. Planquez tout, attention Thibaut. Ça va, ça va. Alors un iPhone, ça va. J'espère bien que tu vas pas nous pruner. Oui. Non. L'iPhone 7 est pas tombé du camion hein. D'accord, ça marche. Non, c'est un bon. Alors, on va mettre l'iPhone en jeu tout de suite avec déjà la question de sélection, puisque tu as réussi à passer la question de sélection. On parle d'une Anglaise qui fait le buzz en Angleterre. Elle s'appelle Lily. Elle a 18 ans. C'est Lily. C'est Lily, 18 ans. Et elle, pour se rappeler de ses conquêtes, a priori, elle en a pas mal, c'est une étudiante des Beaux-Arts. Elle a décidé de réaliser des répliques des pénis de ses ex. Oh, lui, c'est Romano, mais il est tout petit. Attendez, je prends ma loupe. Ouais. Oh là là, il y a un menhir là, c'est à qui? C'est à Difool. Bah oui. Un menhir. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Info mytho. Bah oui, c'est vrai, ils sont fous ces Anglais. C'est une info, mais oui, ils sont fous les Anglais. Et elle, c'est devenue une star. Bravo, tu viens de gagner. Le droit de jouer contre Romano et Carriol. Ouais. Méfie-toi, les deux sont des fourbes. Ils essayent de te piéger ce matin. Ouais, je sais. Je vous écoute tous les matins. Je joue trois fois par tous les matins. Et alors, les statistiques, elles sont comment sur Info mytho? Sur ces derniers jours, t'avais bon ou faux? Le 3 quarts, oui, j'avais tout bon, ouais. Bon, on va voir. Allez, on croise les doigts pour toi, c'est parti. Info ou mytho? Qui dit vrai? Qui dit faux? À toi de détecter le mytho. Romano, on commence par toi. Alors, vendredi dernier, sur un vol de Grèce à Bruxelles. Oui. Bon, il y a eu un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un passager qui est arrivé, en fait, qui avait dû bouffer un truc pas très bon. Il monte dans l'avion, et au moment d'embarquer, là, il commence à vomir sur les passagers. Oh, c'est sympa. T'arrives pour... En plus, tu rentres à Bruxelles, donc t'es pas super content quand c'est le vol du retour. Ouais, donc le mec a commencé à quicher sur les passagers. Il arrivait plus à se retenir. Bon, il avait partout. Du coup, ils ont été obligés de retarder le vol d'une demi-heure. Et les gens sont restés en galère. Ils ont été obligés de faire sortir les gens de l'avion, de nettoyer l'avion. Finalement, ils n'arrivaient pas à le nettoyer. Ils étaient obligés de changer d'avion. Et ils sont finalement partis et arrivés à Bruxelles. Oh, quelle belle nouvelle. Tout est bien qui finit bien. Oui, plein de vomi. Tu arrives, tu sens le vomi, mais tu es arrivé. arrivé, c'est l'essentiel. J'espère qu'il n'y a pas trop d'heures de vol. Ça, c'est l'info de Romano. Bon voyage, nos amis belges. Et donc, l'info de Carriole, maintenant, écoute bien. Moi, c'est une dame qui s'est fait livrer une pizza chez elle et quand elle ouvre la boîte, elle a trouvé 4 500 € dedans. Oh, waouh! En liquide, elle les a ramenés. Bon, je vais commander une pizza. Oh, quelle éconne! Elle les a ramenés et pour la remercier, en fait, la pizzeria lui a offert un an de pizza gratuite. Waouh, elle va prendre 20 kilos et elle a perdu 4 500 €. Non, mais en plus, elle est perdante. Bah, bien sûr qu'elle est perdante. Moi, donc, prendre une par jour gratuite, mais toi, bon. Romano, tu reçois une pizza et dedans, il y a de l'argent. Tu fais quoi? Ah, bah, moi, je garde la thune, moi. Je dis rien. Mais tout le monde, je pense. Non, mais 4 500 €, mais faut être con pour les. Bien, moi, j'appelle parce que je suis pas content, il y a pas ma pizza dedans. Bah, ouais. Non, mais il y avait la pizza et les 4 500 balles. Magnifique. Alors, Thibaut, il y en a un qui dit vrai ou une qui dit vrai et l'autre qui dit faux. Info ou mytho? Qui c'est le mytho? Qui c'est? Alors, Carriole, j'ai pas très bien compris. Carriole, est-ce qu'il y avait la pizza dans la boîte aussi? Oui. Pizza et argent. Moi, vomi dans l'avion. Ah, il se tâte. Pas facile. Ah, c'est compliqué. Ah, c'est tous les matins, c'est facile. Et là, ah, c'est plus facile quand on est derrière la radio. Ouais, mais là, t'as la pression, un peu le trac, sans doute. Ouais, ouais. Alors, Thibaut. Ouais, je dirais à tout à l'heure, Romano, info. Romano, info, Carriole, mytho. Ah, merde. Ah, c'est pas ça. Ah, non. Non. Non, c'est pas ça. Moi, c'était vrai, moi. Ah, c'est vrai, donc l'autre, elle a vraiment. Je m'en doutais, je savais, mais Romano est tout le temps raison. Et en Romano, c'est quoi la vraie histoire, toi? Non, c'est limite pire, quoi, pire. C'est un steward, en fait, qui était bourré. Heureusement que c'est pas le pilote de l'avion, déjà. Ouais. Donc le steward a commencé à faire des annonces incompréhensibles au micro. Vous éveillez, mec. Les passagers sont quand même inquiétés. Donc bah, t'entends ça, tu te dis oui. S'il a fait la teuf avec le pilote, par exemple. Donc le mec a été évacué de l'avion. Bon problème, ils ont été obligés d'annuler le vol. Les gens ont quand même eu 2 jours en plus gratuits. Ah. Pour ceux qui voulaient, tout frais payé. Et il y en a quand même une dizaine qui sont partis parce qu'ils ont retrouvé un avion. Mais du coup, vu que le mec était trop décabané, ils ont été obligés de le laisser sur place. C'est marrant, toutes tes histoires se terminent par une histoire d'argent, Romano. Ah bah ouais. Voilà, donc ils ont récupéré des voyages gratuits. 2 jours gratuits, tout frais payé en plus. Magnifique. Bravo Romano. Désolé Thibaut. Désolé Thibaut. Bon, on va t'envoyer le FIFA 17, puisqu'on en parlait tout à l'heure. On va en reparler dans les conseils pas chers. FIFA 17, on t'envoie à la maison. Ouais. Si t'aimes les jeux de foot, t'aimes les jeux vidéo, eh ben c'est parti. Tu le reçois très vite, le FIFA 17, et on t'envoie en plus le t-shirt Skyrock. Thibaut, et t'as le droit de rejouer avec nous quand tu veux. D'accord, pas de soucis. Merci l'équipe. On t'embrasse Thibaut, hein, raccroche pas. Salut Thibaut. Allez, bonne journée. Salut Thibaut. Info Mytho, le retour tous les matins à 7h20 sur Skyrock tout à l'heure, dans moins d'une heure. Eh bien, on va jouer ensemble pour un autre iPhone 7. Ce sera peut-être le vôtre. On jouera à l'invité mystère. Ouais. Et là, c'est le super son de PNL sur Sky. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. Perdre lunettes sur le sel. Millions de vues en 24 heures. Mon fric, on a plus peur. Petit frère change de père. Un clip, on les met en sueur. Et lendemain dans le père. T'entends du PNL. Demande à ta sœur. T'entends du PNL. Dans le hood, en ville, on a vie. La jungle, elle s'envoie ravie. Et j'ai mes affaires. Du sucre dans ma bouche amère. La mif sous un soleil plein. Tu touches, on touche le salaire. Nico, on fait ce qu'on peut. Toi reste en chien, toi reste en chien. Le majeur traverse le ciel. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. PNL PNL sur Skyrock, une découverte Sky. PNL, c'était je suis QLF, QLF pour que la famille. À 7h31 sur Sky, on prépare les 21 Pilots. Qu'est-ce qu'on va écouter d'autre? Ah, Soprano arrive, le Marseillais Sopra. Ouais. Et Justin Timberlake aussi avant 8h du matin. Et puis notre loser du jour, aujourd'hui c'est un loser. Les losers, vous savez, ceux qui n'ont pas de chance. Bon, il a vraiment pas de chance, on le découvre juste avant 8h, entre 7h50 et 8h tous les matins. Notre loser du jour à découvrir. Mais avant ça, c'est un winner qui est avec vous tous les matins et à 7h40, il se prépare pour ses conseils pas chers. Ouais, conseils pas chers, jeux vidéo avec FIFA 17 qui arrive dans 2 jours. Oui, et à 7h40, les conseils pas chers arrivent en direct sur Skyrock. Et attention, FIFA 17, il y a moyen de gagner de l'argent. Oui, là il est 7h31, on fait le point sur l'actu, on va tout savoir avec Rémi. Ouais, et on va commencer par la météo d'ailleurs. Et puis juste après, on vous offre vos 1 500 euros Skyrock, la radio qui vous file 1 500 euros toutes les demi-heures. C'est pour vous, on se prépare. Allez, l'actu, c'est parti. Ouais, un temps partagé aujourd'hui, c'est gris principalement à l'ouest de la Bretagne au Pays de la Loire en passant par la Normandie. Le ciel est bien dégagé en revanche si vous êtes à l'est, principalement autour de la Méditerranée. Quelques averses possibles dans l'après-midi sur les Vosges, le Jura, les Alpes et la Corse. Les températures ce matin de 12 à 16 dans le nord-ouest, entre 14 et 19 sur le pourtour méditerranéen. Au meilleur de la journée, il fera entre 20 et 28 degrés. La pollution, c'est plutôt bon, les indices compris entre 2 et 4, ça monte à 5 sur Marseille, Nice et Bastia. Bon morning, bon réveil et bonnes infos maintenant avec Rémi, l'actu et le sport. Échange musclé, débats électriques, duel de candidats à la présidentielle américaine à 6 semaines du scrutin. Hillary Clinton et Donald Trump ont débattu pendant 1h30 cette nuit sur NBC. La démocrate et le républicain se sont affrontés sur les questions économiques et de sécurité. Donald Trump ne s'est pas énervé mais a parfois manqué de répondants selon les observateurs. Hillary Clinton de son côté s'est montrée ferme et claire dans ses explications. Elle a demandé à son rival de rendre publique sa feuille d'impôt et elle le soupçonne d'utiliser tous les moyens en sa possession pour en payer le moins possible. L'ex-secrétaire d'État estime que Trump est un menteur, qu'il n'est pas en phase avec la réalité, place désormais au sondage très attendu, même si tout le monde semble dire ce matin que c'est Clinton qui a remporté cette première passe d'armes. Le quartier de la Défense en partie bouclé cette nuit. Le centre d'affaires a été le théâtre d'une simulation grandeur nature d'attaque terroriste. Plus de 600 policiers et secouristes se sont mobilisés pour l'exercice. Des centaines de figurants ont joué leur rôle, rôle des victimes aussi, mais des terroristes. Le dernier exercice en conditions réelles date de 2011. Il simulait une attaque chimique avec 2 bombes. Le nouveau test de cette nuit doit permettre d'améliorer encore un peu plus le dispositif de sécurité. Une fusillade hier au Port Marly dans les Yvelines. Un homme d'une 60aine d'années a ouvert le feu sur le parking d'un supermarché. 2 personnes grièvement blessées. Le tireur s'est retranché chez lui avant de se rendre quelques heures plus tard. On ne connaît pas encore les raisons de son geste. Le parquet de Versailles évoque un litige d'ordre privé. 2 mois de prison ferme, condamnation prononcée hier par le tribunal de Paris à l'encontre de Serge Aurier. Le défenseur ivoirien du Paris Saint-Germain a été jugé pour violence commise sur un policier. C'est un contrôle qui aurait mal tourné en mai dernier après une soirée en boîte. Alors il n'a pas été incarcéré hein, car ses avocats ont fait appel. Il reste donc disponible pour le club de la capitale. D'ailleurs, il a été appelé par Unai Emery pour le match de demain soir en Ligue des Champions contre Ludogorets. Ce sera sans Tem Ben Arfa, notez-le. Son retour était pressenti, mais pas de chance. La recrue parisienne souffre d'une inflammation du tibia. Oui, ça c'est vraiment pas de pause. Ah ouais, c'est ça. Bon, du foot, c'est ce soir, c'est à pas louper aussi. Hein. Avec la Ligue des Champions, bah ouais, début de la 2e journée, Monaco reçoit le Bayer Leverkusen. Les Monégasques n'ont jamais perdu en 4 rencontres contre la formation allemande. Lyon se déplace à Séville, un triple vainqueur de la Ligue Europa. Ce sera sans la casette, encore à l'infirmerie. On verra ce que ça donne dans la radio libre à partir de 21h. À pas louper avec nous entre 21h et minuit. Merci Rémi pour les infos. À tout à l'heure. Il est 7h34 sur Skyrock. En direct de l'appart. C'est le morning de Default sur Skyrock. The morning show. Vous savez que le morning est toujours d'attaque le matin pour vous tenir au courant de tout ce qui s'est passé, notamment cette nuit. Et on était tous cette nuit en train de regarder le débat Hillary Clinton, Donald Trump. Ah bah c'est sûr. L'équipe entière s'est réveillée et a fait une petite analyse. Alors on a analysé Donald Trump. Il s'est drogué, il a pris de la cocaïne. Ouais, c'est vrai qu'il faisait des bruits chelous. Bah, écoutez, Donald Trump, quelques extraits du débat avec Hillary Clinton. Is that okay? Good. Vous entendez? Is that okay? Good. C'est de la bonne, a priori, Donald Trump. We're in a different system. Ouais, ça. Ouais, c'est de la bonne. Si tu finis avec sa gueule, c'est quand même pas super, quoi. Ah, ça, c'est sûr, oui. Il en a trop pris, peut-être. Ouais. Ouais. It's a defective agreement. Ouais, mais il boit ce mec aussi. Non, il sniffe. Non. Ouais, mais... Oui, non, mais. De manière générale, il est quand même rougeau, quoi. Oui, il est rougeau. Il est rougeau et blondeau aussi. Ah ouais. Couleur paille. Les cheveux jaunes. Tu coucherais avec Donald Trump s'il était président des États-Unis, carrière. À ton avis. Je pense que oui. C'est mon style, tout à fait. J'imagine. Oui. Très beau. Magnifique. Magnifique Donald Trump. Je sais pas comment il arrive à se faire des meufs avec une gueule pareille. Bah, il a de la thune aussi. Ah ouais, c'est ça. Ah, il les paye. Impossible. Bah, il sort se disant sa femme elle était prostituée. Hein. Ah bah voilà, ah ouais, bah c'est ça les filles. Ouais, il y a cette rumeur qui avait tourné. Ouais. Ne soyez pas jalouses les filles. Hein. Si elle sort avec lui, c'est parce qu'elle était prostituée. Ouais, c'est ça. Et puis surtout qu'il est blindé parce que bon. Donald Trump peut-être futur président des États-Unis. Oui Donald, ça va. Voilà, prends plutôt un café le matin, c'est mieux, c'est moins dangereux. Donald Trump, riche Romano, hein. Très riche, ouais. Et toi, tu coucherais avec lui? Ah bah bien sûr, attends, une beauté pareille. Ah c'est dingue, la tête qu'il a. Tu vas me dire que Clinton, elle est pas mal non plus, au niveau de la tête, elle est parfaite. Elle est toute figée, je trouve. Je pense qu'elle est... On dirait, tu sais, genre le musée Grévin, quoi. Elle prend du Botox, à mon avis. Bah un peu trop, ouais. Bon bah là on s'est fait Trump et Clinton. Bienvenue nos amis américains. Voilà, ouais. Vous êtes sur Skyrock. Et sur Skyrock on vous offre tout de suite 1 500 euros. C'est à gagner. Si ton téléphone sonne, réponds Skyrock. Localisation du gagnant des 1 500 euros. Allez hop, ouverture de l'enveloppe. C'est ouvert et c'est à Toulouse qu'on va aller. La localisation est faite, on file à Toulouse. Les Toulousains, les Toulousaines, vous qui nous écoutez sur 100 FM Touron, eh bien vous allez peut-être gagner 1 500 euros. On appelle la famille Durand maintenant. Mustapha Durand ou Doran, comme vous voulez. C'est parti. 1500 euros à Toulouse. Troisième sonnerie, attention. Il faut que ça décroche, nom de Dieu. Ben oui, ça décroche. Allo. Ah, bah ça raccroche. Ça a été rapide. Ça a été rapide, c'est le 1500 euros le plus rapide de l'histoire. Ben dans l'idéal, ça aurait été un petit Skyrock entre les deux. Bah, il suffit d'une seconde pour gagner. Même pas, on a calculé hier. Ouais, on a fait le total, c'est une demi-seconde pour dire Skyrock. Skyrock. Skyrock, 1500 euros. Skyrock. 1500 euros. Désolé pour Mustapha, hein, il ne gagnera pas les 1500 euros. On salue les Durand. Ce sera pour le prochain peut-être, hein, tout à l'heure à 8h. 1500 euros à gagner. Si vous répondez, Skyrock. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait. Ah, j'y crois même pas là, j'y crois même pas. Putain. Des réveils. Donald Trump, on vous entend, monsieur. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling. So taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Time on my ride. Les 21 Pilot sur Skyrock, c'était Ride. Bonne journée, bon réveil, il est 7h40. Il y a un petit conseil pour gagner des sous, juste avant les conseils pas chers de Romano. Et juste avant Soprano qu'on va retrouver avec Enfeu. Vous voulez gagner 1 500 €, c'est facile. Oui. Vous envoyez 1 500 au 7 20 20. Et peut-être qu'on vous tirera au sort, vous l'envoyez maintenant. On a les ordi à dispo, l'ordinateur fait un tirage automatique. Et peut-être ça tombera chez vous tout à l'heure. 1 500 € à gagner. Et si vous êtes des gros feignons, que vous n'avez pas envie de vous inscrire, pas envie d'envoyer 1 500 au 7 20 20, bah vous avez le droit aussi. On tire au sort dans l'annuaire. Tout le monde peut gagner 1 500 €. Dites-le autour de vous, il faut répondre Skyrock, écoutez le morning. Skyrock. Et vous gagnez vos 1 500 €. Ouais. Et d'autres moyens de gagner de l'argent, bah c'est grâce à toi, Romano, tous les matins. Ouais, grâce, ce matin, grâce à FIFA 17. Ah oui, on parle de FIFA 17, sortie officielle de FIFA 17 cette semaine. Vous le gagnez 29, sur Skyrock. Précisément. Donc dans deux jours. Exactement. Et bien toi, tu es toujours en avance. Ouais. Voici les conseils pas chers spécial FIFA 17 ce matin. Tu cherches ton portefeuille? Regarde dans les poches de Romano. Les conseils pas chers sur Skyrock. Oui, toujours regarder dans les poches de Romano. Je vous l'ai déjà dit ça. C'est un petit conseil que je vous ai donné. Si vous voulez de l'argent, il en a plein. Ah non, ils sont vides là. Oui, mais il a peut-être le vôtre. C'est ça que je veux dire. Oui, oui, non, mais non, j'ai rien volé encore. C'est vide tant qu'il a rien volé. Ouais. Bon, alors EA Sports. Yeah. EA Sports, c'est ceux qui ont créé FIFA 17. Ouais, c'est ça. Et donc attention, ils attaquent les gens qui vendent FIFA 17 avant la date de la sortie officielle. C'est-à-dire ici un magasin, par exemple, mais on vend aujourd'hui Electronic Arts. C'est ça. EA, Electronic Arts, EA Sports. Eh ben, ils portent plainte contre le mec. Et les versions précédentes, il y a quand même des magasins qui ont été condamnés à 8 000 €. Pas mal. Plus les frais de justice à Electronic Arts Publishing. Très bien, parce qu'ils ont besoin d'argent, Electronic Arts. Ouais, évidemment. Bah, attends, ils en vendent pas assez des FIFA 17. Ouais, attention, interdiction de le vendre avant. Et ce matin, nous appelons des vendeurs qu'on a trouvés sur Le Bon Coin, Viva Street, etc. Ah. Et je vais les arnaquer, je vais leur dire que je fais partie de EA Sports. Yeah. Ouais. Et que t'es pas content parce qu'ils l'ont vendu avant qu'ils sortent. Ouais, exactement. Tu vas leur mettre quoi, 8 000 € d'amende? Au moins. Au plus. Au moins. Arrondi à 10 000. Ouais, allez, c'est pas mal, 10 000. Arrondi à 10 000, allez. Ah, vas-y, ouais. Arrondi. Ah, carriole, tu rajoutes 2 000 euros. Attends, c'est rien, quoi. Donc, on appelle tout de suite sur Skyrock des mecs qui vendent FIFA. Ouais. Ah ouais, t'as pas le droit. Pas le droit avant le 29, sortie officielle. Chez Elias. J'espère qu'ils vont pas nous emmerder parce que ça fait un mois qu'on le file pratiquement. Hein. Ah, pas de ta fait, c'est 3 semaines qu'on le file FIFA 17 déjà. Allô? Allô? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Lapin, c'est l'appareil. Je suis le service juridique. Ah, oula. Je crois que Monsieur Lapin, c'est connu. Je t'ai dit de prendre un nouveau pseudo. Ouais, mais bon, un nouveau pseudo. Monsieur Rapia, monsieur. Oui, monsieur Rapia. Je sais pas, monsieur Radin. Ouais, c'est pourri, monsieur Radin, ça fait. Ouais, et puis c'est grillé d'avance, tu vois. C'est trop, ouais. Ryan. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Lapin de Electronic Arts Publishing. Oui. Oui, je vous appelle. Putain, merde, mais c'est pas crédible. Je vous appelais concernant le FIFA 17. Le FIFA 17? Oui, que vous vendez. Non, c'est un FIFA. C'est pareil. Ah ben, vous n'avez pas le droit non plus, monsieur. Vous savez que c'est interdit de vendre d'occasion nos jeux. Sur moi, je suis Electronic Arts Publishing. Et je vais être obligé de vous coller une amende de 10 000 euros, monsieur. Ah bon? Ah bah oui. Ou alors, je vais récupérer le jeu. C'est au choix. Le jeu et la console qui va avec, du coup. Est-ce que d'accord, je peux passer vous voir? Est-ce que je peux passer vous voir dans la matinée? D'accord, vous pouvez venir récupérer. Bah très bien, je viens récupérer la console et le jeu. D'accord. Et, pas de soucis. J'annulerai toutes les procédures judiciaires contre vous. D'accord. Venez volontiers, j'ouvre à la porte. Je viens à 8h30. D'accord. Bah je vous attends. Eh bien attendez-moi, merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Pas mal les menaces pour récupérer une console gratuite. Attends, c'est déjà pas mal, hein. Mais c'est bien. Attends, une PS4. On va vous en filer une. Ah non, on l'a déjà filé, dommage. Ouais, elle est déjà tombée la PS4 ce matin. Bah sinon, je la donne pour demain. On vous filerait une PS4, mais d'occasion. 6h20 demain pour gagner votre PS4 alors. D'occasion. Mais d'occasion. Exceptionnel, la PS4 gagnée dans les conseils pas chers. C'est pas mal. Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, bonjour, je suis l'avocat de Electronic Arts Publishing, l'éditeur du jeu vidéo FIFA. Oui. Oui, et j'ai constaté que vous vendiez FIFA sur Internet. Oui. Vous savez que c'est interdit, monsieur. Arrêtez de faire une blague, s'il vous plaît. Ah non, mais là, je vais débarquer chez vous, il va falloir me donner 10 000 euros, je saisis le matériel. je viens chercher le matériel, du coup. J'en veux bien 20 000. 20 000. 20 000. Ah, 20 000. Ah, bah, j'arrive tout de suite. Dans 5 minutes, je suis là. Je me glisse dans ton lit et tu me les glisseras dans l'arrêt des fesses. Ah. Bah, 20 000 euros, il peut tout de suite te faire la totale. Ah, moi, je suis une vraie tirelire humaine. J'arrive tout de suite. Ne bouge pas, chérie. Tu le reconnaîtras, il marche à quatre pattes, le cul en l'air. Ouais, t'inquiète pas. C'est pour se faire remplir. La fente est bien ouverte. Ah, eh bien, à tout de suite. À tout de suite. Bisous, à tout de suite. Ah bah ciao. Bip, bip. Ciao. 100% ciao. 100% de réussite ce matin. Bravo, voilà. Bon, les 20, je vous donne la console, les 20 000, je les garde. Pas. C'est gentil, Romano. Ta générosité, elle te perdra un jour. Ouais, je sais bien, mais c'est bon. Vrai, hein. On va retrouver le loser du jour aujourd'hui. Le gars qui a pas de chance aujourd'hui à découvrir sur Skyrock. C'est dans un instant. On a l'horoscope de l'amour qui est encore plus près de nous puisque c'est dans une minute qu'on découvre l'horoscope de l'amour sur Skyrock. Oui. Et Soprano juste derrière pour En Feu. C'est sur Sky à 7h45. MHD, la sensation afro-trap MHD vous fait découvrir son nouveau single Akelenta, extrait de son premier album. L'album de MHD, toujours disponible. Leclerc. En ce moment chez Leclerc, avec les super pouvoirs d'achat, 2 packs de 8 à l'acheter, 2 packs offerts. Ah carrément, 2 packs de Vittel achetés, 2 packs offerts. Ah bah dis donc, c'est un super plan. Tu m'étonnes. En ce moment, le meilleur de toutes les promos Leclerc est chez Leclerc. Du 27 septembre au 1er octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Pour 2 packs de 9 litres d'eau minérale naturelle Vittel achetés, 2 packs sont offerts. Vend modalité dans les magasins participants. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Allez, 7h46, l'horoscope de ce mardi 27 septembre, c'est pour nous. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et vos puissances amoureuses pour l'horoscope de l'amour, calculées entre 0 et 5, 5 sur 5, les meilleurs du jour sont les taureaux et les scorpions. Eh bien, taureaux et scorpions, en couple, eh bien, vous plairez tellement que vous risquez de faire des jaloux, et notamment votre partenaire, attention. Et si vous êtes solo, c'est le meilleur jour de la semaine pour faire preuve d'audace et vous jeter dans la gueule du loup de la louve. Mmh. Scorpions et taureaux, 5 sur 5, c'est bien. 4 sur 5, c'est bien aussi pour les lions et les vierges. C'est votre intelligence et votre charme qui ne passeront pas inaperçus aujourd'hui. Bon système pour séduire. Les lions, les vierges, 4. Les capricornes et les verseaux, c'est bien aussi, on a 3. Bon, on aura envie de rigoler aujourd'hui. On est de bonne humeur et ça sera contagieux, ça plaira aux autres en plus. 2 sur 5, les sagittaires et les poissons, vous aurez envie de dépenser aujourd'hui. Faites-vous plaisir, mais faites-vous plaisir qu'à vous. Sinon, risquez de tomber sur des profiteurs, rappelez-vous que l'amour ne s'achète pas. 1 sur 5, les gémeaux et les balances. Bon, quelques petites sautes d'humeur aujourd'hui, essayez de gérer vos émotions pour ne pas faire mal à quelqu'un que vous, qui vous aime ou qui vous apprécie. Et 0, bah il en faut un, il en faut 2 même. Les béliers, les cancers, 0 sur 5, vous aurez l'impression de donner beaucoup plus que ce que vous recevez aujourd'hui. Gardez confiance, la roue va tourner, les béliers, les cancers. Allez, dans un instant, le loser du jour. Qui c'est le loser du jour ? Ah ben, on va le découvrir. Eh ben, on le découvre juste après, En Feu, le son de Sopra, une découverte Sky. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Diffoul sur Skyrock. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. J'suis en feu. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'suis en feu. J'ai sorti le gros gamin, ce soir j'suis prince de la vie. J'suis en feu. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. J'suis en feu. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. J'suis en feu. Le soir le salut, même Michael Jackson me dit merci. J'suis en feu. Le DJ me fait passer, boum, dans la nuque. J'suis en feu. Sors de la piste, de vie, le grand écart de Vanda. J'suis en feu. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, fais un peu. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me touches, fais un peu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Oh, je suis en feu. Je suis chaud, je suis chaud. Je suis chaud, je suis en feu. L'équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. J'suis en feu. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. J'suis en feu. Je sors de 2 heures de sport, ramène-moi des tirineurs. J'suis en feu. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. J'suis en feu. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. J'suis en feu. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. J'suis en feu. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. J'suis en feu. Comme les 3 petits à 6 heures du mat sur mon lit. J'suis en feu. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, fais un peu. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me touches, fais un peu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Oh, je suis en feu. Ça sent le brûlé, ça sent. tu me parles, rien peu, si tu me touches, rien peu. Car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Je suis en feu. Je suis en feu, c'était Soprano sur Skyrock. 7h52, c'est l'heure d'en retrouver maintenant notre loser du jour. Le loser, c'est le gars qui a pas de chance aujourd'hui. Alors d'après vous, on a pris qui comme loser du jour? Facile. Ah ouais, bah je sais pas, Trump. Trump. Ah, il a pas perdu, hein. Tu sais qu'il sera peut-être président, Romano, hein. Ouais, mais j'ai été jaloux de lui parce qu'il a plein de cheveux, tout ça. T'aimerais bien avoir sa crinière, hein. Bah, c'est, bah, je suis en train de me renseigner d'ailleurs pour me faire mettre les mêmes. Eh bien, tu devrais te faire la même coupe, oui. Notre loser du jour, bah, on le découvre tout de suite sur Skyrock. C'est parti. Le loser du jour. Le loser du jour. Et notre loser du jour, allez, un petit indice. C'est une fiotte. Ah, mais c'est Sergio. Mais non, mais c'est pas une fiotte, Serge. C'est toi. C'est Serge. Eh oui, Serge Henrier. Oui. Bah oui, il a pas de chance. Condamné à 2 mois de prison ferme pour une altercation avec la police. Il a fait appel. Bon, on lui souhaite bonne chance pour la suite. Bonne chance pour le match de demain soir, parce que demain soir, il va jouer avec le PSG. Oui, puisque la peine est suspensive, vu qu'il est présumé innocent. Exactement. Alors, ça fait. Un petit point juridique. Ça fait deux mois de prison ferme, plus 600 euros de dommages d'intérêt, plus 1500 euros de frais de justice. Ça fait cher. Ah ouais, quoi, ça va à son niveau. Ouais, mais pour lui, ça va, gros. C'est vrai. Avec les quelques millions qu'il prend par an, ça va, ouais. Alors, Serge Henrier, pour te consoler, Serge, si tu nous écoutes ce matin, on a parlé tout à l'heure. Lionel Messi a été condamné, alors, attends, lui, à 21 mois de prison, quand même. Ah c'est quand même autre chose, c'est pas 2 petits mois comme ça. Pfft. Ouais. C'est 21 mois pour fraude fiscale. Mais il devrait pas être inquiété car les peines de prison en Espagne, hein, on vous le rappelle, si vous avez 2 ans, bah vous faites pas la peine. Ouais, c'est aménagé, quoi. Donc Lionel Messi a été condamné. Tiens, on va faire un petit jeu. Condamné ou pas condamné? Tiens, on parle de Lionel Messi. Cristiano Ronaldo, CR7, condamné ou pas condamné par la justice? Non, moi je dirais que non, lui. Non. Condamné. Non, il est clean. Voilà, mais bravo Carriole. Pourquoi tu veux qu'il soit condamné, Carriole? T'es méchant. C'est une chance sur deux, hein. Oui, et bah c'est pas de chance. En fait, plus c'est à côté. Pas de bol. Ouais. Pas de chance. C'est Carriole, si on l'appelle le matin, elle va répondre. Quelle est ta radio préférée? TF1. Il fait de la bourre. Alors, Neymar, condamné, pas condamné. Condamné, ouais. Si, lui aussi, il n'a pas eu de la fraude fiscale. Si. Non, lui, risque donc condamnation à 2 ans de prison pour fraude fiscale aussi. Là, ils sont trop forts, ces footballeurs. Ouais. Il est soupçonné avec le FC Barcelone d'avoir caché le montant exact de son transfert. Bah, trop fort, pas tant que ça. Si c'était vraiment fort, tu ne te fais pas choper. C'est vrai, c'est vrai. Neymar, qu'est-ce que tu en penses, Serge Aurier? C'est une fiotte. Voilà, très bien. Griezmann, condamné, pas condamné? Non, pas condamné. Non, tout clean, Griezmann. Il a d'ailleurs déclaré qu'il voulait que Benzema revienne en équipe de France, Grizzy. Roland Courbis. Condamné, ouais. Ah bah oui, il a pas été plusieurs fois d'ailleurs. Si, il a fait prison pour les transferts de l'OM. Il a aussi porté le bracelet électronique. Très beau bracelet, gratuit, pas cher. Ouais. On vous file. Après, vous êtes obligé de le rendre, par contre. Un petit peu bling bling, mais bon, ça passe. C'est bling bling, mais ça a quand même une certaine classe. Donc, tu n'es pas le seul, Sergio. Bon courage pour la suite. Ouais. C'est Serge Aymar, notre loser du jour. Et oui, il a pas eu de chance. Hein. Ouais, Serge Aurier, ouais. Serge, j'ai dit quoi? Ouais, Serge Neymar. C'est Serge Aurier, là. Moi, je te fais des remixes de footballeurs. Ah ouais. Magnifique. Serge Neymar. Et si, je la retiens quand même. 7h54 sur Skyrock, de l'argent à gagner. Et oui, c'est pour vous, dans un instant, 1500 euros. Qui va gagner les 1500 euros? Bah, peut-être vous. Préparez-vous, restez près de vos téléphones. Dites-le à toute la famille, parlez-en à tout le monde. 1500 euros, c'est toutes les demi-heures, tous les matins sur Skyrock. Profitez bien. Et envoyez 1500 au 720. Ouais, et dans, allez, 10 minutes, un quart d'heure même. À 7h, à 8h10, pardon, puisqu'il est 7h54. Il est de retour. Mathieu Delormeau. Mathieu Delormeau. Ce star. Oui, ne touche pas à mon poste. Vous le connaissez? Mais ben oui. Ah ouais, ou alors vous le connaissez pas, parce qu'il y a plein de gens, ils le connaissent pas. Nous, on va le retrouver. Mathieu Delormeau arrive avec sa Delormodène. C'est le réveil de star de ce matin. C'est lui qui va appeler les familles de France. Kikou les boys and girls. Kikou les boys and girls. Hey, kikou les boys and girls. Allez, 7h55, les infos aussi. Puis vos 1500 euros, comme promis, c'est tout de suite. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, là c'est pas bon. Ah pour Lidl? Mais non patron, pour nous, ils lancent une gamme de produits bio. Des œufs, des yaourts, du lait, la totale quoi. Bah mais du coup, les prix sont aussi bio. Ah bah non, hein, ça vaut vraiment le coup. Dès demain par exemple, l'huile d'olive vierge extra et bio est à 3,59€ les 50 centilitres. C'est les salades. Ah bah non patron, l'huile d'olive bio vierge extra à 3,59€, eh bah c'est le vrai prix. Oh, on est mal.

6h-9h, c'est le morning de Diffoul sur Skyrock. Ah ouais, non, on est là depuis 6h, bienvenue à vous si vous venez de vous brancher sur Skyrock. Bienvenue à nos stars du morning, Serge Aurier, Donald Trump, Hillary Clinton, il y a du lourd ce matin. Ah ouais, ouais. Nos footballeurs aussi. Kikou les boys and girls. Oh merde, je l'avais oublié lui. Mathieu Delormeau aussi. Hey, aussi ouais. Salut les gars. Ouais, salut, salut Mathieu. Ça fait juste 10 fois que tu viens de dire bonjour. C'est Mathieu Delormeau qui ce matin réveille les familles. Les familles de France sont réveillées par Mathieu Delormeau. Mathieu Delormeau. Oui, je sais, mais j'ai déjà dit. Voilà. Ouais, l'immense star, oui. Oui. Kikou les boys and girls. Oui, Kikou. Oh là là, Kikou, Kikou. T'as vu, il y a Romano, il est là. T'es gentil, la connasse au bout. Oh. Attends, tu vas te détendre tout de suite. Il t'a traité Mathieu Delormeau, là. Bon, Mathieu Delormeau, ne touche pas à mon poste, le pote de Cyril Hanouna, l'homme de la Delormeau Dance. L'homme aux nouilles dans le slip. Ah, l'homme, ah oui, l'homme aux nouilles dans le slip. Ça avait fait scandale. Oui, le CSA, c'était le CSA s'occupe de trucs exceptionnels. Non, mais quand attends, même, hein. Le mec. Mais il a mis des nouilles dans le slip, alors là, le CSA, ils n'avaient pas aimé. C'était crié au scandale. Ouais. Avec s'il a envie. S'il a envie de se mettre des nouilles dans le slip. Bah voilà. Vas-y, Mathieu, continue, continue. ne te gêne pas. J'ai deux passions. Oui, la Delormeau Dance et les nouilles dans le slip. Bah voilà. Allez, on a bien noté. Bon, on va y aller pour les infos là. Mon chéri, viens, on y va. Allez, on y va pour les infos, mon chéri. C'est parti, à 8h01, c'est Rémi pour les infos et la météo déjà pour démarrer. Ouais, un temps partagé aujourd'hui, hein. C'est principalement à l'ouest de la Bretagne, au Pays de la Loire, hein, qu'on aura de la grisaille ce matin, en passant aussi par la Normandie. Par contre, il fait beau si vous êtes à l'est, principalement autour de la Méditerranée. Quelques averses possibles attendues cet après-midi sur les Vosges, le Jura, les Alpes et la Corse. Les températures de 12 à 16 degrés dans le nord-ouest ce matin, entre 14 et 19 sur le pourtour méditerranéen. Au meilleur de la journée, il fera entre 20 et 28. Et puis la pollution, c'est plutôt bien. Les indices compris entre 2 et 4, ça monte à 5 sur Marseille, Nice-Bastia. Et voilà, merci Rémi pour la météo. Ouh là là, il est beau. Il est beau. Mets des lunettes, Mathieu. C'est Rémi pour la suite. On fait l'actu et le sport avant de vous offrir 1 500 €. Une hausse importante à laquelle le gouvernement ne s'attendait pas du tout. Douche froide hier soir à l'annonce des chiffres du chômage. Plus 1,4% en août, soit plus de 50 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. C'est tout simplement la troisième plus importante augmentation du quinquennat de François Hollande. La tant voulue inversion de la courbe s'éloigne donc en cette fin de mandat. Le gouvernement reconnaît que le chiffre n'est vraiment pas bon. Conséquence, selon le ministère du Travail, des attentats qui ont créé un trou d'air dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et des loisirs. Les salariés d'Alstom Belfort à Saint-Ouen, aujourd'hui en région parisienne, entre 1000 et 1500 personnes sont attendues devant le siège du groupe. Un TGV a été spécialement affrété pour l'occasion. Les employés ont rencontré la direction hier, mais qui n'a donné aucune réponse concernant leur avenir. Le groupe a annoncé, vous le savez, il y a 3 semaines, l'arrêt de sa production, faute de commandes. Des discussions sont toujours en cours avec le gouvernement. 400 postes sont en jeu. Deux ex-grands flics en garde à vue. Bernard Squarcini, entendu par ses anciens collègues depuis hier. L'ancien boss du renseignement intérieur est un proche de Nicolas Sarkozy. Même scénario pour Christian Flech, l'ex-patron de la PJ parisienne, et pour Michel Godin, ancien préfet de police de Paris. Tout ce petit monde serait impliqué dans un trafic d'influence lié notamment à une affaire d'écoute téléphonique. Les images ont fait le tour du monde. Rappelez-vous du DRH d'Air France dont la chemise avait été déchirée et arrachée en marge d'un comité d'entreprise en octobre 2015, eh bien 15 personnes sont jugées à partir d'aujourd'hui à Bobigny. L'intersyndicale d'Air France appelle à une grève pour se montrer solidaire des prévenus. Avantage Clinton à l'issue du premier débat de la présidentielle américaine. Les observateurs sont formels. La candidate démocrate a marqué les esprits et s'est clairement positionnée en présidente. Et Clinton et Trump se sont rendus coup pour coup pendant 1h30 cette nuit. Le républicain a bien tenté de rejeter la faute à sa rivale concernant Daesh, mais sans réellement y parvenir. De l'autre côté, l'ex-secrétaire d'État a dit qu'il n'était pas en phase avec la réalité et qu'un homme qui peut être provoqué sur un tweet ne devrait pas s'approcher des codes nucléaires. Des petites phrases qui marquent, même si on peut attendre une réponse de Trump dans les deux prochains débats. Le chef de la guérilla des FARC qui demande pardon aux victimes, jour historique en Colombie. L'accord de paix a été signé après un conflit qui a duré 50 ans. L'Union européenne va suspendre les FARC de sa liste des organisations terroristes. Le foot maintenant, c'est la Champions League. Deuxième journée, Monaco reçoit le Bayer Leverkusen. Les Monégasques n'ont jamais perdu en 4 rencontres contre la formation allemande. Lyon se déplace à Séville. L'ancien club tient Unai Emery et triple vainqueur de la Ligue Europa. Ce sera sans la casette encore à l'infirmerie. Une grosse soirée foot à vivre sur Skyrock avec toute l'équipe de la Radio Libre dès 21h. Demain, c'est Paris qui se déplace sur la pelouse de Ludogorets. Serge Aurier sera de la partie malgré sa condamnation d'hier. Je vous rappelle, 2 mois de prison ferme. Il a fait appel alors que Ben Arfa, blessé au tibia, lui restera à la maison. Eh bien, merci Rémi pour les infos. Il est 8h05. C'est l'heure d'en trouver les 1 500 € tout de suite. De l'argent à gagner. C'est pour vous. 1-2-1-2, c'est le Black M en personne, toujours connecté dans le morning de Diffoul. What up, Jay-Z. C'est Ritza dans le morning de Diffoul. Bienvenue dans le morning de Diffoul. The morning show. 6h-9h sur Skyrock. Vous êtes les bienvenus, on est là, on est content de se réveiller avec vous. Hein. J'espère que ça va bien ce matin. Oui, ça va bien. 5. Bon courage si vous êtes déjà dans les bouchons ce matin. Pouvez-nous laisser des messages tout au long de la matinée. matinée, vous envoyez des photos aussi avec l'appli Skyrock. Message gratuit sur l'appli Skyrock. Le son de Skyrock gratuit. Les photos, vous les envoyez, c'est gratuit. Tout est gratuit. Ouais. Ouais. Voilà. Et en plus, on vous offre de l'argent maintenant. Tiens, on va parler d'arnaque tout à l'heure. À 8h40, on parlera arnaque avec toi, Romano, dans les conseils pas chers. On va vous tenir au courant. Si vous ne voulez pas vous faire arnaquer, restez bien à l'écoute. Attention, de Skyrock. Attention, une arnaque sévit dans toute la France. Tous les matins, tu nous préviens de tout. Mais c'est marrant parce que tu nous préviens des arnaques, mais tu les utilises après. Oui, mais c'est pour vous montrer. Ah, je croyais que c'était pour ton portefeuille. Aussi, oui. Très bien. Mmh. Bon, ben, le portefeuille, on s'en occupe tout de suite. Hein. Ouais, on va le remplir, là. 1500 euros à gagner, on y va. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. 1500 euros dans ta poche. Oh, putain, c'est trop bon. Maintenant, avec l'enveloppe que tu as entre les mains, Romano, qui va peut-être faire un heureux ce matin, ou une heureuse. Et nous allons dans le Cher. Ah, ah le Cher. Ah. À Bourges. Pourtant, t'étais plutôt pas cher, toi, non? Ouais, c'est plus pas cher, mais bon. C'est pas ça, t'es cher. À Bourges, dans à le Bourges. Cher. Chez les Berruriers. Ma radio préférée, c'est Skyrock. Sinon, vous êtes bien sur le portable de Mélien Garnier. Laissez-moi un c'est message. Mélien Garnier, je vous recommande oui, très dès que possible. Ah bah, il a bien fait. On va lui dire bravo. Bravo. Donc là, on est sur le répondeur. Essaye de le rappeler, peut-être, là. Vas-y. On est sur le répondeur de qui? Bah, Emilia Garnier, tu viens de gagner 1500 euros. Eh bah ouais, Emilia Garnier, 1500 euros, comme ça, en direct. Et on vous avait dit, c'est bien, vous suivez nos conseils. Ouais. On vous avait dit de le mettre sur le répondeur. Ah, et puis il est bien fait, le message et tout. Vous écoutez le morning tous les matins entre 6h et 9h, et vous mettez Skyrock sur le répondeur. Si on n'arrive pas à vous joindre, c'est bien, ouais. T'as rappelé? Ouais, messagerie directe. Messagerie directe. Bon, ouais. on va essayer de lui laisser un deuxième message. Allez, vas-y, rappelle. Rappelle là. Emilia, donc, qui gagne à Bourges ce matin les 1500 euros. Et ouais, un chèque qui tombe comme ça grâce à un message. Ma radio préférée, c'est Skyrock. Sinon, vous êtes bien sur le portable d'Emilien Garnier. Laissez-moi un message, je vous recontacterai dès que possible. Attention. Bravo! Bravo! Bravo Emilia. Bravo, 1500 euros. C'est Emilien. Emilien Garnier. Emilien garçon. Oui, ouais, c'est ça. Ah, bah, très bien. Logiquement, Emilien, oui. Non, mais excuse-moi, j'ai compris Emilia, Romano. Tu parles tellement bien. Emilien. Bah, attends, t'as entendu le message deux fois? Oui, j'ai entendu, mais j'ai compris au deuxième coup. Emilien. C'est moi, il faut expliquer deux fois. C'est Emilien Garnier. Bon, vous avez pigé pour gagner 1500 euros. Il faut répondre Skyrock ou sur le répondeur ou avec nous en direct. C'est tombé donc à Bourges. Chèque de 1500 euros pour Emilien. Bravo, Emilien. Eh, y en a qui nous demandent si on peut jouer quand on est mineur. Tout le monde peut jouer, hein. Vous pouvez être mineur, postier, tout le monde peut jouer. Ouais, ouais, on prend tout le monde. Bravo, Emilien. Allez, 1500 euros, on recommence dans une demi-heure. C'est toutes les demi-heures. Au moins jusqu'à la fin du mois de septembre, hein. 1500 euros à gagner sur Skyrock. C'est pour vous. Et dans un instant, il arrive. Oh là là là là. Oh là là. Mathieu Delormeau, ne touche pas à mon poste. C'est ce qui va être bien reçu. On va voir ça tout de suite. Le coup de fil aux familles dans le réveil de Star. Ce sera juste après le gros son de The Weeknd. Ah oui, The Weeknd, c'est super ça. Ouais. Une découverte Skyrock. Vous pouvez danser dessus, hein, si vous voulez. Hein. Starboy avec les Daft Punk sur ce morceau. Gros morceau. Le morning de Difool. Oui, qu'est-ce qu'il fait? 6h, 9h sur Skyrock. Ça va plus la tête, hein? In the worst mood, P1 cleaner than your church shoes, belly point two just to hurt you, all red lamb just to tease you, none of these toys on lease to, made your whole year in a week to, main bitch out of your league to, side bitch out of your league to, house so empty need a centerpiece, 20 racks a table come from ebony, cut that ivory into skinny pieces, then she clean up with her face, but all of my baby. Money need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get any lane. Switch out my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me, every day a nigga try to end me, pull off in that roadster SV, pockets overweight getting hefty, coming for the king, that's a far cry, I come alive in the fall time, the competition I don't really listen, I'm in the blue moon song, bump a new edition, house so empty need a centerpiece, 20 racks a table come from ebony, cut that ivory into skinny pieces, then she clean up with her face, but I love my baby. Money need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. cup, I kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star, boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star, boy. Let a nigga bracket, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I take any lane. I switch out my car if I kill any pain. Look what you done. Ce morceau, hein, il est fort ce morceau de The Weeknd sur Skyrock avec les Daft Punk. Morceau que vous avez découvert dans le morning la semaine dernière. Fallait se réveiller à 6h pour être les premiers à l'entendre. Et ben vous étiez peut-être là. Et maintenant ça passe toute la journée. Moi je suis fier parce que j'étais là pour l'entendre. La première diffusion de, The Weeknd. Weeknd avec Starboy, c'est le titre du morceau. Tiens, il y a Laura qui nous demandait quel était le titre du morceau. Super que vous passez. Ma Laura, ma chérie. C'était donc Starboy. Et bien voici une star, et c'est également un boy. Une boy star. Une boy star. Et oui, c'est Mathieu Delormeau. Kikou les boys and girls. Oui, kikou. Oh, kikou, alors. Kikou les boys and girls. Oh, lourdeau. C'est le réveil de star. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de star sur Skyrock. Tu l'aimes bien? Ouais, moi, il me fait rire, ouais. Monsieur, il est con. Mais c'est... Il est con, il se la raconte. Tu sais que moi aussi, oui. Ah bah moi, c'est un de mes préférés dans Touche pas à mon poste. Il est très J'aime modeste. J'aime bien aussi, comment elle s'appelle, Isabelle Morini-Bosque, la mamie, là. On n'a pas, pas fait de réveil de star avec elle encore. Ah ouais, non, mais elle est perchée, mais... Ouais, j'aime bien, moi, elle aussi. Hier, elle a passé la moitié de l'émission avec un doigt dans le nez. Pourquoi? Elle avait une crotte. Elle avait une croque-crotte, la mamie. Non, mais elle expliquait, je sais pas, elle était enrhumée, elle pouvait saigner du nez. Mmh. Et elle, parce qu'Anouna, à un moment donné, il me fait, qu'est-ce que vous faites avec le doigt dans le nez? Elle fait, est-ce que je vais saigner du nez? Voilà. Et voir demain, il y en a un qui va se mettre un doigt dans le cul pour faire encore plus fort. C'est ça, un peu, touche pas mon poste. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, Mathieu Delormeau, toujours très modeste. Ouais, je suis beau. Mais ouais, mais t'es trop beau. Et même intelligent, d'ailleurs. Grave. Beau, intelligent. Mathieu Delormeau, il devrait s'appeler, d'ailleurs. Hein. Delormeau. C'est ça, ouais. Ouais. Le réveil de star avec Mathieu Delormeau. Mathieu Delormeau, et c'est un célèbre Delormeau Dance. Oui, le réveil de star, il réveille qui ce coup-ci là, notre star? Franck. Il réveille, tu veux qu'il réveille Franck? Ouais. Allez, il réveille. Allez, bah on y va. C'est Francky. Chez Franck et la famille. Delormeau Dance. Ah, il va peut-être faire ça, Delormeau Dance. Hey, salut les gars. Salut. Oui, bonjour, ça va? Ah, beaucoup. T'es qui? Mais j'hallucine de ma vie. C'est quoi? C'est Mathieu Delormeau. Mathieu Delormeau? Ouais, je suis beau. Bah, carrément même. Je vous propose, ce soir, petit plateau télé à la maison. Ah, super. Voir un petit film cool, un peu, genre l'étudiant ou la boum. Ouais, c'est super ça. Avec Sophie Marceau. Ouais, bah, va te soulager dans les toilettes, ça te fera du bien, toi. J'aime bien les gens qui me résistent un petit peu. Allô? Kikou les boys and girls. Kikou. Kikou les boys and girls. Waouh. T'es gentille la connasse au bout. T'es mignonne. Quand on voudra ton avis sur la couleur de cheveux d'Evangélie ou pour parler de musculation, on t'appellera. Alors c'est quoi? Où t'as eu notre numéro? Qui tu es? C'est Mathieu Delormeau. D'accord. Et comment ça se fait que Mathieu Delormeau nous appelle, s'il te plaît? Aujourd'hui, je vous apprendrai à danser la Delormeau Dance. On accueille les danseurs. Super. Dance la Delormeau Dance. Bah dis donc, dis-moi. T'en as sous le cerveau. J'ai deux passions. La Canterbro et la Cronenbourg. Voilà, c'est ça. Quoi? La Canterbro et la Cronenbourg. J'ai deux passions. La Canterbro et la Cronenbourg. Mon chéri, viens, on y va. En v'là une idée qu'elle est bonne. Et ma main dans ta gueule, ça ferait... Ah. Ouais, une jolie barrette. Non, ça c'est mon pied dans ton nez, ça ferait une jolie barrette. Bon, bah je crois que ça y est les amis, hein. C'est parti de la grande famille. Ah, c'est mais sûr. Carrément, mais viens, tu sais quoi, toi, tout ce que tu veux, vas-y, la porte est ouverte. Les amis, quelqu'un peut m'ouvrir? Attends. Il y a quelqu'un qui sonne chez moi. Allez, ciao. Ah, oh, je vais me barrer. Allez, on y va. On y va, Mathieu. Elle connaissait, hein, non plus. Elle connaissait la chanson, elle connaissait tout. Hein. Ouais. Et elle habite chez lui, il a même frappé à la porte, vous avez entendu? Magnifique. Ah, n'ouvrez pas surtout, il y a Mathieu Delormeau, il frappe. Il veut danser. Voilà, va chez la femme de Franck. Franck, la femme de Franck, et le réveil de Star ce matin. Les stars réveillent la France. Les amis, quelqu'un peut m'ouvrir? C'est Mathieu Delormeau. C'est le réveil de Star sur Skyrock. Fermé à double tour, allez-y. Ah ouais, fermé. Allez, grand classique du rap maintenant. Oh, années 90 pour le son de Snoop Dogg. Hey. Snoop Dogg, qui, comme on dit à la télé, n'a pas pris une ride. Ah non. Comme son morceau What's My Name, c'est maintenant, juste avant l'invité mystère. Depths of the sea, back to the block. Snoop Doggy Dogg, funky as the doc. Went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me, but you bet not slip. Cause 9 Trez ain't the year's there for me to quiz out my grip. So I ain't holding nothing back. And once again, I got 5 on the 20 sack. It's like that, but as a matter of fact, cause I never hesitate to put a food on his back. Yeah, so peep out the manuscript. You see that it's a must we drop gangster. Hold up, what's my name? Yeah. It's the bound to the wild, creeping and crawling, Yiggy, yes, yowling, Snoop Doggy Dogg in the house with the pound like every day, and I'm right back up in you with Dr. Dre, and like I said, none of y'all can get with this, and none of y'all can get with that head I just dropped, cause you know it don't stop, Mr. 187 on the undercover cop, tick tock, now by the clock, just some nuts and a cop, rob you for your ears, then I kill you blood clocks, and I step through the fog, and I creep through the smog, cause I'm Snoop Doggy, Doggy, Doggy, oh. Hands way up in the air and wave them all around like you just don't care. Yeah, roll up the dank and pour the drink and watch your stack. Why? Cause doggy's on the gang. My bank goes on swole. I'm still on hit legit now. I'm on parole. Stroke with the dog pound right behind me and rolling with my. That's where you might find me. Flinging that G thing. She wants the G with the biggest sack. And who's that? He is I and I am him. Slim with the tilted brim. What's your name, fool? Yeah. son de Sky dès le réveil. Grand classique de Skyrock. On écoutait Snoop Doggy Dogg. C'est comme ça qu'il s'appelait Snoop à l'époque. Snoop Doggy Dogg et What's My Name sur Sky à 8h20. On va découvrir un invité mystère maintenant et on va parler d'argent. J'imagine que ça va faire plaisir passionnant à certaines personnes. Merci, au revoir. Romano est passionné. On va parler des plus gros salaires de Ligue 1. Ah. Où sont les plus gros salaires de Ligue 1 d'après vous? Au PSG. PSG. PSG. PSG. Oui, mais pas que. Lyon. Monaco. Lyon. Oui, aussi. Lyon, c'est tout. Voilà. Dans les 10 premiers salaires. Les plus gros en Ligue 1, il y a 8 PSG, 1 Lyon et un Monaco, un Monégasque. Ouais. On les découvre dans un instant, mais maintenant on va découvrir notre invité mystère. Donc vous avez à peu près compris, il s'agit d'un footballeur à découvrir. L'invité mystère. L'invité mystère, c'est le mec le mieux payé en Ligue 1, notre invité mystère. Voilà un petit indice que je peux vous donner. Dès que vous avez reconnu sa voix, vous nous envoyez vos messages au 41 759. Il est là, notre invité mystère. Allez. Un petit peu français. J'ai parlé un petit peu français. Donc, un indice, il n'est pas tout à fait français. Hein. On est content de le recevoir. Merci, Ed. Merci. Merci, hein. Mais de rien. Merci. Merci. Alors, vous l'avez reconnu? Ah, pas du tout. Ah, non. Et bien, dans ce cas-là, Romano, il faut chercher parmi les joueurs du PSG. Allez, moi, j'ai reconnu, moi. C'est un PSG man. Ben, on voit vite un message, Karim. C'est Zlatan. Bien tenté, Cariol, mais il n'est plus au PSG, malheureusement. Et c'est pas Zlatan. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez très vite, dès maintenant, au 41759 et sur l'appli Skyrock. Et on vous retrouve en direct avec, pour vous, ce matin, l'iPhone 7 à gagner. Comme tous les matins, on vous file votre iPhone sur Skyrock. Si vous trouvez le nom de l'invité mystère, c'est lui. Bonjour. Ah, je peux vous faire écouter parce qu'il a une particularité. Il chante. Ah ouais? Il chante bien. Il chante quoi? Il chante bien. Bah tiens, un indice pour sa nationalité, vous allez reconnaître. Il est du Brésil. Il est plutôt brésilien. Il n'y a qu'un brésilien qui peut nous chanter un truc comme ouais, ça. Ouais, puis il chante grave bien, dis donc. Allez, vos réponses très vite. L'invité mystère à découvrir et les plus gros salaires de Ligue 1, c'est sur Skyrock. Il est 8h22. Bah, pourquoi tu cries? Tu viens d'apprendre que maman venait ce week-end. Mais non, je suis énervé, là. Je viens de me raser avec un bic 3 lames. Ça rase super bien. Bah alors, pourquoi tu t'énerves? Eh bah, parce que j'ai payé le prix fort pour mes rasoirs pendant des années, alors que le bic 3 lames rase très bien, tout en douceur. Et pour pas cher! Les rasoirs Bic 3 là, mettre bien rasé? Oui! Se faire tondre? Non! En ce moment, retrouvez Bic 3 et Bic Flex 3 Confort en promotion dans votre magasin. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron? Ah là, encore un bon plan de Lidl, c'est ça? Des bons plans, oui. Dès demain, ils font les 3 barquettes de pensée à 5 euros. 3 pensées pour 5 euros? C'est ça ton bon plan? Oh mais non patron, 3 barquettes de 10 plans, 5 euros les 30 plans. Et coloris au choix, hein. On pourrait peut-être en prendre de la graine, non? Tu veux le fond de ma pensée? On s'est bien planté, ouais. Ah oui, patron, plus j'y pense, plus on est mal. Hein. Très mal même. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 1,99€ la barquette vendue seule. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. C-E-A. Elle offre des réductions jusqu'à moins 50% et de quoi plaire à 100%. Des jupes pour les mamans et des t-shirts pour les enfants. Des robes habillées, des jeans décontractés. Elle, c'est la semaine renversante chez C&A et c'est jusqu'à moins 50% jusqu'au 4 octobre. C&A. Valable sur une sélection d'articles stickés. Voir conditions en magasin et sur c-a.com. Tiens, encore une nouvelle fraîche de Carrefour Market. J'aimerais faire ma cave. Qu'est-ce que vous me conseillez en ce moment? Eh bien Michel, c'est la foire au vin chez Carrefour Market. Jusqu'au 2 octobre, on va découvrir les secrets des domaines. Et on va où en ce moment? Dans le Médoc. Par exemple, pour l'achat d'une bouteille de rouge Château Grand Médoc 2012, la deuxième est gratuite, soit 8,95€ les deux bouteilles. Décidément, avec vous, on fait le tour des domaines. Carrefour Market. Bouteille de 75 centilitres, magasin participant sur carrefourmarket.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Jiffy des idées de génie. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Étonnant, pour les 35 ans de Jiffy, Jiffy nous fait gagner 35 millions d'euros. Oui, oui, 35 millions d'euros à gagner. C'est simple, c'est gratuit, tu joues, tu gagnes et surtout, n'oubliez pas de me remercier. Jiffy des idées de génie. Jouez en téléchargeant l'appli Bravo Loto, 100% gratuite. Voir règlement sur jiffy.fr. Leclerc. En ce moment chez Leclerc avec les super pouvoirs d'achat, un paquet de farine de blé Hebly acheté, un paquet de farine de blé Hebly offert. Mais c'est de la super farine ça. Bah évidemment pour la cuisine, les gâteaux, Gourmand. Ah bah à ce prix-là, je veux. Du 27 septembre au 1er octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Pour l'achat d'un paquet de farine de blé Hebly, cœur de blé d'un kilo, le deuxième est offert. Voir conditions dans les magasins participants. C'est ça les super pouvoirs d'achat Leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Entretenir un violon, ça se fait chez un luthier. Entretenir une montre, ça se fait chez un horloger. Entretenir une BMW, ça se fait chez BMW. Jusqu'au 25 novembre, profitez de l'expertise du réseau après-vente BMW à prix préférentiel sur les pièces de freinage, la vidange et les balais d'essuie-glace. L'entretien de votre BMW mérite un expert BMW. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 25 novembre sur une sélection de modèles chez les réparateurs agréés BMW ou sur BMW.fr. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. C'est parti! C'est les 4 semaines les moins chères de France chez Intermarché. Tentez de gagner votre voyage de rêve d'une valeur de 10 000 euros à composer vous-même et des milliers d'autres cadeaux. Pour jouer, gagnez des jetons à chaque passage en caisse. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse deux fois la différence. Modalité complète, règlement et magasins participants sur intermarché.com jusqu'au 23 octobre. Il est 8h26 sur Skyrock. Allez, on va parler argent maintenant. Argent et football, les plus gros salaires de Ligue 1 à découvrir. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et qu'est-ce qu'on va écouter comme bon son ce matin? DJ Snake, Justin Bieber, on a Panda, Designer aussi à parler tout à l'heure. Ah. Vous avez un truc que vous avez envie d'entendre? Non, non, merci, la vie mystère, merci l'invité mystère. C'est sympa la musique brésilienne. C'est notre invité mystère footballeur qui chante. Il chante bien. Du Brasil. Du Brasil. Donc il est brésilien, il est à découvrir. Et je crois d'ailleurs qu'on a la bonne réponse qui arrive. Bonjour. Bonjour, il te dit bonjour, c'est mignon. C'est Audrey qui a trouvé. Bonjour Audrey. Bonjour à tous. Salut. Alors Audrey, plein de chiffres, 30 ans, dans le 13. Oui. Et avec un iPhone à plus de 700 balles à gagner tout de suite. Mmh. Ouais. Ah oui, oui. Alors il faut donner la réponse, tu as quelques secondes de gagner ton iPhone. Qui est notre invité mystère? C'est Thiago Silva. Thiago Silva, bravo, bien joué. C'est ça. Bien joué. C'est lui-même, Thiago Silva. Du Brasil. Et c'est bien, c'est une Marseillaise en plus qui a trouvé la bonne réponse. Eh ouais. Eh, eh oui. Thiago Silva. Thiago Silva, c'est toi. Oui, Thiago Silva. Oui, Thiago Silva. C'est Thiago Silva. Bravo, l'iPhone 7. Merci. Il est pour toi, Audrey. Bravo, bravo. Ah, vraiment, je vous adore. Merci. Eh ben, toi, t'as pas perdu ta matinée. Hein. Ça vaut le coup de se réveiller avec Sky, t'as vu? Ah, je suis super contente. Merci beaucoup. Et voilà, un gros chèque pour toi. Ah, je suis désolé, Audrey. Un gros chèque, un gros. Un gros téléphone. Non, pour les gros chèques, c'est les footballeurs qui s'en occupent. Eh il n'y a pas de Marseillais d'ailleurs dans les 10 premiers footballeurs les mieux payés en France. Eh non. Ah. Non, Thiago Silva. Moi, j'étais étonné de voir que c'était Thiago Silva le mieux payé. Combien il touche? 1 million 50 000 euros par mois. Parce que 1 million, ça suffisait pas. Il a demandé 50 000 en plus. Putain. Ouais, 18 millions par an, ça fait à peu près. Ah, ça me troue le cul, moi. Non, fois 12, non, ça fait moins. Ça fait combien? Non, ça fait 12 millions et quelques. Ah ouais? Et ouais, 12, pas 18? 12 millions 600 000. 12 mois dans une année. Voilà, ça fait 12 millions 600 000. Non, bah c'est déjà. Tiens, moi je les prends quand même. Hein. 12 600 000 par an. Donc Thiago Silva, 1 million par mois. C'est pas mal, hein, Audrey. Ah ouais, ouais, putain. Ah, c'est vraiment pas mal, ouais. Deuxième, c'est Angel. Angel Di Maria. C'est ça. Ouais, 900 000 euros par mois. Après, il y a Marco Verratti, le petit italien, qui a 800 000. Tous au PSG pour l'instant. Ça va, ouais. Atem Ben Arfa. Eh ben dis donc. Atem Ben Arfa est aussi à 800 000 euros. Ouais. Cavani, pareil. Ça rapporte d'être sur le banc. Pastore, 800 000 euros. Blaise Matuidi, 770 000 seulement. Il est 7e meilleur joueur. Enfin. Oui, quoi, seulement. Bon, je les prends quand même. Meilleur salaire des joueurs. Après, il y a Falcao. Ah, de l'AS Monaco. Monaco, ouais. Falcao. Lui, il a 600 000. Mota, Thiago. Thiago Mota, 9e avec 550 000 euros. Et le petit Mathieu Valbuena. Il y a plein de petits dans le classement Romano. C'est bizarre qu'il ne soit pas. Il y a Marco Verratti, il y a Mathieu Valbuena. Ouais, je veux bien dedans. Hein. Mathieu Valbuena de l'OL à 500 000 euros par mois. D'ailleurs, ça avait posé des problèmes à l'OL parce que quand il était arrivé, les autres n'étaient pas contents qu'il soit mieux payé que. Bah, mieux, moins payé que lui. Ouais, fait. Ça va, 500 000. La vie est belle. Oui. Ouais. Voilà pour les plus gros salaires. Bon, je préfère autant Thiago Silva, quoi. Bah oui, c'est le double. Putain, 1 million, quoi. Par mois? Ah ouais, non mais voilà, je suis en train de rêver là. Toi même par an, je les prends aussi. Ouais, ouais. Moi aussi, ouais. Bon, bravo Thiago Silva. Et puis bravo surtout à toi Audrey, hein. C'est toi qui as gagné. Ouais, merci beaucoup, ouais, je suis super contente. Allez, un iPhone 7 qu'on t'envoie dans le 13. Fait quel temps à Marseille ce matin, il fait beau? Ah, il fait super beau, ouais. Bah, on est encore en robe et tout là. Oh, qu'elle est belle avec sa robe. Moi aussi ce matin, je suis venu en robe parce qu'à Paris, il fait super beau également. Ouais. On est tous venus en robe là. C'est mignon. On est beaux gosses. Bisous Audrey, bonne journée à toi. Bisous. Salut. Salut. Marseille, on te passe Alonso Audrey maintenant. Binta. Okay. Binta. Alonso le Marseillais, c'est sur Skyrock, dans le morning. Binta dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne. Encore. Et quand elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné plus soif, tu veux la consommer, consommer son boulot, c'est de l'eau. Et t'as fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout. On a peur de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les ors sous son blabla. Elle provoque des balles, car elle est dans le cœur de tous mes stars. Comment c'est, y'a pas d'amour, lui veut la pendaison comme ça. Ça y est, elle est là, c'est forme animale, te donne la dalle. Toi comme un chasseur, tu voudrais la battre. Ma, ma, elle va te dépouiller, ça y est, elle est là. C'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les ans sous son blabla. Elle provoque des balles, car elle est dans le cœur de tous mes scars. Comment c'est, y'a pas d'amour, lui veut la pendaison comme ça. Binta sur Skyrock, on écoutait Alonso à 8h31, on va vous offrir encore 1500 euros. Il y a une demi-heure, c'est tombé chez Emilien. Ouais. Ah, Emilien, il a laissé, il est pas con, hein. Emilien de Bourges, qui a laissé Skyrock sur son répondeur. Ouais. Et ça, ça marche. Il a gagné 1500 euros. Il doit être au bahut, parce qu'il y a une, à mon avis, il avait une voix de collégien, lycéen, ouais, Emilien. Ouais. En tout cas, il va être content quand il va écouter son répondeur. Ah bah tu m'étonnes, ouais. Ah ouais. On lui laissait un ah beau ouais, message comme quoi il avait gagné 1500 euros. Ça fait plaisir. 1500 euros à gagner, c'est pour vous. C'est juste après les infos de Rémi. Et on va vous demander vos témoignages ce matin. On fera la compile du morning tous les matins aux alentours de 9h moins 10. Ouais. 9h moins 10, 9h, on vous fait la compile du jour. Et bien la compile du morning ce matin concerne les vengeances. Vengeance au taf ou au bahut. Mmh. On a compilé plusieurs vengeances. Est-ce que vous vous êtes déjà vengé contre un collègue de travail? J'ai entendu dire, Romano, que tu avais fait tomber un de tes collègues de travail qui était à moto en lui rentrant dedans avec ta voiture. Mais je suis content, ma voiture n'a rien. Très bien. Et Cédric, il a quoi? Bah lui, il a clavicule et quatre côtes. Il était avec nous hier soir dans la radio libre. Ah, je l'ai pas raté. Hein. Non, non, bah tu l'as pas raté. Il a pas tenu jusqu'au bout. Il est parti à 23h20. Ah ouais, j'avais HS, dit, il était le man. Chaos technique. Donc les nouvelles de Cédric, ça va. Il va se faire opérer demain. On vous tiendra au courant. Ouais. Il se fait mettre des plaques dans la clavicule. Ouais, c'est ça. Demain, il passe sur le billard. Demain, on va le retrouver. Donc demain, dans un état pas possible. Donc restez bien là. Il y aura la suite à suivre. Donc les vengeances au taf, au bahut. Vous avez un collègue que vous aimez pas trop. Vous vous êtes vengé. Vous lui avez fait des trucs, des petites saloperies comme ça. N'hésitez pas à nous laisser vos messages, c'est au 41759 et sur l'appli Skyrock pour tous vos messages. Et la compile arrive. On dénonce une arnaque dans 10 minutes. Une arnaque nationale. Une arnaque nationale qui peut concerner tout le monde, faites gaffe. Ah ouais, tout le monde en a un chez soi. On vous tient au courant, mais d'abord on fait le point sur l'actu avant de vous appeler pour les 1500 euros comme promis. L'actu qui démarre par la météo. Pour ouais. Aujourd'hui. Bah c'est pas mal la météo aujourd'hui. Bon, c'est vrai que c'est encore un petit peu gris quand même à l'ouest, de la Bretagne au Pays de la Loire, en passant par la Normandie, partout ailleurs, il fait relativement beau. Un petit peu d'averse aussi dans le nord-est, mais sinon ailleurs, eh bien, il fait beau, voilà. On a un ciel bien dégagé, particulièrement si vous êtes sur le pourtour méditerranéen. Quelques averses possibles tout de même attendues cet après-midi sur les Vosges, le Jura, les Alpes et la Corse. Les températures de 12 à 16 degrés dans le nord-ouest ce matin, entre 14 et 19. Partout ailleurs, au meilleur de la journée, il fera entre 20 et 28. Et puis la pollution. C'est plutôt bon, les indices compris entre 2 et 4, ça monte à 5 sur Marseille, Nice-Sébastien. Eh bien profitez bien, on fait le point sur l'actu tout de suite, l'actu et le sport sur Skyrock. François Hollande qui, comme promis, a répondu à la lettre de Rihanna. Le Parisien s'est procuré cette fameuse réponse. La chanteuse a interpellé le président pour défendre sa cause. Elle est engagée auprès de l'UNICEF pour offrir un avenir éducatif à tous les enfants et surtout ceux qui vivent dans les pays en guerre. François Hollande la remercie pour son engagement. Il estime que si nous ne faisons rien, nous verrons grandir sous nos yeux une génération sacrifiée. Le chef de l'État indique que la France a augmenté d'ailleurs de 100 millions d'euros sa contribution à l'ONU et à l'UNICEF. Le quartier de la Défense, en partie bouclé cette nuit, le centre d'affaires a été le théâtre d'une simulation grandeur nature d'attaque terroriste. Plus de 600 policiers et secouristes se sont mobilisés pour l'exercice. Des centaines de figurants ont joué de leur côté le rôle des victimes et des terroristes. Le dernier exercice en conditions réelles date de 2011. Il simulait une attaque chimique avec deux bombes. Le nouveau test de cette nuit doit permettre d'améliorer encore le dispositif de sécurité. Un jeune homme homme de 17 ans mis en examen et écroué hier soir dans l'Hérault. Il est accusé d'avoir assassiné son demi-frère âgé de 12 ans. L'individu lui a asséné un coup de couteau dans le cou avant d'abandonner son corps quasi nu dans la rue. Il n'aurait aucun remords et serait resté froid aux questions des enquêteurs. Une expertise psychiatrique est prévue prochainement. La maire de Calais est pleine d'espoir après la visite hier de François Hollande. Le président s'est montré rassurant. Il affirme que la jungle sera démantelée d'ici la fin de l'année. Le chef de l'État lui aurait également assuré que le dispositif policier sur le Calaisie restera en place. Plus de 2000 hommes sont mobilisés depuis plusieurs mois. Allez, on parle foot maintenant avec Serge Aurier qui a fait appel et la Champions League ce soir. Ouais, 2 mois de prison ferme, condamnation prononcée hier par le tribunal de Paris à l'encontre de Serge Aurier. Le défenseur ivoirien du Paris Saint-Germain était jugé pour violence commise sur un policier. C'est un contrôle qui aurait mal tourné en mai dernier après une soirée en boîte. Il n'a pas été incarcéré. Ses avocats ont fait appel. Il reste donc disponible pour le club de la capitale et d'ailleurs il a été appelé pour demain par Unai Emery. Demain donc en Ligue des Champions contre Ludogorets. Ce sera sans Hatem Ben Arfa. Son retour était pressenté mais il souffre d'une inflammation du tibia. La Ligue des Champions qui commence dès ce soir. Début de la 2e journée. Monaco reçoit le Bayer Leverkusen. Les Monégasques n'ont jamais perdu en 4 rencontres contre la formation allemande. Lyon se déplace à Séville. L'ancien club d'Unai Emery est triple vainqueur de la Ligue Europa. Ce sera sans Lacazette qui est encore à l'infirmerie. Rendez-vous dès 21h pour suivre tout ça avec la Radio Libre. Dans la Radio Libre et puis l'épilogue hier soir de la 9e journée de Ligue 2, Brest s'impose 2-1 contre Reims. Belle victoire des Bretons qui sont en tête du classement devant Amiens et les Rémois. Merci Rémi pour les infos. Il est 8h36 sur Skyrock. 1 500 €, c'est à gagner tout de suite. La nuit a été courte. La journée sera moins longue avec le Morning de Default sur Skyrock. Oui, au moins la journée démarre bien sur Sky avec du gros son à écouter. DJ Snake arrive. On n'écoutera pas la chanson de Thiago Silva qui était sympa, la chanson brésilienne. Non, mais ça va. C'est pas trop le style. Ici, non. Designer Panda, tiens, on l'écoutera avant 9h. Et Boulet Florida aussi. Et puis donc, la compilation des vengeances au taf ou au bahut. Vous êtes déjà vengé contre une collègue, contre un collègue. Toi, Cariole, tu t'es fait taper par une collègue quand tu vendais des fringues, non? Ouais. Elle t'aimait pas, hein? Bah, j'étais sa responsable et elle trouvait que je lui parlais mal et elle m'a balancé une gifle, ouais. Comme ça, pas mal. Dans sa gueule. C'est pas mal comme vengeance, ça. C'est pas mal, ouais. Mais une gifle comme ça, elle est arrivée, elle t'a fait. Bim! Je t'aime pas, toi, hein? Bam. Ouais, elle m'a fait voler les lunettes. Oh, la vilaine! Elle m'appelle en pleurs. Bah oui. Mais je me suis vengée, moi aussi. Qu'est-ce que t'as fait pour te venger? J'ai porté plainte. Ah, bah, tu te prends une bouffe dans la gueule, pourquoi pas. Mais la meuf s'était fait virer d'ailleurs. Vous vous êtes déjà... Voilà. Oui, en même temps, bon... Double vengeance. Vous vous êtes déjà vengé contre un collègue, vous avez fait une petite saloperie à quelqu'un que vous aimiez pas trop, au bahut, au boulot, vous nous laissez vos messages au 41-759 et puis on en reparle dans un quart d'heure sur Skyrock avec la compile des vengeances au taf et au bahut. Les conseils pas chers, tu dénonces une arnaque. Attention. L'arnaque nationale. Une arnaque qui peut tous nous concerner parce que c'est une arnaque qui concerne un objet on en a tous qu'on a chez nous, hein, tous. Ah bah oui, tous, ouais. Bon, tu nous dis tout dans un instant, Romano. Et a moi, priori, vous en êtes même servi cette nuit. J'ouvre. Ah, une femme. Non, mais c'est pas un objet. Ah pardon, excuse-moi Romano, je suis désolé les filles. Oh non mais ouais. Oh c'est fou ça. Non, c'est autre chose. C'est quoi? Bah vous allez voir. Pas nous dire. Bon, suspense. Moi j'ai les 1 500 € à vous offrir là tout de suite. C'est tombé il y a une demi-heure chez Emilien à Bourges. Ouais. Bah, ça va peut-être tomber chez vous maintenant. Mode d'emploi pour choper 1 500 €. Bonjour, c'est qui? Tu fous le t'appel? C'est pas possible. Tu réponds Skyrock. Tu gagnes. Ouais, vous écoutez le morning de 6h à 9h, vous gagnez 1 500 € tous les matins et l'enveloppe est ouverte. Et elle nous amène cette enveloppe dans l'Est de la France. Si vous écoutez Skyrock dans l'Est, vous allez peut-être gagner 1 500 € dans le Nord-Est même. Ouais. Plus précisément en Lorraine, plus précisément en Moselle et encore plus précisément à Metz. Chez les Gassem ce matin. Bilal Gassem qui a été tiré au sort. Si Bilal répond Skyrock, il repart avec ses 1 500 €. C'est comme ça que ça marche. C'est 5 sonneries. La radio qui vous rapporte 1 500 €. Allô, Bilal. Oui. C'est on est bien en Lorraine parce qu'en Lorraine, ouais. Vous dites oui. Oui. Comment que c'est, Bilal? Ça veut dire comment ça va? Ça va. Difoule. Ah, oh, c'est magnifique, ça. Je peux rien te dire, Bilal. Magnifique. Je vais juste te poser une question. Quelle est ta radio préférée, Bilal? Skyrock. Bilal, tu viens de gagner ce matin en direct sur Skyrock 1 500 €. Et si 1 500 € en direct sur Skyrock à 8h39. Allez, deuxième gagnant à la suite. Là, on n'arrête plus. Là, bravo, bien. Bravo. Bravo, Bilal. Putain, magnifique. Bah oui, magnifique. Ah, t'as assuré. C'est bien, Bilal. Ah là là. On est fiers de toi, hein, je te le dis. C'est quoi? Je fais une petite dédicace. Difoule, t'as la même voix qu'un manouche que je connais. Eh bien, salut le manouche alors. Il a une belle voix, ton manouche. Ah ouais. Il se reconnaîtra, il était commercial, il vendait il arnaquait les gens. D'accord. Très bien. J'en ai un aussi parmi mes amis qui arnaque les gens, tu sais, hein, Bilal. Ah ouais? Ah ouais, on va le retrouver dans un instant, il est là. C'est Romano. Je ne peux pas donner son nom parce qu'il a déjà, il risque d'avoir des problèmes avec la police. On a déjà Serge Henrier qui a des soucis. Faut faire attention. C'est une fiotte. Oui, bah, du calme, Serge. Bon, Bilal, 1500 euros qu'on va t'envoyer à la maison très très vite. Ah, bien joué. Tu fais quoi dans la vie, Bilal? Je suis vendeur de voitures. Tu vends des voitures. Très bien. Eh bien, tu vas vendre des voitures, j'imagine, ce matin, tu vas bosser, hein. On va essayer. Ouais, tu vas pouvoir dire aux collègues, tu vas pouvoir te la péter ce matin en disant que t'as gagné 1500 euros sur Skyrock. Ouais. Et putain, ça, c'est magnifique ça. Et faites comme Bilal, hein, répondez Skyrock. Dès qu'on vous appelle et qu'on vous parle radio au téléphone, c'est 1500 euros. Bien joué, gagné. Bravo, oui. Bilal, raccroche pas. On t'envoie le chèque. Oui. Tu vas faire quoi avec? T'as une idée déjà? Ouais, non, je sais pas. Je vais partir en vacances peut-être. Hein. C'est une bonne idée ça, ouais. Pas mal. Bon, en tout cas, ils sont à toi. T'en fais ce que tu veux. Tu bouges pas, Bilal. Alors, on vérifie tes coordonnées. On t'envoie le chèque très très vite à la maison. Merci. Salut Bilal. Ciao Bilal. Ciao. Et vous aussi, hein, pour gagner 1500 euros, c'est simple, vous répondez Skyrock. Si vous voulez augmenter vos chances de gagner, vous allez sur le 72020, vous envoyez 1500 au 72020, vous laissez votre numéro et on vous appellera peut-être un de ces prochains matins. On croise les doigts. Allez, les doigts sont croisés. On croise les doigts pour toi aussi, Romano. Après DJ Snake, on te retrouve pour les conseils pas chers. Le morning de Difool toute la semaine de 6h à 9h sur Skyrock. Ça va, nous, hein, tranquille. Hein. On est en bon état ce matin. Et DJ Snake aussi. Et Justin Bieber aussi. Ils sont tous les deux sur ce morceau, Let Me Love You. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days. Having to heartbreak away. Let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Bieber sur Skyrock avec DJ Snake pour Let Me Love You à 8h44. On va donc parler d'une arnaque maintenant. Attention, vous risquez d'être victime d'une arnaque. Il faut faire gaffe, ça peut arriver à n'importe qui. N'importe qui. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? C'est mon matelas. Ah, c'est ton matelas? L'arnaque au matelas. L'arnaque au matelas sévit dans toute la France. Ah bon? Ah bah dans toute la France. Dans toute la France. Ah mais c'est un truc de dingue. Ah oui, tu m'as donné des journaux. La Voix du Nord, une centaine de personnes âgées victimes de l'arnaque à la vente au matelas. Le Progrès, un vendeur de matelas anti-ondes interpellé pour escroquerie. Le Progrès de Lyon, un vendeur de matelas anti-ondes. Attention aux voleurs de matelas, ça c'est Nice ce matin. Ah ouais, dans toute la France. À la rubrique faits divers, multiplication de fausses multiplication des fausses infestations de matelas et des vrais arnaqueurs. Ah ça c'est à Toulouse. Ouais, c'est la mairie de Toulouse qui met en garde. Ah oui, c'est à Toulouse et c'était dans la Dépêche du Midi. Ah, alors attention, oui, moi c'est dans... Tir est touché. Dans toute la France, ça va sévir, les conseils pas chers. Allez, on y va. The Morning Show. Romano est prêt à n'importe quoi pour gagner de l'argent. C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Qu'est-ce que c'est donc que cette arnaque au matelas? Alors l'arnaque au matelas, c'est tout simple. Un escroc débarque chez vous. Oui. En vous faisant croire que le matelas, il est pourri, en gros. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Il est infesté, dangereux pour la santé. Bon, il y a même des arnaqueurs, carrément, ils rentrent chez les gens, ils foutent un coup de cutter dans le matelas pendant que les gens regardent pas, ils disent, regardez, il est tout pourri, votre matelas. Bah, regardez, il y a un con, il a foutu un coup de cutter. Bon, il y a des gens qui ont quand même payé 4000 euros, hein. Ah ouais. Pour un matelas. Bon, là, faut être con, quand même. Ah ouais. Bah oui, bah, c'est vrai que si t'as un mec chez toi qui t'arrive et qui te dit que ton matelas, il est pourri, comment il sait? Il a couché avec ta meuf? Des milliers de personnes sont déjà tombées dans le panneau. Et donc du coup, eh ben moi je vais faire la même chose ce matin, démonstration. Je vais dire quel matelas est pourri, je vais leur en vendre à nouveau. L'arnaque au matelas. Faites attention et on la teste en direct, évidemment, dans les conseils pas chers. Moi c'est Richard. Chez Richard, c'est les conseils. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Richard? Oui, c'est Richard, oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, monsieur Lapin, c'est l'appareil de la compagnie du lit. Allô? Oui. Oui, on m'a signalé que votre matelas, a priori, n'était plus aux normes mais infesté de bêtes. Ah mais nous on est des marcheurs, on répond pas au téléphone d'habitude. Ah bah ah, oui, bah, là, vous avez répondu, donc je vais venir chez vous directement. Ah mais pas de problème, je vous attends le 12. Ouais, très bien, avec le 12. J'ai le fusil qui est pris là, y a pas de problème. Parce que en fait le matelas, je vais peut-être le tester avec ta femme du coup, pour faire ouais, un petit test. Ah mais c'est super, putain oui. Et moi je regarderai, hein. Ah, si tu veux. Ouais. Ouais. Et derrière, bon le matelas, il faudra le changer, hein, je pense. Ouais, parce que après c'est pas terrible, il est pas assez costaud, ouais. Ouais, pas terrible. Je t'en vendrai un à 3000 euros. Allez, bon, mais pas de problème. Ciao. J'arrive. Allez. Hein. À tout de suite, mon amour. Ciao. À tout de suite. Il était sympa, ce Richard. Ouais, avec un 12, il m'attend. Ouais. Ça t'arrive avec un 12. Et voilà. Et hop là, et un matelas. Oh, vous avez vu? À deuxième. Les gens sait se berner, moi je vous dis. Pas être trop crédule, faut faire attention. Surtout quand vous avez Romano au téléphone. Claire. C'est vrai. Moi, c'est Hervé, là. Hervé, si tu veux. Alors, c'est parti, cher. Vas-y, pas de problème. Lui aussi, il a un problème de matelas. Ah ouais, il est dégueulasse. Dégueulasse, son matelas. Allô? Oui. Oui, bonjour, c'est la femme d'Hervé? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Lapin, de la compagnie du matelas, l'appareil. Oui. Oui, je vous appelais, on nous a signalé que votre matelas, a priori, était infesté de bêtes et pas très propre au niveau hygiénique. Ah oui, au moins? Oui. Ah, vous êtes au courant parce que c'est Hervé, il nous l'a dit. Vous confirmez que vous êtes sale? C'est une plaisanterie? Ah bah non madame, on nous a signalé, ce matin je vous appelais, il faut que je vienne faire l'inspection moi du matelas. Hein. Oui, bah écoutez, c'est bien, mais ça m'intéresse pas. Ah mais c'est obligatoire madame. Ah oui, bah sûrement c'est obligatoire, c'est reconnu par la loi, je sais. Ah bah j'ai eu le maire de la commune, vous savez que vous êtes connu au niveau des services de la mairie. Hein. Oui, bien sûr. Vous voulez que je vous passe monsieur le maire? Oui, c'est comment déjà son nom, monsieur? Oh, je me souviens plus, monsieur, je sais plus comment. Mais je vais vous le passer, il est avec moi. Voilà, c'est quelle radio? Monsieur le maire? Oui, bonjour, mes chers compatriotes. Monsieur le maire? Mes chers concitoyens. Nous avons la femme d'Hervé qui est a priori la dame incriminée avec son matelas sale. Ah, c'est celle qui a le matelas sale. Le matelas sale avec des bêtes. Hervé est venu me voir, madame, à la mairie. Il est venu. Ah bon, il est venu vous voir? Oui, je l'ai reçu avec l'écharpe, j'étais entièrement nu. D'accord. Parce que je fricotais avec la secrétaire, vous savez, pour qu'elle garde son travail, elle est obligée de faire 2-3 trucs avec moi. Bah, il faut bien ramasser le stylo, hein. Vive la France! Bon, madame, je viens avec monsieur le maire, oui. On teste le matelas, et si c'est pas bon, je vous en remets à nouveau. Ben voilà. Pour 2000 c'est pas euros. Mal comme ça. 2000 euros, c'est pas cher. Ça se donne. Plus l'inspection à 150, ça fait 2150. On arrondira à 2002. Oui, comme ça, c'est plus simple. Voilà. D'accord. Bon, bah, j'arrive dans 5-10 minutes avec monsieur le maire. D'accord, très bien. À tout de suite, hein. Je vous salue et votez pour moi. Oui, bah, votez pour monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Votez pour moi. À tout de suite, la femme d'Hervé. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Eh ben voilà. Ah, merci, oui. Monsieur le maire. De Réal, elle va pouvoir annoncer à toutes ses amies qu'elle a eu le maire au téléphone ce matin. Le maire sait que je suis sale. Et monsieur Lapince de la compagnie du lit. Oui, la compagnie du lit ou la compagnie du matelas, ça dépend. Compagnie du lit qui fait quoi? C'est 4000 euros là. Ouais, c'est ça, ouais, pas mal. Et voilà, l'arnaque au matelas, vous la connaissez maintenant. Faites attention. Allez, dans un instant, on va revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, la compile du morning qu'on va retrouver comme tous les matins. Aujourd'hui, c'est une compile qui concerne les vengeances au taf et au bahut où vous êtes déjà vengé contre des collègues. J'ai vu les messages que vous nous avez envoyés. Vous pouvez encore les envoyer. On en reparle dans 3 minutes, 4 minutes. Ouais. Le temps d'écouter Designer de Panda qui arrive tout de suite. Et le temps de faire l'horoscope de l'amour. Ça, c'est dans une petite minute, une toute petite minute. L'horoscope sur Sky. Et elle offre des réductions jusqu'à moins 50%. Et de quoi plaire à 100%. Des jupes pour les mamans et des t-shirts pour les enfants. Des robes habillées, des jeans décontractés. Elle, c'est la semaine renversante chez CEA. Et c'est jusqu'à moins 50% jusqu'au 4 octobre. CEA. Valable sur une sélection d'articles stickés. Voir conditions en magasin et sur CEA.com. Leclerc. Belle maman, c'est la foire au vin Leclerc. Regardez, un AOC Saint-Georges Saint-Émilion Château-Bertin Cuvée Prestige 2014 à 8,30€ la bouteille. Mais non. Et si, c'est l'un des 35 incroyables sélectionnés par un jury d'experts pour le meilleur sommelier du monde 2007. Des vins qui ont l'étoffe des plus grands, mais au meilleur prix. C'est parce que Leclerc sélectionne pour vous les meilleurs vins au meilleur prix qu'à partir du 27 septembre, la bouteille AOC Saint-Georges Saint-Émilion Château-Bertin Cuvée Prestige 2014 de 75 centilitres est à 8,30€. Voir modalité dans les magasins participants. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Parce que le créateur de la foire au vin, c'est Leclerc. Allez, bonne journée sur Skyrock. On salue Jmail qui nous écoute depuis son bahut avec toute sa classe, la 2i, la seconde i. On salue ta classe. On fait salut tout le monde. Bisous à Teresa qui nous a envoyé une très belle photo. Élevée à Skyrock depuis mes 13 ans, elle nous dit, elle est mignonne tout plein. Là, elle a 30 aujourd'hui. Bonjour Teresa. Bonjour. Et votre si maintenant, votre, voici maintenant. L'horoscope de l'amour. L'horoscope de l'amour. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Vous vous réveillez avec Sky le matin, eh bien vous avez droit à votre horoscope. Le seul horoscope de l'amour, il est là avec vos puissances amoureuses sur une échelle de 0 à 5. Les béliers, les cancers, vous avez 0 aujourd'hui. Aïe. Vous aurez l'impression de donner beaucoup plus que vous recevez, c'est désagréable. Mais gardez confiance, la roue va tourner. Ce que vous investissez aujourd'hui, vous le retrouverez plus tard. Ce que vous investissez en amour, bien sûr. Oui. Bien sûr. 1 sur 5, les gémeaux et les balances. Quelques petites sautes d'humeur aujourd'hui. Essayez de gérer vos émotions pour ne pas blesser quelqu'un que vous appréciez et qui vous apprécie aussi. 2 sur 5, les sagittaires et les poissons. Vous aurez envie de dépenser aujourd'hui. Faites-vous plaisir à vous, mais attention, rappelez-vous que l'amour ne s'achète pas, donc ça sert à rien de faire des cadeaux à plein de monde aujourd'hui. Sagittaire, poisson, 2. On passe au Capricorne et au Verseau. Magnifique, on a 3 aujourd'hui. Ouais. Bon, de super bonne humeur. Vous aurez envie de rigoler et ça plaira aux autres. C'est un bon moyen pour séduire. 4 sur 5, les lions et les vierges. C'est votre charme qui ne passera pas inaperçu aussi. Votre charme, votre intelligence, c'est vos points forts du jour, les lions et les vierges. Et 5 sur 5, les scorpions et les taureaux, c'est vous les meilleurs aujourd'hui. Eh bien, en couple, vous plairez tellement que les autres seront jaloux. Même votre partenaire sera jaloux. Eh ben, dis donc. Et en solo, bah, c'est le meilleur jour pour faire preuve d'audace. Éclatez-vous, profitez-en. Scorpion, taureau, c'est vous les meilleurs aujourd'hui. Allez, compile du jour, elle arrive, la compile du morning juste après. Panda et Designer qu'on écoute sur Skyrock. Brrra. Notre compile de vengeance au taf et au bahut. Et vos vengeances à vous aussi. Hein. Ouais. Ah, vous avez des collègues relous, n'hésitez pas, vengez-vous, laissez-nous vos messages, on arrive tout de suite. I got broads in Atlanta, just at the lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting no licks in the van. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacies, family, way and see, family. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Been on the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Then they pull up your bandit. Killers understand me. I got broads in Atlanta, twisted to lean in the family. Credit cards and the scammers, hitting the loose in the van. Legacy, family, way see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacy, family, way see, family. Package full, Danny, selling ball, candy. Man out the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Then they pull up your bandit. Hope the killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I got broads in Atlanta, twisted up leaning shoe, sipping fan. Credit cards in the scammers, wake up beside you, let it sign. Over to Lattice shoe, they be acting rats, I know we clapping shoe. I be pulling us up in the vanish shoe. I got plenty just up with Bugatti, but look how I try to shoot. Black is six, Phantom, why is he killing no comma? Pop a perk, I got signing gorilla, they come and kill you with bananas. For feelers, I feel it, pull up in the fan, no niggas, they come and kill you on the counter. But Broly is dancing bigger than the panic, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got people, pull up and they get it. I got niggas, just count for digits. Say you make you a lot of new money. No killers pull off in the inner baby. CTDD pull off in the killer baby. Call a filler, fill up on filler baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bonds when he spinning the Bobby, gon' trend it. Chop the dawn, doing business. In the brave, doing the fooling, I'm doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the banda. Legacies, Phantom, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, Phantom, way and see, Phantom. Pocket swole, Danny, selling ball, candy. Been on the macho like Randy, the chopper go out for Grammy. Then nigga pull up your bandit, hope you killers understand me. I got broads in Atlanta, twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the banda. Legacies, Phantom, why is he look like a panda? Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacies, Phantom, why is he panda? Packers full, Danny, selling ball, candy. Been out the macho like Randy, the chopper go out for Grammy. Then nigga pull up your banda, hope you killers understand me. Panda. Et ouais, le son US de Skyrock, c'était Designer et Panda, une découverte Sky, il y a 8h56, on va lancer la roulette, tiens, qui va tourner dans un instant. La roulette, c'est la roulette Deezer encore cette semaine. Ouais. Vous voulez tous les sons de Deezer, il y a des années de sons à écouter. En illimité. En illimité, c'est pour vous. Et on vous offre votre abonnement Deezer pendant un an. Donc, votre abonnement sans pub, c'est la totale. Il y a même Skyrock dessus, c'est pour ça qu'on vous offre Deezer d'ailleurs. C'est l'abonnement Deezer Premium Plus. Le Premium Plus, vous voulez le gagner, vous allez sur le 72020, vous envoyez roulette au 72020. Et vous serez peut-être tiré au sort, vous vous retrouverez en direct dans un instant avec nous sur Skyrock, c'est bien déjà. Et en plus, vous gagnerez votre abonnement Deezer. Bonne chance à vous. Vous êtes déjà vengé contre des collègues, on a eu le témoignage de Cariole tout à l'heure. Ouais. Qui s'est vengé contre des collègues? Vous êtes plein à nous avoir laissé de messages. Il y a Béa de Perros-Guirec dans le 22 qui nous dit: moi j'ai mis un chewing-gum dans la serrure du vestiaire de ma collègue au moment de partir, mort de rire. Très bien. Qu'est-ce qui te fait rire, Roman? Non, mais c'est le message que tu viens de lire, là. Il y en a pas mal. Un collègue, il a pissé dans le yop de son collègue du DAF pour se venger. Pas mal, le yop. C'est le yop pipi. Moi, je préfère à la vanille, personnellement. Ouais, moi, à la fraise, ouais. Moi, plus. Lionel, lui, un soir en déplacement après une soirée bien arrosée, son collègue lui a rasé les jambes. Mon collègue m'a rasé les jambes pour me venger. Je lui ai mis du laxatif dans son café. Eh ben voilà. Pas mal. Moi, j'ai fait tomber le téléphone d'une collègue en disant: oh, désolé, parce que c'était une grosse conne. Ouais, voilà. Ça, c'est Laetitia qui nous envoie un petit message. Les filles, vous vengez autant que nous, hein, je vois. Il y a autant de messages de filles que de garçons, hein. Moi, mon frère m'a étranglé au point de me laisser des cicatrices. Clément. Ah, mais ça, c'est pas au boulot. On peut pas accepter, Clément. Ouais, mais fais gaffe, ton frère, c'est un serial killer, quoi. Fais-toi étrangler par quelqu'un du travail. Ouais, c'est Jack l'éventreur, le frère, quoi. Ou du bahut, hein, c'est comme vous voulez, hein. Bon, les vengeances au taf et au bahut, c'est l'heure de la compile du morning. La compile du morning de Default sur Skyrock. Alors, en 3. Numéro 3, à Chartres. Ça s'est passé en Chartres, donc en France. Ouais. Un mec condamné pour s'être vengé contre un de ses collègues. C'est un ex-boucher. Il bossait à Intermarché. Il était condamné à 8 mois de prison avec sursis et 1500 euros d'amende. Vous savez pourquoi? Non. Un ancien boucher? Je sais pas, il a coupé le bras d'un mec? Non. Son employé, non? Non, il a servi un gâteau au cannabis à tous ses collègues. Oh, c'est gentil! Non. Ça part plutôt d'un bon sentiment. Bon, ouais. Sauf quand on sait qu'il l'a fait parce qu'il a eu une relation avec une collègue et qu'elle l'a jeté après. Donc, pour se venger, il s'est vengé contre tout le monde. Gâteau au cannabis, moi, tous étaient malades, ils sont tous retrouvés à l'hosto. Ah, merde, c'est con, merde. Ça s'est passé à Chartres. Numéro 2, bah là, on file aux États-Unis un petit peu plus loin. 4 lycéens, pas contents de s'être fait foutre à la porte de leur bahut, ont décidé de se venger contre le proviseur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais pas, ils l'ont kidnappé. Non, c'était sympa ça. C'est rien, moi. Non, mais c'est un truc dans le même style à peu près. Hein. Ah putain, moi j'allais dire ils l'ont mis sur des sites gays, tu sais, ou un truc comme ça avec son numéro. Tu sais que j'avais fait ça, mon ancien patron, moi. Ah, parce qu'en fait, il m'aimait pas, il voulait me virer. Et donc, à un moment, je me suis dit, tiens, je vais le mettre sur plein de sites. J'ai mis sur les sites travestis, sur plein de sites super. Il se met plein d'appels, il était heureux. Il était content comme tout. Bon, non, lui, les quatre lycéens lui ont mis tout simplement le feu à sa maison. Oh, sympa comme tout. Sympa comme tout. Bon, ils se sont retrouvés en prison après, donc il n'y a plus. Oui, bah là, en même temps, ils ont quand même cherché les emmerdes. Ouais. Ouais, c'est clair. Ils se font virer du bahut, on leur ouvre les portes de la prison, c'est pas mal. Bah ouais, c'est sympa. Numéro 1. Et numéro 1 nous amène en Belgique ce matin. Bonjour. À Charleroi. Bonjour, Charleroi. Et alors, ça s'est passé dans un commissariat, un policier a été accusé par un de ses collègues. Bah, le collègue a eu raison parce que pendant 2 ans, le collègue était malade. Il avait la chiasse en permanence. Je sais pas ce que j'ai la chiasse tous les jours. Il se demandait pourquoi. Et il avait la chiasse uniquement quand il allait travailler et pas pendant les vacances. Donc, il a fait une enquête. Ça a duré 2 ans. 2 ans de chiasse. Le mec est un peu loin à la détente, ouais. Ouais, 2 ans de chiasse pour découvrir que, l'autre lui mettait du laxatif dans son café tous les matins. Oh voilà. Le mec a mis 2 ans à s'en rendre compte. 2 ans. Et donc, ça mérite la première place de la compile des vengeances au boulot. Ouais. Bien joué. Ça se venge même dans les commissariats. Vous avez Évidemment, ça arrive en Belgique. Faites attention à vos collègues. Tiens, repas de fin d'année, du laxatif dans le vin. Résultat, 20 personnes aux chiottes, mortes de rire. C'est El Patron qui nous envoie le message. Eh ben, tu as fait comme le keuf belge, là, même chose. Bon, la compile du jour tous les matins, juste avant 9h sur Skyrock. Ouais. Vous y avez droit. Nous aussi, on en profite. Allez, la roulette qui tourne, c'est promis. Et puis, 7-20-20, vous auriez roulette. Hein. Et puis, le zap du morning pour savoir tout ce qui s'est passé ce matin. Il s'en est passé des choses depuis 6h. Oh, magnifique. Hein. C'est pas fini. Dernière ligne droite du morning en direct, bougez pas. C'est 9h. La seule émission qui fait rapper les artistes en direct tous les soirs sur Skyrock, c'est Planet Rap. Cette semaine, c'est la nouvelle voix féminine du rap game. Je sers de la good vibes à ta génération. Tila te dévoile son univers au micro de Planet Rap. Donne-moi la main, je passe par le micro, pousse-toi, man, tu ne seras pas déçu. 1, 2, 3, test pour le début. 1, 2, 3, 4 pour le déluge. Quand je veux mon flow, se décuce. C'est Planet Rap Tila. Tous les soirs, 20h-21h avec Fred sur Skyrock. Écoute, tu seras perché comme Walter White. Et en vidéo live sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, là c'est pas bon. Hein. Ah pour Lidl ? Ah non, pour nous, ils lancent une gamme de produits bio. Des œufs, de l'huile d'olive, du lait. Mais du coup, les prix c'est d'impôt. Ah bah non, ça vaut vraiment le coup. Hein. Dès demain par exemple, les yaourts bio saveur vanille sont à 99 centimes les 4 pots de 125 grammes. Moins d'un euro les 4. Ah oui, 99 centimes les 4 yaourts bio saveur vanille. Pas de pot, hein, c'est le vrai prix. Ah on est mal. Mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 1,98€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au mardi 4 octobre. Pour votre santé, bougez plus. Depuis quelques mois, ma consommation augmentait. Pourtant, je roule normalement. Vérifiez votre filtre à air. S'il est encrassé, ça peut expliquer votre consommation. C'est compliqué à changer, ça, non? Il est très simple de le changer soi-même. Oscaro.com vous donne accès à toutes les références de filtre à air jusqu'à 2 fois moins cher. Je me lance. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Jiffy des idées de génie. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Étonnant, pour les 35 ans de Jiffy, Jiffy nous fait gagner 35 millions d'euros. Oui, oui, 35 millions d'euros à gagner. C'est simple, c'est gratuit, tu joues, tu gagnes et surtout, n'oubliez pas de me remercier. Jiffy des idées de génie. Jouez en téléchargeant l'appli Bravo Loto, 100% gratuite. Voir règlement sur jiffy.fr. Carrefour. Franck, si tu passais à la foire au vin Carrefour pour découvrir la sélection de Paolo Basso, ça commence demain. Attends, Paolo Basso, le meilleur sommelier du monde 2013? Oui, et par exemple, pour une bouteille de vin Château Grayssac 2014 achetée, la deuxième est gratuite. Ah bah ça, c'est parfait pour ma cave. Dès demain, c'est la foire au vin dans vos hypermarchés Carrefour. Par exemple, pour une bouteille de vin Château Grayssac 2014 achetée à 13,90€, la deuxième est gratuite, soit 6,95€ la bouteille. Château Grayssac 2014, Médoc Cru Bourgeois, 250 000 bouteilles disponibles. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. The morning show. Green light. Everybody take a shot. Red light. Mr. 305. Flow Rider and Lunch Money. 3 Miami boys. You know what time it is. Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. And you know what that means, that we can do anything, anything that you dream. I wanna make it ooh, ah, tell you scream and I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is mommy for you to give me the green light, so I can run through it like an easy pass. Find a G-spot and step on the gas. Woo! Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. She ready, then I'm ready. Pull up on her with the Chevy. Real talk when the light turn green. Give me what I ask for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. I bring the Venus. Flow a genius. Smoking Venus. You never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out. Slide out. Rally strike, send me 500. Bye-bye. Wild out. Shout out. Be high, in the honeycomb. Hide out. I'm ready to go. Let's have a good time. Right now, right now. What you waiting for? You only got one life. Right. And we gon' live it up. So give me the green light. Let's go. Cause I'm ready to go. Give me the green light. Cause I'm ready. À 9h, c'est le morning de default sur Skyrock. Et ouais, le morning en direct avec deux gagnants des 1500 euros ce matin. C'est bien, c'est tombé à 8h et 8h30. Hein. Ouais. Ah, c'était l'élève tard ce matin qui gagnait. Bilal a gagné à Metz il y a une demi-heure. Emilia a gagné à Bourges. Ah ouais, Emilia, lui, c'est bien parce qu'il nous a laissé un beau Skyrock sur le répondeur. Ouais. Il devait être au bahut, Emilia, quand on l'a appelé à 8h. Le téléphone était débranché parce que c'est un garçon sérieux. Ouais. On pourra l'appeler ce soir pour lui annoncer. Bon, t'es sûr, il sera au courant, on lui a laissé le message. Mais... Ah oui, prenez le numéro pour ce soir, là. On va l'appeler ce soir, là. Emilia qui a gagné à 8h avec un message sur le répondeur. Il a laissé ma radio préférée, c'est Skyrock. C'est parfait. Ouais. Et Bilal, lui, on l'a carrément eu au téléphone. Super Bilal, bravo à vous. Bon, 1500 euros, c'est tombé. Les iPhones, c'est tombé aussi. On vous a offert vos consoles aussi, la PS4. Et attention, c'est pas fini. Maxime de Port-de-Bouc avec nous. Salut, Maxime. Oui, alors. C'est marrant, dans ta ville, il y a deux animaux, un porc et un bouc. Salut, Port-de-Bouc. Salut, Maxime. Vous savez où c'est, Port-de-Bouc? Ouais. Dans le Var, ouais. Pardon? C'est non, pas c'est dans le sud. C'est à côté de Marseille, non? C'est à côté, c'est vers Aix, Marseille. Oui, c'est plus dans les Bouches-du-Rhône, Karim. T'étais pas loin. Ouais, ça va, au moins t'étais dans le secteur. Non, parce que je lui ai demandé en antenne, il m'a dit Saint-Laurent-du-Var. C'est pas dans le Var, ça, non? C'est dans le sud, à côté de Marseille. Ouais, voilà, c'est dans le sud. Prends-toi pas la tête. Bon, t'as 16 ans, Maxime, tu fais quoi dans la vie? T'es au bahut, toi? Ben, moi, je suis au travail, là. Ah, tu bosses, tu fais quoi? Je suis flotteur plastique. Tu es flotteur plastique? Non, tuyauteur plastique. Ah, tuyauteur plastique, excuse-moi, ouais. Faut que je me rachète de nouvelles oreilles, moi, tiens. Je travaille avec mon père et mon frère, voilà. Et bah, salut la famille. Je suis en reprise familiale, voilà. Et ils te laissent écouter Skyrock au boulot, c'est bien? C'est ça, ouais, bon, en même temps que je travaille, quoi, j'écoute un petit peu et je vous écoute toute la journée, quoi. Eh bah, super, c'est bien. Maxime. Bah, c'est cool. Voilà, fais écouter Skyrock. Ça fait plaisir de vous avoir au téléphone. 24 heures sur 24, en tout cas, sauf quand vous dormez. Voilà, quoique. Allez, c'est parti, Maxime, on y va pour la roulette. Skyrock t'offre ton abonnement premium plus d'un an. Skyrock à 10h. Ouais, Skyrock débarque sur 10h et à l'occasion de ce grand débarquement, on vous offre votre 10h pendant un an. Ouais, l'abonnement premium plus. Et ouais, pas le premium, hein, le premium plus. C'est pour toi, Maxime, quand tu veux, tu dis stop. Stop. Stop. Bien. La roulette va s'arrêter. Et tu vas gagner, tu as gagné même. Ton abonnement à 10h, c'est gagné pour toi, Maxime, bravo. Hein. Merci. Ah bah de rien, tu pourras écouter plein de sons. Tu pourras même écouter Skyrock sur 10h, tu en profiteras en plus. Ça va, ok, merci. Bravo, merci beaucoup. Bravo Maxime, et pour tous celles et tous ceux qui se sont inscrits là depuis tout à l'heure, ça retourne dans la matinée. Restez il y en aura là. D'autres. Ouais, il y en aura d'autres. Avec Fred et même toute la journée avec toute l'équipe de Sky. Bisous Maxime, bosse bien. Salut, salut, bon courage. Ciao. Bon après-midi, bonne journée. Et pareil pour toi. Salut, ciao. Ciao. 9h08, il s'est passé plein de choses ce matin. On a parlé de l'affaire Aurier, évidemment. Hein. Bah oui, forcément. Serge Aurier. C'est une fiotte. Mais non. Oui, mais faut s'arrêter, Serge. Mais oui, Serge. Bon, on vous tiendra au courant de la suite de l'histoire. On a eu la visite de Donald Trump. Alors, on a remarqué que Donald Trump, il était bizarre lors du débat. Vous savez, il y a eu le grand débat avec Hillary Clinton. Ouais. Il arrêtait pas de faire ça. Je crois qu'il a pris de la cocaïne. C'est pour ça qu'il dit tant de conneries. Ouais. Il était là tout le temps. C'est OK? Good. C'est OK? Good. It's a defective agreement. Il en a fait des centaines de... ou alors il est très enrhumé, ou alors il s'est décapé le zèle. Ah, il va dire que c'est la clim. Ouais, c'est ça, c'est la clim. C'est ça. Ouais. C'est la clim. Il y a trop de clim. Bon, on a parlé de quoi? Des salaires des joueurs de foot aussi. Romano, tu as dénoncé des arnaques. Tu en as fait aussi quelques-unes. Oui, quelques-unes, oui. De très bons conseils pas chers. Bon, le résumé, c'est mieux en écoutant, hein. Voici le zap du morning, comme tous les matins sur Skyrock. Et le zap de ce mardi matin, c'est parti. Ça s'est passé ce matin. C'est le zap du morning sur Skyrock. Oui, bonjour, je suis l'avocat de Electronic Arts Publishing. L'éditeur du jeu vidéo FIFA. Oui. Oui, et j'ai constaté que vous vendiez FIFA sur Internet. Oui. Vous savez que c'est interdit, monsieur. Arrêtez de faire une blague, s'il vous plaît. Ah non, mais là, je vais débarquer chez vous, il va falloir me donner 10 000 euros, je saisis le matériel. J'en veux bien 20 000. 20 000. Je vous donne 20 000. Ah, 20 000, ah bah, j'arrive tout de suite, dans 5 minutes, je suis là. Je me glisse dans ton lit et tu me les glisseras dans l'arrêt des fesses. Ah. Mmh. 20 000 euros, il peut tout de suite te faire la totale. Ah, moi, je suis une vraie tirelire humaine. J'arrive tout de suite, ne bouge pas, chérie. Connard revient souvent. Eh ben, vous allez voir que Connard est une des insultes préférées des Français. J'ai déjà fait me faire péter la gueule. Donc maintenant, franchement, je l'avoue, c'est pas bien, mais j'insulte que les femmes et les vieux. Le réveil de la famille de Franck. Franck, il en a de la chance. Franck. Ah bah attends, l'immense star Mathieu Delormo l'appelle. Peut-être qu'il va lui faire faire la Delormo Dance dès le réveil. Salut les potos. Salut qui? C'est Mathieu Delormo. Eh ben alors, si vous appelez Mathieu, d'accord? Eh ben. Mon chéri, viens, on y va. Eh ben viens, je vais t'attendre au portail avec un calibre 12. Ah ouais. Ah ouais. Aujourd'hui, je vous apprendrai à danser la Delormo Dance. Ah, on accueille les danseurs. Bon, mais écoute, à ce moment, je peux pas. Allez. Allez. Allez, Christian. Allez, Christian, une Delormo. Christian. Ah non, putain, c'est pour nous. Il a loupé la Delormo Dance. Le problème, c'est que c'est nous qui la récupérons. Ah, ouais. Ma radio préférée, c'est Skyrock. Sinon, vous êtes bien sur le portable de Mylène Garnier. Laissez-moi un message. Je vous contacterai dès que possible. Bravo. Bravo. Tu as gagné 1500 euros, dis donc. Ouais, bravo, Emilia. Bravo. Oh, 10 foules. Ah, oh, ça, c'est magnifique, ça. Je peux rien te dire, Bilal. Magnifique. Je vais juste te poser une question. Quelle est ta radio préférée, Bilal? Skyrock. Bilal, tu viens de gagner ce matin en direct sur Skyrock 1500 euros. Ah, oh, putain, bravo. Et si. Oh, putain, magnifique. Et il a gagné, Bilal. Emilia aussi a gagné. Qu'est-ce que c'est, ça? Je crois que c'est pour accueillir Fred. Ah, c'est ça. Ah oui, c'est un de ses morceaux préférés. Il est très déçu, d'ailleurs, de la programmation de Skyrock, Fred, parce qu'il aimerait bien l'avoir en playlist. Ah, j'adore. Dance, dance. La Delormo Dance, Fred. Waouh. Ah, je lève la jambe. Hop là. Oh, magnifique. Invite-le dans Planète Rap. Bah ouais. Ouais, bah bien sûr. Non, non, plus, plusieurs fois, tu sais que plusieurs fois, il a déclaré j'aimerais bien découvrir l'univers du rap. Ouais. Eh ben, on va lire. T'imagines, il arrive dans Planète Rap ce soir et il te fait. Kikou les boys and girls. C'est pas mal hein, pour Planète Rap. Hein. Kikou les boys and girls. Allez, hop. Kikou. C'est l'heure de la Delormo Dance. C'est l'heure de la Delormo. À la place du freestyle, tu fais une Delormo Dance. Non, mais je vais vous le laisser quand même. Oh, alors, bah, c'est pour toi, frère. Allez, non, mais moi, je sens bien un featuring avec le prince du hip-hop. Sur ce morceau, sur la Delormo Dance. Ah ouais, je pense que Romano, il y a un coup à jouer. Hein. C'est clair. Ah, on me dit qu'il veut rester avec toi, Fredo. Mon chéri, viens, on y va. Oh, c'est mignon. C'est mignon? Adorable. Oui, c'est magnifique. Ah, je vais me barrer. Bon, bah écoute, nous aussi, on y va. On revient ce soir à partir de 21h sur Skyrock. Du foot hein, ce soir. Nikoumouk. Nikoumouk. On parle pas mal, Mathieu Delormo. Il parle mal, vous avez vu ça un peu? Ah, quelle caille. Ah, c'est une caille, une vraie. Waouh. Bon, Fred, place rap, tiens, on en parlait ce soir. Non, vous parliez foot. Ah oui, foot. Tu disais foot ce soir. Ce soir, ça c'est dans la radio libre. Dès 21h, on suivra le match de Monaco et le match de Lyon. Ouais. Demain soir, on suivra ton match Paris. De PSG. Oui. Et puis pour Planète Rap, c'est juste avant la radio libre, c'est entre 20 et 21. Et ce soir, elle est belle, elle est là, elle s'appelle Sheila. Elle débarque de Lyon, elle s'appelle Sheila. On découvre tous les soirs, ça va être une des grosses révélations de 2017. Ouais, on a écouté hier soir et, et ben, ce soir, on sera là aussi. Hein. Ah bah oui. Hein. Pas loupé. Et puis Skyrock toute la journée, Urban Music non-stop sur la première radio urbaine mondiale, c'est Sky. Et c'est parti avec toi, Fredo, pour toute la matinée là. Coup d'envoi avec ça, c'est mon morceau. Hein. Ouais. Franchement, du moment. Il est beau. On l'a mis tout à l'heure, il est super ce morceau. Qu'est-ce qu'il est bien ce morceau. Allez, c'est parti, Fredo. On en profite. Tu vas nous faire une Delors Models là-dessus, je te sens. Vous pouvez le couper par contre, parce que j'ai l'impression d'entendre que ça dans mon oreille. Là. Oh non. Oh non. Nico Mouk. Salut tout le monde. À demain pour le morning, ouais. 6h. Envoyez 1500 au 720 si vous voulez qu'on vous appelle pour les 1500 euros. Et puis rendez-vous ce soir pour la radio libre. Ciao. Ciao. Ciao. Allez, ciao. C'est parti. Coup d'envoi à 9h15, le son sur Skyrock. Kikou les boys and girls. Apparaître bien non-stop, Mathieu. Vas-y, dégage là. Faire un tour là-bas, dans le fond. T'es gentil, la connasse au bout. Voilà, au bout. Au bout, très au bout. Fausse. Je le disais, le son sur Skyrock, c'est le morceau de The Weeknd avec les Daft Punk, Starboy. On parlera aussi Roulette qui va tourner encore tout à l'heure avec un an d'abonnement au service premium de Deezer. Pour écouter Skyrock qui a débarqué sur Deezer, pour écouter de la musique en illimité, ce sera avant midi. Je vous en parle tout à l'heure sur Skyrock. Allez, morceau Starboy tout de suite. Terrible, The Weeknd. Kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me. Every day a nigga try to end me. Pull off in the roadster SV. Pockets overweight, getting hefty. Coming for the king, that's a far cry. I come alive in the fall time. The competition, I don't really listen. I'm in the blue moon, song bumping new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. They talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I like to get any lane. Switch on my core if I kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Let a nigga bracket, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I like to get any lane. Switch on my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy.

never fall, baby. Hold up. Yeah, yeah. Never will I cheat on you. Never will I keep it crazy. Blowing a bag on you. Do all of that for no reason. I'ma pull up in Merc 2. Hitting the block and I'm bleeding. Throwing that rollie on you. I like the way you be breathing. Yeah. Pick up the phone. I'ma call the cook and baby, I'm alone. I thought I was right, then I had to man up, I was wrong. I hate when we fight, she in love with the pipe. I draped her up in ice, I put my phone on ice. Birds in the trap, sing by McKnight. Percocet and codeine, please don't take my life. She had a dream with Celine, so I bought it twice. Young nigga, make it right back tonight. Girl, you're so cute and your ass is nice. Drinking the phone.